place. C'est le Big Boss de l'Eurodance 25. Une nouvelle fois premier cette semaine du classement. David Guetta avec Skylar Grey pour Shut Me Down. Eurodance 25. Sur Fun Radio. Et David Guetta qui signe également la meilleure entrée de la semaine puisqu'il se classe directement 16e avec son morceau Bad avec Chotek. Belle semaine tout le monde. On va se retrouver dimanche prochain évidemment pour une nouvelle émission de l'Eurodance 25 entre 18h et 20h. On va se retrouver tout à l'heure plus proche de nous dès minuit pour un Party Fun. Ça va être juste encore un truc de malade ce soir. Party Fun DJ Mag avec Mac D aux commandes, également Nicky Romero. Ça sera tout à l'heure entre minuit et 2h. D'ici là, le temps d'aller dîner. Ça va être Mickaël sur Fun Radio qui est en pleine forme. Oui, complètement. Je croyais que tu parlais de moi, le Big Boss, tu vois. Mais... Et on va retrouver le Big Boss. Je me dis, oh putain, quel accueil quoi. Ouais. Il sait faire, Miko. Bah non, c'était pas de moi. On n'est pas sur Radio Ego, ça va. Hein. C'est vrai, mais je me suis dit qu'un petit compliment faisait pas de mal. Mais oui, mais t'es un petit peu le boss aussi du dimanche soir. Ouais, bah oui, y'a que moi, de toute façon. Non, c'est pas vrai, y'a Polo, y'a Toff. Bien sûr, vu comme ça, c'est vrai. Et Dieu sait que ton équipe est drôle, hors antenne. Oh, écoute, surtout hors antenne. Bon, bah bonne soirée, et puis bah rancard à minuit. Bah rancard à minuit, mais Polo avait une vanne qui m'a fait rire juste avant. J'ai peur, je suis pas content, c'est quoi? Non, parce que je lui ai pas donné la réponse et il voulait faire un concours de monsieur et madame. Je lui dis, rigole pas, tu connais pas. Je lui ai dit, monsieur et madame Guez ont un fils, comment ils l'appellent? Voilà. Et la réponse est Vladimir Guez. Vladimir Guez. Oh putain, je pensais qu'il y avait un truc avec les Portugais. Putain, moi qui pensais qu'il y avait qu'avec JB qu'on était servi, mais au final, non. Il y a d'autres qui sont en concurrence. Salut Miko. Je vous en ferai une à minuit. Ah, cool, merci beaucoup, quelle chance. Ciao à toi, bye. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Allô, je me demande de vous appeler à cette heure-ci parce que dans la soirée, j'ai reçu un mail. Donc j'ai vu qu'il y avait marqué je t'emmerde, sale con, je t'emmerde. Ouais, mais je comprends rien du tout. Hein. Donc toi, t'arrives à imiter quel animal? J'allais te dire Toff. C'est mon animal de compagnie. Oui, c'est... d'ailleurs, il est rentré aux eaux d'Anvers. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Ouais, c'était la semaine dernière sur Fun Radio. Si vous avez loupé des trucs, vous le savez, hein, il se passe enfin un truc à la radio. Évidemment, c'est le soir que ça se passe sur Fun Radio. 20h minuit le dimanche et de 23h à 2h tous les soirs de la semaine. Bon, comment s'est passé le week-end? En pleine forme tout le monde, j'espère, hein, que vous en avez passé un bon week-end. En tout cas, nous, on est au taquet pour cette nouvelle semaine avec pas mal de choses. Plein de cadeaux également. Énormément. Ah bon? Ah oui. Oh là. Ah oui. Oh là. Ah oui, il va y avoir de la GoPro et j'ai un drone également là. Oh. L'air drone 2.0 qui sera à gagner dans quelques minutes. Donc restez bien connectés sur Fun Radio. Et puis avant de vous retrouver également dimanche prochain, on sera en direct de la friterie Alba, c'est à Charleroi. Et dès 20h, hein, donc dans une semaine pile là, hop. On sera en train de faire de la frite. Ah bah on sera en train de faire de la frite, je confirme. Donc voilà, Friterie Alba à Charleroi, donc c'est en Belgique pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous voulez passer nous voir, évidemment, on sera là à partir de 20h jusqu'à minuit. Donc, et puis là, on est là comme tous les soirs en direct, jusqu'à minuit comme tous les dimanches. Et puis tous les soirs de la semaine, 23h, 2h sur Fun Radio. Il y a également Linda avec nous maintenant, là, 22 ans de Paris. Ça va Linda? Salut Mickaël, ça va et toi? Comment vas-tu Linda? Super bien, merci. Bon, t'as passé un bon week-end? Super week-end. Bon, on rentre un peu tard, mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais. T'es pas rentrée seule, je parie. Ah ben oui, hein, belle comme je suis, je suis pas rentrée seule. Oh, genre, elle se la ramène. Attends, non, mais je peux me permettre. D'accord, mais combien mesures-tu, Linda? Je mesure 1m60. Je suis petite, quand même. Combien pèses-tu, Linda? 53 kilos. Quel est ton tour de poitrine, Linda? Ah bah non, là c'est indiscret, attends. Bah oui, non mais tu te la racontes. Ah non, tu te la racontes. Je te la raconte, mais t'as pas à connaître mon tour de poitrine. Alors, combien ton tour de poitrine? C'est un petit. Oui, mais c'est en chiffres, ça fait combien? 80. Et la lettre? Ah. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Ah oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Elle est toute petite. Oui, mais ça fait combien? 36. Oh, ça va, 36. Ouais, ça va. Elle a le droit à la musique. Ça va. Mais tout de même, c'est... Vous êtes indiscret. Oh, mais t'inquiète, en même temps, t'inventes n'importe quoi, Toff, il est content, t'aurais dit que tu faisais du Z, il aurait été content, ça lui aurait fait sa soirée. Mais je vous le dis, les filles, hein, de toute façon, il note tout, il garde tout en archive. Mais après, vous inventez n'importe quoi, lui, ça lui fait la soirée. C'est scientifique, hein. Voilà. Bah ouais, ouais. Enfin, maintenant, on sait que son mec doit préférer la levrette à la branlette espagnole. Merci, Toff. Bon, et bon appétit, hein, si vous êtes en train de manger à 20h04, là, passez une bonne soirée. Ouais, hop, une non, moi, déjà pour Toff. Je suis encore en petit déj. Ah, t'es encore au petit déj, toi là. Ah, bah, ça fait pas longtemps que t'es levé, alors très bien. Donc j'ai mis Toff au coin pour une minute, ouais. Hein, déjà. Hein, premier. Bien fait pour ça, Dieu. Première fois qu'il dit des conneries, on n'a pas commencé depuis 5 minutes. Bon, Lina, on va parler de quoi avec toi, dis-moi, ce soir? Alors moi, j'aurais parlé des incivilités dans les transports. Incivilité dans les transports, ouais. Oh, bah, y a de quoi faire, hein, je pense. Ouais, y a de quoi faire. Ah, bah, je confirme. Il y en a marre, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous prenez les transports, mais franchement, il y en a ras le bol, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Franchement, il y a un manque de savoir-vivre. Écoute, on va en parler. Reste là. Linda, reste là, ne bouge pas de là. On va se faire la colle aussi dans un instant. Et puis on va saluer, j'aurais bien salué Toff, mais malheureusement il ne peut pas parler. Bon, enfin, il va très bien, quoi qu'il en soit. On aura tout à l'heure évidemment de grands appels, de très très grands appels. La merde, c'est une grosse salope. Voilà. On a, cher ami qu'on a rencontré la semaine dernière. Hein. J'ai niqué ta mère, mon gros bâtard que tu es. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà, nouveaux appels que nous ferons également tout à l'heure, les meilleurs appels de la semaine. Et puis Polo qui a passé un beau week-end également. Ouais. Ça y est, attends, faut revenir. Putain, ça sent. Cette merde est drôle. Merde. Non, j'ai passé un week-end léger. Là, d'accord. J'ai une remis du régime ou pas? Oh non, je m'en remets pas. Je crois que ça m'a marqué à vie, je m'en remettrai jamais. 2 semaines de régime là. C'est trop dur pour lui, c'est trop dur. C'était un régime uniquement tour de taille. Hein, ouais, c'est vrai. Le but n'était pas de perdre du poids. La preuve, j'en ai pas perdu un gramme. Ouais. Voilà. Bon, j'en ai pas pris non plus, mais voilà, il s'est rien passé. Pour lui, perdu un kilo et Toff, t'as. Je sais pas, moi, je me suis pas pesé au départ, donc je peux pas savoir. Mais je suis dans un poids, je suis dans la moyenne basse de mon poids. Dans la moyenne basse, d'accord, ok, très bien. T'as envie d'écouter un son en particulier, toi, Linda, ce soir? Bah écoute, j'ai envie d'écouter un peu de pop, un peu de la musique qui bouge. Un peu de la musique qui bouge, d'accord, ok. T'as pas un titre en particulier parce que là c'est quand même relativement vague ce que tu me racontes. Hein. Bah un titre particulier. Bon alors je vais te proposer, tu me diras oui ou merde. Clean Bandit, Rather Be, t'aimes bien ou pas? Comment? Clean Bandit, ça. Après. Pas très. Bon alors Shakira. Oui, j'aime bien. Ah bah voilà, bah Shakira, bah nouveau tiens d'art, là. Ah bah on le mettra dans quelques minutes. Voilà, bah reste avec nous Linda. Et on va également accueillir Raphaël cette fois-ci. Alors Raphaël pour la colle, mais lui en revanche pour une fois n'est pas au téléphone. Il est avec nous, comment ça va Raphaël? Alors oulala, approche-toi. Ouais, ou alors prends le micro, tire-le, parle bien devant comme moi là, vraiment pile devant. Comment ça va? Passez un bon week-end. Ouais. Tu viens d'où toi Raphaël? Villeneuve-Saint-Georges, d'accord. Et t'as une colle pour tenter de gagner la GoPro ce soir qu'on file. Donc GoPro, c'est la Hero 3 Plus qu'on offre, qui vaut combien ce truc là? Cher, presque 400 euros, 450 quand même. Ouais, 300-400 euros serait pas mal. Et pour ça, tu as une colle Raphaël, alors fais péter la colle. Il est léger comme le coton et peut-être de glace ou d'avoine, ainsi que de céréales pour le petit déjeuner. Qui est-il? D'accord, alors je le répète, il est léger comme le coton et peut-être de glace ou d'avoine ainsi que de céréales pour le petit déjeuner. C'est bien ça Raphaël? Oui. Très bien, bon si vous voulez tenter votre chance et battre Raphaël, le principe est très simple. Vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la réponse à la colle au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer bien entendu sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Je vous mets la colle dans 2 petites minutes, à vous d'aller voir et puis vous avez jusqu'à 22h à peu près pour répondre à la colle. Voilà, en toute simplicité. Donc allez-y, bonne chance tout le monde. T'as envie d'écouter un son en particulier, Raph ou pas toi? Sean Paul, attends, je suis là, Sean Paul, ça va ça? Allez, on mettra tout à l'heure avec Major Lazer, sera Come To Me. Et puis je vous ai évidemment calé celui qui déchire tout, évidemment. Route 94 avec My Love, on pourra chiller pendant que Toff ira chier. Évidemment. Et puis il y a Nico sur le Twitter qui dit c'est parti pour Mickaël. 4 heures de grosse marade assurée. Bon, assurée, je sais pas, mais on fera le nécessaire. Et Kevin aussi, il y a moyen d'avoir un petit message de bienvenue pour ma soeur Sarah qui vous écoute aussi avec plaisir. Ta mère, c'est une grosse salope. Hein? Voilà. Et puis Sarah Svati aussi, est-ce que le dieu chrono pourrait arrêter le temps à partir de 20h, histoire d'avoir l'infini pour écouter? Oh c'est gentil Sarah Svati. Comment tu te la ramènes Sarah Svati? Ouais. On suivra également ce soir le match, hein, Lyon-Paris, gros battle donc ce soir 21h. Et on vous donnera les résultats au fur et à mesure, vous inquiétez pas, évidemment, il n'y a pas de souci. Et puis je viens de lire un article sur les prénoms belges. Et alors je ne comprends pas comment en Belgique, en 2014, on peut appeler son enfant Miami Blue. Ah mais improbable. Ou alors Yo, attends c'est quoi? Yombo tout blanc. Sérieusement quoi. Le journal en a trouvé 20 du même genre. Il y a aussi Goddy Swim, c'est pour les filles. Torex O-West, c'est pour les mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Anna O-L ou Anna O-L, faites ça comme vous voulez, pour les mecs. Floki Parody ou Paradise ou Paradis en fait, tout simplement. Endurance, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Endurance. Tame Jonathan, Ecclesiast, XY. Ça c'est pas mal, c'est, au moins c'est facile pour. Bah, c'est prénom. Facile, mais enfin c'est quand même improbable. Est-ce que vous connaissez vous des prénoms ridicules? Christophe. Oui. Ça c'est vraiment ridicule. Mais il aime pas son prénom, Toff. Pourtant il s'appelle Christophe. Hein. Oui, c'est ça. Mais j'aime pas. Mais c'est voilà, Christophe. Mais il aime pas. Et donc bah, il préfère Toff, va savoir. Et alors Sandro également là. Ouais, il y a une mère de famille qui a appelé son gosse Sangoku. Ah oui, putain, j'ai entendu ça, ouais. Ouais. Puis après, il y a Sandro aussi comme nom ridicule. Ouais, c'est très moche. C'est vraiment moche. Ouais. Moi, il y a très longtemps, j'ai croisé un type qui s'appelait Bienvenue. Ah oui, Bienvenue, c'est ouais. C'est bizarre comme mais prénom. Chez les Blacks, il y en a souvent ouais, des noms ouais, un peu bizarres. Enfin, bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude. Genre Désiré, Bienvenue. Soirée, il y avait en. Il y avait Soirée aussi, on a connu. Soirée. Soirée. Ouais. Non, mais et c'est Matin. Le fils s'appelait ouais. Matin. Non, mais t'imagines. Bon, bah dites-nous, vous nous appelez maintenant au 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On est au cœur du Nord sans pub. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et alors, Linda, tu connais pas des noms bizarres, toi, par hasard? Bah, je sais pas, je connais Dorsière. Comment Dorsière? Dorsière, comme la station de ski. Belzébuth. Non mais comment tu peux appeler ton gosse Belzébuth? Ouais, c'est pas possible. T'appelles pas ton fils aujourd'hui Belzébuth? Moi j'ai pas d'enfant. Problème. Non mais pas le tien, je me doute que t'es pas d'enfant, mais aujourd'hui je parle dans l'absolu. C'est interdit tout ça. Hein. Oh là là. Non mais c'est un truc de dingue. Enfin bon bref. Bon bah les autres allez-y, dites-nous, vous balancez vos messages maintenant sur le Facebook. Je vais vous mettre un petit post également pour que vous puissiez donner vos avis, balancer vos commentaires également hein, facebook.com/mikaelofficiel. Et comme je le disais, ah bah non je l'ai pas encore dit. J'ai un drone, il est là. Là il y a un drone. Tu l'as déjà dit. Ouais non mais là je l'ai maintenant, je veux dire physiquement. Donc c'est-à-dire celui qui gagne ce soir repart avec directement. Raphaël peut confirmer, la boîte est là hein. Ouais. Ah là, la boîte est là et parle bien dans le micro, Raphaël, si on entend mal. Donc, donc voilà, l'air drone, il est là, ça coûte 250 euros. Et alors, attention, c'est quand même idéal si vous habitez en appartement. Vous allez vous dire, bah, pourquoi en appartement? C'est ridicule, c'est un drone, c'est l'espèce d'avion avec 4 hélices qu'on pilote avec le smartphone ou la tablette, tout simplement. Et donc, idéal quand on habite en appartement. Si vous savez qu'il y a une meuf méga bonasse sur le côté, hein, dans l'appartement voisin, en haut, en bas, vous mettez le drone dehors, vous le faites décoller depuis la petite fenêtre, par exemple. Et là, parce qu'il y a une caméra HD dessus, et là, vous passez devant et en fait, ça filme en temps réel. Donc, ah ouais. Que si vous êtes devant la fenêtre de la voisine, et ben ça filmera en temps réel. Alors, pour peu que vous ayez l'accès à la douche, enfin bref, une histoire. Moi, je ferais autre chose avec. Quoi? Je ferais comme une espèce de bombardier, je mettrais des petites boules de merde. C'est pas mal. Et je les lâcherais sur Toff toute la journée. Ouais, ouais, ouais, je le courserais dans la ouais, rue comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. À tester. Voilà, le drone est à gagner. Si vous le voulez, il suffit d'aller sur le Facebook. Depuis une petite demi-heure, vous avez la possibilité de vous inscrire. Et on fait le tirage au sort final à minuit. Donc, soyez bien à l'écoute de Fun. Et puis, bah, faites un like et un partage tout simplement de la photo où je suis avec le drone. Voilà, pas plus compliqué que ça. facebook.com/mikaelofficiel. On va parler de l'incivilité dans quelques minutes avec Linda. Il y aura Kylian également qui est avec nous de Pamiers en Ariège. Salut Kylian. Salut Mikaël. Tu vas bien ou quoi? Ouais, toi? Bon bah très bien ouais. Bon Kylian, on va parler de quoi toi avec toi dans quelques minutes? Et bah sur Facebook j'ai insulté des professeurs et du coup bah elle a eu plein de retours et j'ai eu plein d'ennuis. Ah ouais, comme quoi ouais, ça t'as eu plein de likes mais voilà, comme quoi ça prouve que t'as beaucoup d'amis hein, puisque c'est arrivé jusqu'aux oreilles des profs. Bon ouais. On en parle dans quelques minutes, reste avec nous Kylian. Et appelez-nous les autres là pour les incivilités. Ou si vous avez fait comme Kylian aussi, vous avez fait des conneries au bahut, genre insulte des profs, comment ça s'est passé, etc. Et ben on en parle sur Fun Radio, on va s'écouter. Et on est bien au cœur d'une heure sans pub, non? Ah oui on est bien. On est top. On est entre nous. On est cool, vous êtes là, vous nous appelez, vous passez l'antenne en direct. On est là jusque minuit en famille, 01 42 48 5000 et pour la Belgique, 02 851 4x0. Et en plus, on écoute le son de Clean Bandit maintenant, c'est Rather Be sur Fun. Clean Bandit sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, on est toujours en direct sur Fun, il est 20h17, on est au cœur d'une heure sans pub avec Nadia Le Prince qui dit il fait encore jour dehors, les journées rallongent, ça sent l'été qui approche. À grands pas, j'ai envie de dire. Oui, vous allez enfin pouvoir bronzer en écoutant l'émission. C'est quand même cool. Ah, ça va être bon. Ça. Oh putain, il y a un jour, j'annonce. Hein. J'annonce. Quand, bon, là maintenant, il fait encore un peu frais. Mais il y a un jour où je vais être sur la terrasse de Fun. Hein. Non, mais j'annonce. quand il fera encore beau, tu sais, quand le jour où il fera genre, tu sais, un petit 25-30, je vais me mettre pépère là. Et tu veux faire l'émission là-bas? Ah bah bien sûr. Ah d'accord. Ah bah on va la déplacer. Attends, on fait l'émission en direct du ski, en direct c'est de vrai. Charleroi, en direct de partout. Donc pourquoi on n'arriverait pas à la faire à 5 mètres du studio? Non, non, on va le faire. C'est peut-être ça qui est compliqué. Hein. Bah, va savoir, ouais. Non, non, mais ça va aller. Et Yacine aussi, salut toute l'équipe. Bien ou bien, moi ça va, j'ai enfin lâché la 360. Ça faisait déjà 2 ans que je la lâchais pas. Ma console, un vrai geek. Ah oui, bah oui, Yacine, effectivement, c'est bien après 2 ans que tu l'es. L'a enfin lâché. Ah oui, putain, faut que je vous raconte aussi. Vous savez que j'ai un chat là. Oh, minou, minou. Ah, lequel mais con, non, bah, easy. Le gris, mais non, mais ouais, le gris, ouais. Donc, c'est le petit, quoi. Et donc, il a fait connaissance avec le robot, l'aspirateur. Ah, ouais. Bon, ça a été un peu la galère, mais finalement, ça s'est bien passé. Et puis, ce con, parce que j'ai une porte en verre qui sépare le salon du hall, du couloir, enfin, d'entrée, ouais, quoi. Et donc, cette espèce de mongol, il a commencé à courir, parce que si je le rendais fou avec une petite lumière rouge. Et ouais. Il s'est pris la vitre, mais oh là, d'une violence, j'ai eu peur, je crois que la vitre s'est cassée. Donc non, mais ça s'est bien passé, mais il était sonné, hein. Comme quoi un chat est con, faut quand même le savoir. Donc, est-ce que quelqu'un a noté le j'ai eu peur? Je croyais que la vitre. Bah oui, bah attends, évidemment, j'ai eu peur pour la vitre. Attends, si elle tombait sur lui, enfin tu vois. Donc ouais, bah, le chat au pire, il aurait pu le mettre dans un sac poubelle, on en parlait plus. Non. Ah bah bravo, il mérite d'être puni pour sa trompe. Ah oui, bah c'est exactement. Parce que nous on aime les animaux, contrairement à toi, espèce de sac à merde. Une minute dehors. Voilà, hop là, ça fera la deuxième en même pas 20 minutes. Hein. Il est contre c'est-à-dire tout le monde. Il y a quand même plus de 10% de l'émission pour l'instant qu'il rate parce qu'il est con. Non mais tu sais, c'est cette haine qu'il a. Ouais. C'est cette haine qu'il a au fond de lui et il déteste tout le monde. Exactement. C'est gravissime ce mec. Bon, et Nico qui dit une fois des parents ont appelé leur gosse Silas, bizarre comme prénom. Oh, Silia, ça va, moi je connais. Non, j'ai déjà entendu. C'est rare, mais c'est pas bizarre. Et Pierre qui dit je connais quelqu'un, il s'appelle Taylori. Ah oui, ça par contre c'est bizarre. Hein. Ah ouais. Kevin aussi, mes parents hésitaient entre Kevin et Aladdin, j'ai eu de la chance. Oui, c'est clair. Ouais. Et Christopher qui dit on fait comment pour répondre à la colle? Bah, c'est facile, hein, t'envoies Mickaël et la réponse. T'envoies ça au 64-900 par SMS ou alors au 63-22 depuis la Belgique ou alors gratos. Et là, tu vas sur le Facebook de l'émission pour gagner la GoPro, facebook.com/Mickaël officiel. Bon, en gros, pour gagner la GoPro ou le drone Parrot AirDrone 2.0, eh ben, il suffit d'aller sur le Facebook. Voilà, facebook.com/Mickaël officiel et vous pourrez gagner les deux comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ah, bon, t'as pas fait de retour, ça y est, c'est fait. Voilà, allez hop, ne pas s'emballer, hein. J'ai la musique, j'ai le doigt sur le chrono du minute qui peut partir à tout moment. Bon, Linda qui était toujours avec nous là, qui voulait parler des incivilités dans les transports. Oui. Bon, alors qu'est-ce qui t'est arrivé, Linda? Bah écoute, les incivilités, il y en a beaucoup dans les transports, il y en a ras-le-bol quand on est tout le temps confronté au stress et à l'agressivité. Ce qui m'est arrivé, c'est que pas plus tard que vendredi, dans le métro, la ligne 12, donc j'allais sur Montmartre et on est beaucoup agressé et il y a quelqu'un qui en fait qui fumait, bon, je ne vais pas dire ça à la radio, mais... Bah, qui fumait du shit, mais on s'en fout, tu peux le dire, ouais, c'est pas très grave. Hein. Non mais bon, il fumait du shit, tu dis pas il faut fumer du shit. Bon. Ouais mais bon, dans un métro, non. Non mais je suis d'accord avec toi, non mais c'est clair. Mais quoi, il était dans la rame ou il était genre dans la station? Non, dans le métro, c'est-à-dire assis sur les sièges. Genre, ouais, les il attendait le métro. Ah oui, vraiment. D'accord, ok. Et il fumait du shit. Ouais, bah ouais, mais ça... Non, mais en plus, avec... voilà, il parlait tout seul, puis bon, il y a toute la diversité, puis... On comprend rien à ce que tu racontes, ouais, Linda, j'annonce. Hein. C'est-à-dire que ton téléphone, en fait, il y a un... Alors, soit t'as le kit main libre ou le haut-parleur... Non, j'ai pas le haut-parleur, en fait. J'ai soit le téléphone tu as un portable, téléphone en bois. Non, ah bah là, ça va mieux. C'est parce qu'on lui a volé dans le métro, c'est pour ça. Du coup, il a un téléphone pourri. Tout d'un coup, ça va mieux. Non mais super, c'est bien. Bon alors du coup t'as eu quoi? T'as eu ça? Ouais, moi ça m'est déjà arrivé, hein. C'est-à-dire que il y a un soir je suis rentré, parce que vous savez, quand j'habite parce que le week-end j'habite chez moi, et puis la semaine je squatte chez des potes, donc dans un appart à Paris, et je suis déjà rentré dans la cour. Les mecs ils étaient au bord de la fenêtre en train de fumer du shit. Ça puait partout. Ah bah c'était open bar, hein. C'est-à-dire que tu pouvais hop, c'était une inhalation gratuite. Linda, tu sais qu'avant de t'avoir au téléphone, j'étais vraiment zen. Ouais. Là, tu m'as stressé. J'ai l'impression d'avoir bu au moins direct bulle. Là. Qu'est-ce qui se passe, Linda? C'est pas grave, on est entre cours, on est à la cool. Hein. Je sais, mais heureusement, en sortant du métro, ça a été super. Parce mais tu réponds pas à ma question, Linda. Non, parce pourquoi t'es excitée comme une pile, là, comme ça, une pile électrique? excitée parce que c'est vous qui m'excitez. Oh, il faut pas, t'inquiète pas, on va pas niquer, hein. Oh, moi j'aimerais bien, mais ouais, après. Enfin, bon, ça c'est un autre problème évidemment. Bah attends, Linda, reste là, reste avec nous deux minutes là. On va prendre Abdou également qui est avec nous dans l'Essonne, dans 80. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ce soir il y aura beaucoup de gens de Paris qui vont réagir aux incivilités. Étonnant. Ah ouais. Je comprends pas pourquoi. Oui, c'est bizarre. En tout cas, Paris ou région parisienne. Il y a beaucoup de monde à Paris banlieue, donc t'as plus, c'est multiplié par 20 les incivilités. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui. Ah, bon, je connais bien moi les transports en commun. Ouais, je sais bien. Ouais. Bon, bah, bienvenue Abdou. Ouais, bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Alors, tu voulais parler des incivilités, toi, t'as déjà vécu des trucs, ou toi-même t'es un casse-couille? Alors quand même, il y a même pas un quart d'heure, là j'étais dans le train tranquille, j'écoutais ma musique, peinard, et là il y a un mec qui te bouscule tranquille, il dit même pas pardon, normal. Pour lui c'est normal, mais bon, ça te casse les couilles quand t'es bien comme ça, tranquille. Bah et encore, ça va, et si encore, c'est ça, juste c'est qu'il bouscule un coup et qu'il dit pas pardon, bon c'est pas catastrophique. Mais je pense que Polo veut raconter une histoire de vélo et de RER. Ah, voulez-vous parler de la salope? Vas-y. Ah oui, vous allez entendre parler, c'est encore une fois, vous allez voir à quel point les gens peuvent s'énerver. Pour rien. Pour rien, parce qu'au final c'est rien, tu vois. Non, non mais bon, allez, raconte et après je donnerai mon avis sur cette affaire. J'étais parti quelque part, je sors d'un RER, d'accord. Voilà, donc il râle. Et donc je marche sur le quai, il y a une fille qui, une fille jeune, hein, jeune, tout ce qu'il y a de plus jeune. Ouais. Et qui sort, elle sort avec son vélo, et comme elle regarde, comme elle, cette bouffonne, elle n'aime qu'elle et qu'elle ne regarde pas les gens qui est autour d'elle. Et comme comme elle bouscule un mec qui n'aime que lui, c'est vrai. Il ne regarde pas autour de lui. Voilà. Donc du coup, en fait, il n'y avait que deux personnes. Non, elle m'a pas bousculé, c'est-à-dire qu'elle m'a mis un coup avec son pneu. Ouais. Et moi, je me dis, bon, je vais pas m'embrouiller, tu sais, je la laisse. Non, la parce que c'est pas bouffonne. Comme ça, quoi. Mais non, c'est une bouffonne, elle connaît rien à la vie. En plus, il était dans son régime zen, tu vois. Qui l'aidait à être bien. Voilà. J'ai envie de chier en plus. Ouais, en plus. Attention, là, quand il raconte l'histoire, il choisit ses mots, hein. Ouais. Parce que lui, en antenne, il a pas raconté que ces mots-là. Hein. Exactement. Les synonymes n'étaient pas les mêmes, hein. Exactement. Il la raconte cool, quoi. Et donc, j'essuie un peu, j'enlève mon jean et je fais putain, tu sais, il y a le pneu, parce qu'il est sale son pneu, quoi. Ouais. Et elle me regarde, elle me fait, c'est à vous de faire attention. J'ai fait quoi, espèce de sale bouffonne? J'ai les vrais mots, hein, les termes, je vais pas me cacher, moi je suis pas ami de l'humanité ou je sais pas quoi. Je fais quoi, espèce de bouffonne? Non seulement tu me dégueulasses le jean avec ton truc, en plus t'ouvres ta gueule. Oui, vous ne me tutoyez pas. Je lui fais, je t'emmerde, je te tutoie si je veux. Et si t'es pas contente, ça va. Je lui fais, arrête de me prendre la tête. Et elle continue. Pas d'incivilité dans le métro. Et non, je dis, arrête. Mais non, mais moi j'étais pas un civil, j'étais là pépère, je marchais seul sur mon trottoir. T'emmerdais personne, bah ouais. T'étais à la cool, pépère quoi. Voilà, et elle passe comme ça et elle continue. Et je lui fais arrête de. Je sais plus, je lui dis un truc. Et en fait j'écorche le mot et je me trompe. Et vous savez pas quoi? Elle ose de moi prendre. Elle rigole. Comment? Et je lui dis, écoute-moi bien, ferme ta gueule, bouge de là où je te mets une baffe. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Je lui dis, tu vas la voir ta baffe. Ouais. Et là, elle commence à me regarder, elle dit, bon, je pense qu'il est sérieux. Et là, j'étais en train de fulminer, quoi. Pour rien, parce qu'elle a été bousculée. Après, elle aurait dû s'excuser. Non, elle avait qu'à... Reste... Non, elle, non seulement, fallait qu'elle s'excuse, parce que c'est la moindre des politesses. Et elle aurait dû offrir un café à Polo. Et des corrections. Voilà. Et ne pas réagir quand j'ai dit putain, mais pas pour elle. Tu sais, c'est putain, c'est comme quand tu dis merde, quoi. Oui. Putain, et toi, j'ai essuyé mon jean et elle ouvre sa gueule. Et je lui fais bouge là. Du calme, sinon, tu vas la voir, ta baffe. Histoire qui est passée la semaine dernière, hein. Tout va bien. Ça vous donne une idée. Donc, ça fait une semaine là que le truc est passé, hein. Ah non, ça vous donne une idée à quel point le calme règne chez Polo. Le bureau tremble encore de cette histoire. Ah bah tiens, c'est d'ailleurs, clair. D'ailleurs, si on m'entend, t'es une bouffonne, voilà. Voilà, bah, comme ça, le message est passé, tiens. La prochaine fois, je prends ton vélo, je pisse dessus. Bah, très bien. Il y a Laïline aussi qui dit, moi, je m'appelle Laïline, c'est déjà assez bizarre. Oui, c'est vrai que c'est relativement rare. Mr Bieber qui dit, moi je connais Merveille et Cannelle au niveau des noms. C'est mignon, ça. C'est sympa, ça. Et Kubra qui dit, mon prénom c'est Kubra, quand tu lis ça, ça fait Kubra. Normal. Non, mais après ça fait Kubra pour ceux qui savent pas lire, mais on sait que K-U-B-R-A c'est Kubra. Enfin, tu dis pas Kubra. Non, c'est vrai. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas hésité, mais après peut-être que oui, mais je sais pas. Et toi Abdou, tu connais des gens avec des prénoms bizarres ou pas? Abdou? Parce que ça, non. Ah d'accord, ok. Non, des fois que on sait. Mais par contre, Miguel. Ouais. Ouais, il y avait bien pire là. Ce que ça racontait, c'est ça. Il y a bien pire. Hein. Ah bon, bah vas-y, explique. Ouais, parce que je t'avais déjà dit, j'étais à Gare de Lyon, comme ça, je rejoignais des potes pour aller en soirée. Ouais. Et tu vois, il y a une meuf plutôt normale, tranquille. Elle commence à relever sa jupe, elle baisse sa culotte et elle commence à chier sur le quai. Non. Ça, c'est bon, ça. J'avais grillé aussi quelqu'un. Alors c'est pas dans les transports, mais moi c'était dans un parking, c'est genre Vinci Park. Il y avait un mec, je cherche une place, j'en trouve une, je me mets dans la place, et là avec les phares, je vois un mec qui était dans le fond en train de chier. Ouais, vous l'aviez... C'est ouf. Vous l'aviez pas vu cette vidéo, c'était une meuf dans un centre commercial. Bah oui. T'as des gros pots à fleurs et tout. Elle va dans le pot à fleurs, elle baisse son pantalon, elle chie dans le pot à fleurs, puis elle remonte et elle se barre. Non mais c'est improbable quand même. C'est clair qu'il y a des gens, ils sont quand même. Faut oser quoi. En plus, dans un centre commercial, il y a des chiottes. Non mais c'est clair, mais évidemment. Et Abdou, encore une autre histoire toi? Il y a celui qui a failli insulter mon cousin là, Ali. Ouais. Mais ça par contre c'était au métro, commençait à pousser, c'était une grosse dame comme ça. Elle fait genre. Grosse dame? Ah attends, mais t'as pas vu la carrure, hein. Elle fait moi et Ali réunis, hein. Et ah ouais, c'est une sorte de pote, effectivement mais... Ali il est c'est une base. Ouais. Ah ouais, il fait une masse. Et commence à lui gueuler dessus. Et Ali, je sais, il s'énerve vite, il me dit, quand t'es parti, il fait. Elle s'est m'a encore parlé, je lui aurais cassé la gueule. Normal. Ah ben c'est un ami de Polo alors, hein. c'est ça. Non mais moi aussi, ça me rend ouf les gens comme ça. J'ai envie de les frapper, mais ça me rend ouf. Non mais t'as raison, c'est clair qu'après l'incivilité, c'est super énervant. Bon ben merci Linda en tout cas d'avoir appelé, hein. Je passe encore un truc à ajouter. Qu'est-ce qu'il y a? En fait non, je voulais rajouter quelque chose aussi. De toute façon, même en sortant du métro, bon après ça allait mieux parce qu'on a failli m'évacuer, mais il y a eu un rayon de soleil, il y avait un super tournage. Je me suis pressée pour demander un autographe. On m'a monté sur les épaules. J'ai vu, bon, c'était un chanteur que je mets beaucoup. Il y avait une chorégraphie, une méga chorégraphie sur sauter en l'air. C'était à Montmartre et je voulais vraiment un autographe pour ma soeur. C'était le chanteur Davidé que j'adore. Et il mangeait quoi? Il mangeait un sticker, j'adore, ou pas? J'adore, c'est le chanteur beaucoup. Qui Davidé. T'es sérieuse? Oui, pourquoi? Davidé, tu connais pas Davidé? Non, ah pardon, faut que je te fasse découvrir alors ce grand moment de musique. C'est quoi ta vidéo? Ah, peut-être que tu vas me faire écouter, ouais. ça va rien dire du tout. Donc il y avait un tournage sur lui et on m'est monté. Oui, Dalidé, c'est un super, moi j'adore. Ouais, bah attends, on va écouter pour voir. Vous avez la musique? Ah, ouais, attends, elle est en train de la prendre là, une seconde. C'est intemporel? Intemporel? Oui, en 3D. Ah bah attends, on va pas la mettre, t'emballes pas. Non, c'est pas intemporel, c'est pas intemporel. Non, c'est 3D. Non, mais si tu parlais un peu moins, t'aurais... Mais calme-toi. Si tu parlais un petit peu moins, tu entendrais qu'on t'a pas dit ça. Ah, c'est génial. Allez, hop, poubelle. Mais intemporel, oui, oui, bah on va la mettre, mais hors antenne. J'irai la mettre quand j'irai au chat en même temps, ça sera parfait. Ah non, c'est pas vrai. Linda, tu m'as donné mal au crâne. On vient de démarrer l'émission, j'ai une barre dans la tête là. Bon, je te fais des gros bisous, Linda. Je te repasse Toff, tiens, il va être content. Il adore. Salut, Linda. Super. Ciao, Linda. Gros bisous à toi. Et merci de m'avoir appelé. Pas de soucis. Bonne soirée, les gars. Et tu reviens quand tu veux. Salut à toi. Il y aura Kylian dans un instant, Aurélien. Il y aura le journaliste aussi, hein, d'Antibes. Et il y aura également Rémi qui va débarquer par rapport au prénom. Allez, tout ça, c'est après Shakira sur Fun Radio. On fait les appels de Toff également. Ce sera les appels. On va se faire quoi comme appel, tiens, maintenant là? Garder les poils, parce que Cameron Diaz, elle avait encore eu une grande déclaration. Exactement. C'était de dire que si on avait des poils, c'est qu'il y avait une bonne raison et donc il fallait pas les enlever. Et donc, exact. J'avais été voir si les gens les gardaient ou pas. Voilà, bon, on fait ça juste après le son de Shakira sur Fun Radio. On est au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël No Limite. Prévenez bien vos potes qu'il se passe enfin un truc le soir à la radio. 20h minuit le dimanche, 23h, 2h, c'est tous les soirs de la semaine. Lego. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 Samy. Mickaël, No Limite. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, sur Fun Radio, 20h34 avec Florent qui a envoyé un message sur le Twitter. Là, Mickaël, un prénom vraiment bizarre, c'est Clitorine. Ce serait parfait pour la fille Toff. Ah. Mais oui. J'y avais pensé. Ouais. Avec Vagina. C'est vrai. Et Fillon. Et Sarah Svati aussi, qui dit incivilité existe partout malheureusement. Et Nadia. Nadia sur le Twitter aussi, Nadia Le Prince qui dit sinon je connaissais une fille qui s'appelait Garance. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas super commun, je trouve moi perso, je suis pas fan. Non, je suis pas fan non plus, mais bon, pourquoi pas. Et sinon, moi, je voulais rendre hommage à Vincent Connard qui était dans mon bahut. Ah oui. Mais ça, c'est un nom de famille, c'est encore différent. Oui, c'est vrai. Et Alexandre qui dit, moi, j'ai un pote indien, son daron, il s'appelle Apu Pachan. Ah bah. Apu. Ah bah, c'est dans les Simpsons. Ouais. Apu. Voilà, APU, puis Pachan. Voilà. Et Jojo aussi qui dit, ouais, oui, à ce point-là, Polo, ça s'entend que tu l'as encore mauvaise, le coup d'histoire du vélo, là, tout à l'heure, là. Et Pierre aussi, moi, les transports à Grenoble, c'est posé. Bah oui, c'est clair. Et Nadia aussi encore qui dit, moi, en ce qui concerne les prénoms, j'avais une collègue quand j'étais serveuse qui s'appelait Fanta, original, elle aimait le coca. Oh, c'est mieux que s'il aimait l'Orangina. Bah oui. On est en Fanta si tu veux. Bon, allez, avant de récupérer Kylian dans quelques minutes, Aurélien et Kevin pour parler de l'incivilité. Rémi qui voulait parler également des prénoms un petit peu bizarres. Et Raphaël qui est avec nous et qui va nous refaire la colle. Bon, on va le faire maintenant, tiens, la colle. Raph, parce que Raphaël est un auditeur qui est passé nous voir pour le coup pour tenter de repartir avec la GoPro ce soir. Et pour gagner la GoPro, eh bien, c'est très simple. Il faut répondre à la colle de Raphaël qui est avec nous ce soir. Vas-y, Raphaël. Il est léger comme le coton et peut-être de glace ou d'avoine, ainsi que de céréales pour le petit déjeuner. Qui est-il? Voilà, si vous avez la bonne réponse, si vous pensez avoir la bonne réponse, eh bien vous envoyez M.I.K.L. suivi de la réponse, envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez tenter de jouer aussi sur le Facebook de l'émission pour gagner la GoPro et le drone, Air Drone de chez Parrot qui est à gagner. Eh bien il suffit d'aller donc sur le Facebook, facebook.com/ M.I.K.L. officiel. On proposait des cornflakes, c'est Marco. Non. Non, c'est pas ça. Du pain. Non. Non, on proposait également le beurre. Non plus. Bon, bah très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh ben allez-y. Facebook.com/ M.I.K.L. officiel. Voilà, vous balancez vos messages et puis on lit tout ça en direct sur Fun Radio dans quelques instants. Bon, bah du coup, tu restes avec nous, hein, Raph. Tu vas rester là. Ouais. Bon, bah très bien. On donne la réponse avant 22h tout à l'heure. Facebook.com/ M.I.K.L. officiel. Allez, on fait les appels de Toff maintenant. Ah. Si vous êtes avec nous tous les soirs de la semaine, vous le savez, tous les soirs, on trouve un moment ou un autre une idée pour appeler des gens, et quand on n'a pas d'idée, justement, en général, Cameron Diaz, on a toujours une bonne sous le coude. C'est bizarre, mais je sais pas comment elle fait, elle a toujours des bonnes idées. Toujours, toujours, toujours. Et donc, du coup, on avait appelé des gens pour. Parce que Cameron Diaz a dit que s'il y avait des poils, c'est que. Il y avait bien une raison. Il y avait une raison. Et donc, il fallait pas les enlever. Voilà, donc on avait appelé, enfin, tu avais appelé afin de voir si les gens les gardaient, ou s'ils se rasaient, s'ils s'épilaient quelque chose, ou c'est pas, ça. Etc. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle 20h37 sur Fun Radio. C'est donc par rapport à Cameron Diaz et les poils. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous gardiez vos poils, madame. Et toi, ta gueule. Je m'excuse madame, mais je comprends pas. Oh. Bon, elle avait pas l'air sympathique, on l'avait rappelée. Bah oui. Ah oui, normal. Allez, je vais se dire son bon, il est tombé sur monsieur. Oui, il me semble. Il me semble aussi. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme gardait ses poils ou pas, monsieur. T'es con ou tu le fais exprès? Mais pas du tout, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Hein? C'est n'importe quoi, l'autre. Mais pas du tout, monsieur, enfin. De quoi? Bah, tu peux répéter la question, là? Bah oui, je veux juste savoir si votre femme, elle garde ses poils ou pas, monsieur. Ouais, bah tu viens me le dire ici, là? Mais pourquoi je vous le dis chez vous? Bah écoute, tu fermes ta gueule ou tu viens me le dire ici? Et je vais te faire voir qu'elle garde ses poils, tu vas voir, connard. Ah bah voilà, c'était suffisait de le dire, monsieur. Ouais, allez, va te faire aimer, voilà. Ah bah non, monsieur, mais enfin. Ah bah va te faire aimer, tiens. Bah ouais. C'est une belle insulte, ça. Mais, hein. Oui, mais c'est gentil en plus. Ah, c'est bien, c'est bien. Mignon. Bon, on l'avait rappelé encore une fois, du coup, hein. Allez, hop, c'est reparti, on y retourne. Oh, Richard. Oui, mais. Allô? Bon, ouais, tu vas m'emmerder longtemps, là, ce soir, hein? Bah, non, monsieur, mais enfin, c'est vous qui êtes mais un petit. Attends, monsieur, t'arrêtes de m'appeler monsieur, et puis tu me lâches, là. Bah oui, mais vous êtes un peu désagréable, quand même, monsieur. Bah, je suis plutôt désagréable, et toi, tu m'emmerdes, là, ce soir-là. Mais pas du tout, monsieur. D'accord, bon, allez, lâche-moi, là. Lâche-moi, attendez, je vous appelle là. Gentiment allez. Pour vous poser une question. Oh, bah, on n'a pas eu de réponse, là, comme non. Vous avez pu le remarquer. Bon, c'est pas très grave. Déçu. Tout à l'heure, on parlera des dessous. Oui. Ouais, dans une heure, on appellera pour les dessous. C'était à base de quoi? C'était à base de couleurs. De quoi? Ah oui, pour les couleurs. Oui, parce que chaque dessous avait une couleur. Enfin, chaque couleur avait une explication. Voilà. Si vous mettez du rose, c'est que vous êtes comme ça. Si vous mettez du noir, vous êtes comme ci, etc. Et donc, on avait appelé des gens pour savoir ce qu'ils mettaient. Bah, savoir à quelle couleur ils mettaient pour les connaître un peu mieux. Voilà. Voilà. Et donc, on appelle des gens tous les soirs, hein, pour ceux qui n'écoutent pas la semaine, par exemple. Et si vous avez des gens très sympathiques comme celui-là, par exemple. Je nique ta mère, hein, mon gros bâtard que tu es. Hein. Voilà. Donc si vous connaissez des gens aussi sympathiques que celui-là, bah, n'hésitez pas bien entendu à faire partager. Hein. Vous envoyez le numéro de téléphone sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Voilà, je compte sur vous. On va prendre Aurélien avec nous maintenant des Sables d'Olonne. Salut Aurélien. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Ça va. Et est-ce que tu peux me mettre un coup de pelle à Toff? Bah évidemment. Bah alors. Je vais demander gratuitement comme ça. Hop, je vais en mettre un deuxième. Voilà. Et un troisième comme ça pour le kiff. Allez d'accord. Allez hop, tête de voilà. Con, ouais. Encore une autre demande particulière? Ouais, est-ce que tu peux en mettre une aussi à Polo? Oui, avec plaisir, mais ça je vais mettre une gifle. Voilà, il l'a mérité. Ah, et de la part d'un pote Thibaut, il a dit que Toff a une tête de cul. Oui, eh ben, il a totalement raison. Il a entièrement raison, effectivement, et je pense que pour une fois, un auditeur dit la vérité et c'est beau. Non, mais oui, c'est vrai. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des auditeurs. C'est vrai. Et comment s'appelle ton pote? Thibaut. Thibaut, eh ben, il a la science infuse. Bravo à Thibaut. Et vive Thibaut. Voilà. Ouais. J'aime bien même la musique. Voilà. Thibaut. Voilà. Et une tête de tu l'avais dit encore, j'ai oublié. De cul. Ah, une tête de cul. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bon, sinon, tu nous appelais pour les incivilités, toi, Aurélien. Tu commences bien. Ouais. Ben, en fait, c'est les personnes âgées qui sont dans le bus et qui parlent, en fait. Et au chauffeur, ça me saoule. Bon, comment ça, les personnes âgées qui sont dans le bus et qui parlent au chauffeur? Ah, genre, ouais. Genre les personnes âgées qui montent devant parce qu'elles ont peur de se faire agresser à l'arrière. Je peux concevoir. Et qui, du coup, racontent leur life au chauffeur. Ouais, voilà, c'est un peu chiant. Et aussi, c'est quand je suis dans le bus, c'est donc, ben, je suis donc au lycée. Et donc, ben, je suis donc en tenue pro. C'est quand les personnes âgées me font des compliments. C'est une civilité, les mecs, ils te font un compliment. C'est bah ça, oui. tu devrais dire merci. Paul, Toff, il rêverait d'avoir des compliments. Ouais, mais ça n'arrive jamais. De recevoir des compliments. Ouais, à part des coups de canne, j'en sois rien. Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais après, c'est que quand je le dis à mes potes, on me dit que je sors avec des couillards, quoi. Mais non, mais n'importe quoi. Non, mais attends, mais là ils sont perchés, tes potes. T'inquiète pas. Non, non, mais y a rien, y a aucun problème là-dessus. Non, mais ouais. Ça va. Ils te font des compliments. Y a pas d'incivilité là-dessus. Là, t'es plutôt tranquille. Ouais, c'est quand les chauffeurs aussi qui disent pas bonjour, ça c'est un peu relou, ça, par contre. Ouais, bah enfin bon, si tu veux. Ouais, y a un moment, t'es dans le détail pour être dans le détail là. Ouais. C'est pas tes potes, tu t'en fous. Ouais, qu'il y a un mec qui dise bonjour ou pas, tu t'en fous. À la limite, si le mec il dit ça va, fils de pute. Bon, là tu peux dire, ok, le mec il mérite quand même une petite claque ou un truc comme ça. Mais le mec il dit juste pas bonjour, c'est le mec qui doit en voir passer des centaines et des milliers de gens. Si tu veux, il y a un moment, il dit pas bonjour à tout le monde, quoi, le chauffeur. Dans mon patelin paumé, Peut-être dans le patelin, mais il était peut-être il était peut-être de mauvaise humeur, il a peut-être vécu un sale truc le jour même, ou j'en sais rien, moi, tu vois. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Le but, je le prends depuis le collège, c'est toujours les mêmes, non, ça doit changer, quoi. D'accord, bah il est peut-être mal poli, voilà, tout simplement. Bah, après, essaye de le checker la prochaine fois que tu montes pour voir comment il réagit. Ah ouais, tu fais give me five. Give me five, motherfucker. Et c'est marrant, vous avez vu le niveau, c'est-à-dire que lui, dans sa petite ville, ou je sais pas où il est, son petit village. Bah, il est dans les Sables d'Olonne, ça va. Voilà, bon, par rapport à Paris, je veux dire, t'as vu, à Paris, c'est le mec qui casse. Non, mais c'est plus petit, mais bon. Il plante un coup de couteau, les mecs, fument et tout, il brûle le bus. Ouais, c'est clair, et lui, c'est différent. Civilité. Attends, il y a Kevin aussi, le mec m'a pas dit bonjour. Salut Kevin. Salut. Comment vas-tu? Ça va, tranquille. Bon, bah tant mieux, bienvenue à toi, Kevin. Merci. Alors, toi, tu voulais parler des incivilités aussi? Ouais, en fait, moi, je voulais parler des insultes à l'école, mais bon, si vous voulez, je peux parler d'un truc, hein. Ah oui, non, mais c'est pour savoir, non, mais si c'est des insultes à l'école, bah très bien, non, mais je vais te reprendre dans un instant. Je peux te raconter un truc, là, si tu veux, vite fait. Eh bah, dis-moi, en incivilité, c'est quoi? Bon, c'est plutôt moi qui en ai fait une, mais bon, je sais pas si c'est une incivilité, mais genre, il y a un mec qui était hyper pressé, homme d'affaires, dans le bus, ouais, avec sa valise le matin à 8h, et moi, comme un con, j'appuyais sur le bouton de l'arrêt tout le temps. Ouais, mais ça c'est relou. Le bus qui s'arrête, c'est y a personne qui descend. Le chauffeur qui pète un câble. Tu m'étonnes. Et moi j'appuie, je suis mort de rire. C'était pas l'alarme, c'est juste le truc genre tu appelles pour descendre à la rue. Ouais, et le bus qui s'arrête, et là il dit y a personne qui descend. Non, quel casse-couille. Et une deuxième fois, et une troisième fois. Oh, c'est drôle, ça c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, non, mais quand t'es pressé, genre t'as un rendez-vous, tu vas rater la correspondance, tu vois, là tu peux tirer la gueule, ouais, c'est clair. Bon, bah Kevin, reste avec nous, on va parler de ton histoire avec ton prof dans quelques minutes. Aurélien, merci d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Mickaël. Ouais. C'est possible d'avoir un téléphone ou pas? Oui, bien sûr, je te renvoie chez Sandro Standard. C'est possible de faire une dédicace? Ah, bah évidemment, vas-y, il y a une seule personne, donc évidemment, tu connais la règle, choisis la bonne. Je fais une dédicace à ma mère parce que c'est son anniversaire jeudi et puis presque comme moi c'est samedi. Oh. Elle a pas droit à la chanson, la mère? Ah bah c'est pas aujourd'hui, c'est jeudi. Ah ouais, merde. D'ailleurs moi je ne me mettrai pas la chanson parce que je suis là, c'est samedi mon anniversaire. Oh, merde. Oh, zut. Bah vous vous en sortez bien du coup de pas faire péter le cadeau ni rien. Ça va, vous vous en sortez pas mal. Parce que, ouais, comme, c'est que vrai. Parce que quand j'ai été faire un tour avec une Porsche ce week-end, évidemment c'était pas la mienne, contre peut-être vraiment un plein de messages qui étaient arrivés sur le Facebook. Ouais, tu te la ramènes, t'as vu ta caisse? Mais non, mais c'est à dire que j'ai fait un tour avec, ça a duré 3 minutes. Hein. Donc c'est déjà pas mal. Ouais, non, mais c'est déjà pas mal. Presque la même que Hank Moody dans Californication. Et du coup, je me suis dit putain c'est cool. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit putain ça y est, Polo il a cassé le cochon et tout. Il m'a fait un cadeau sympa, la Porsche 911 et tout, mais non. J'ai cru, hein. Il a cassé le cochon. Ah oui, le petit cochon, la tirelire, mais non, malheureusement, un échec total. Bon, ben Aurélien, merci à toi en tout cas, et tu reviens quand tu veux. Ok, allez, à la prochaine. Salut à toi, à bientôt Aurélien. Et si vous aussi vous voulez parler avec nous, bah vous êtes les bienvenus, hein. On est là jusqu'à minuit ce soir avec le drone à gagner, Air Drone de chez Parrot. Avec c'est une espèce de petit avion avec 4 hélices que vous pouvez commander avec votre iPhone ou enfin votre smartphone, hein, pas n'importe, ouais, n'importe lequel. Ouais ouais, smartphone ou tablette avec Android ou iOS, enfin peu importe. Et vous pouvez donc le piloter, il y a une caméra HD dedans, vous pouvez le piloter directement avec la tablette, vous pouvez filmer directement sur la tablette et vous pouvez voir ce que ça filme en direct. Idéal donc si vous avez un voisin ou une voisine méga bonasse et que vous voulez voir ce qui se passe, hop, vous sortez le drone, vous le faites aller sur la gauche ou sur la droite ou en haut ou en bas et vous pouvez filmer ce qui se passe à l'intérieur. Hyper pratique, voilà. Déjà testé avec Toff. Ça marche très très bien. Très très bien. Donc si vous voulez le gagner, ça vaut 250 boules. Et on vous l'offre maintenant. Il suffit d'aller faire un like et un partage sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Je vous souhaite bonne chance. Et puis nous on va revenir dans quelques minutes avec le son de Stadiumix. Ce sera Howl at the Moon. Restez bien là, il y aura aussi le Chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer dans quelques minutes. Chéri, je peux te faire cocu, c'était lundi dernier, alors écoutez, c'est du caviar. Ouais, Michel, je t'encule. Voilà, il était très gentil, le monsieur. Hein. Bah, enchanté, mais je vais te défoncer, mec. Eh bah voilà, très bien, ouais. Putain, ta gueule, mais c'est moi, je vais te défoncer ton cul, tu vois. Ah, il était d'une gentillesse adorable. De couille, tu vois, ça va te faire bizarre. Ah bah oui, ça va me faire bizarre, ouais. Bon, on va le faire dans quelques minutes sur Fun Radio. Mickaël No Limit, on est là 20h minuit tous les dimanches sur Fun. Bienvenue, merci d'écouter la radio et merci d'écouter Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio 20h50 et on est avec le son de Stadiumix qu'on va vous diffuser tout à l'heure là, avec Howl at the Moon. Et si vous voulez écouter des trucs en particulier, bah demandez, il y aura aussi Pharrell Williams que je vous ai calé. Avec Marilyn Monroe. Et il y a Phoenix aussi sur le Twitter qui dit dimanche dernier un gros vide sans vous, ne faites plus ça. Ah oui, mais bon, en même temps, on nous a pas demandé notre avis. Hein. Bah oui. Donc, bah oui, mais bon, il y avait les Fun Radio European DJ Awards. Donc bon, bah voilà, c'était exceptionnel. Mais sinon, dans l'absolu, on sera là, ne vous inquiétez pas. Bon, sauf quand on est en vacances, évidemment. Ah oui, et puis après, quand je vais me faire opérer aussi. Je vais me faire opérer dans 3 semaines. Là. Ah non, ouais. Attends. 4 semaines, enfin début mai. Non, tu vas pas mourir. Non, bah je sais pas, on verra. Hein. Non, arrête. Mais t'as pris une assurance et tout, tu nous as légué un truc ou pas avec Non. Ah merde. Quel enfoiré celui-là. Alors toi, tu devais mourir il y a pas longtemps, tu nous as fait faux bond sur c'est vrai. Bon alors et rassurez-vous, on a prévu de faire l'émission. Alors on va l'enregistrer pour le coup comme ça on met pas de best-of. Donc on pourrait pas réagir, mais on fera l'émission quand même une nouvelle, etc. On vous mettra des cocus, tout le bordel, vous allez voir, ça va être la folie. Mais voilà, et pendant ce temps-là, je vous mettrai des photos, si Dieu le veut, bien entendu, sur le Facebook et Twitter. Si le réseau passe dans la salle d'opération. Oui. J'ai reçu le papier de l'hôpital qui dit oui, attention, ne laissez rien de valeur sur vous. Ah, bah comment je vais faire pour mettre mes photos en ligne, moi? Ou alors j'hésite à m'attacher l'iPhone, tu sais, avec des... Non, mais comment ça avec le drone? Bah, je piloterai le drone. Ah bah, génial, ouais. Dans la salle d'opération, c'est pratique. Donc j'hésite à me le fixer sur le bras. Tu sais, genre avec un espèce de petit cadenas comme ça pour le garder. Ah, comme ça mal. Quand je me réveille, hop, je peux faire une photo. Et oui, t'auras plus de main parce que le sang aura été. Bah je verrai, mais bon voilà, normalement je devrais m'en sortir vivant, hein, vous inquiétez pas. Enfin, on sait jamais, après une opération, je serai endormi complètement, donc je ne peux pas me réveiller. C'est vrai. C'est juste possible. Un peu de truc, je voulais dire à Clem qu'il n'y avait pas de conflit, hein, c'est parce que comme on était en train de passer à l'antenne, c'est pour ça que je l'ai un peu basé. Tu l'as houspillé. Non, parce que Clem en train de râler, on m'a annoncé qu'elle râle sur Twitter parce qu'apparemment je l'ai basé mais je l'ai pas basé. Mais quand? Tout à l'heure à l'antenne. Antenne. Ah oui, bah précise-le en antenne, je me dis quoi, il me parle. Parce que je suis une star maintenant, on m'appelle en antenne. Ouais, les gens veulent l'avoir en antenne. Bon, alors, mais sinon, vous appelez, hein, vous demandez Polo en antenne, hein, vous demandez à parler après Polo, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Elle est tout sourire pour ça, elle adore. Il faut savoir que Sandro. Il faut savoir que Sandro est la secrétaire personnelle de Polo. Bien sûr, elle prend tous les messages. Les gens, ils m'appellent, ils me disent ouais, passe-moi Polo, bah appelle sur son portable. Secrétaire, faites votre. Si vous avez une association, Polo peut participer. Exactement. Il peut faire des dons pour limiter un peu ses impôts cette année. Voilà, parce que c'est tellement élevé. Donc voilà, donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Voilà. Bon, il y a Félix donc qui nous avait envoyé ce message. Moi, ce qui me fait chier, c'est les gens qui avancent pas en voiture ou qui mettent pas les clignotants. Appelle-moi s'il vous plaît. Mais il faut laisser ton numéro si tu veux qu'on t'appelle sur les SMS aussi. N'oubliez pas de laisser vos numéros de téléphone quand vous envoyez votre message. Retour avec Sophie dans quelques minutes. Kylian, Kevin également, Rémi qui voulait réagir au niveau des prénoms. Et puis je vous en avais parlé tout à l'heure, le chéri je peux te faire cocu qui était magnifique. qui était exceptionnelle. Ouais. Oh là là. Ah bah attention. Ah bah oui, et d'ailleurs on va accueillir Laura pour faire le petit chéri, je peux te faire cocu. Comment ça va Laura? Salut tout le monde, ça va et vous? Bah écoute, ça va, t'as passé une bonne journée? Ouais, tranquille. Très bien, tu fais quoi dans la vie? J'élève ma petite fille. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lilou. Quelle horreur. Non, je plaisante, je dis ça pas. Ça va, c'est pour rire, je rigole. Oh, elle a quel âge? Ouais, quel âge est là? Elle a 16 mois. Oh. Ah ouais, 16 mois, d'accord, ok, très bien. C'est du tout frais. Bon, écoute, on va donc faire un petit chéri, je peux te faire cocu? Oui. Très bien, comment s'appelle monsieur? François. Ah bah François et Michel, on va être bien. Ah bah oui, là, c'est Michel, c'est moi d'habitude évidemment. Donc là François, parfait. T'as vécu depuis combien de temps? 7 mois, mais 7 mois, c'est-à-dire? Bah 7 mois, c'est oui, 7 mois. Non, d'accord, mais le la petite à 16. Mais c'est pas son papa. Ah, c'est pas le papa, d'accord. Comment? Très bien. Ah oui, ok, d'accord, ok. Bon, on est censé s'être rencontrés où, dis-moi? Où est-ce que t'es sorti récemment là? Bah, je suis pas sortie spécialement, mais devant chez moi, il y a des travaux, donc j'en ai parlé il y a à peu près 2 semaines, 1 semaine, et les gars, les travaux me draguent un petit peu. Ah, très bien. Ils sont là depuis, bah, ils sont encore là actuellement ou pas, les mecs de travaux? Bah, en fait, ils viennent par période, entre guillemets, là, ils sont venus il y a un mois, et là, ils reviennent un petit peu, là, je les vois plus. Et ils font quoi? Et bah, ils changent les lampadaires du village. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, écoute, parfait. Et le village, c'est quoi? C'est Herleville? Ouais, c'est d'accord, ça. D'accord, ok. Très bien. Donc c'est tout près d'Amiens. Alors on va dire que je suis à Amiens, moi, hein, parce que comme je suis, je vais dire que je serai. Oui, le... mais ouais. François habite Amiens aussi. Ouais, mais c'est pas grave. Il sait pas où j'ai. Enfin, je vais pas lui donner mon adresse, donc il va oui, pas débarquer vrai, et gueuler. Hein. Et, il habite tout seul ou il habite? Voilà. Il habite chez ses parents. Ah, il habite chez ses vieux, d'accord. Et quel âge il a, lui? Il a 23 ans. Ah, 23, d'accord, ok, très bien. Bon, alors je vais dire que je serai le chef DDE régional de voilà. La Somme. Ouais. C'est bien ça, c'est pas mal. Bon, eh ben écoute, très bien. Ah oui, est-ce qu'il a des comment on appelle ça? Des défauts ou je sais pas, des trucs de il a honte des de tocs. Son corps, non, je sais pas moi. Bah, il a des petits points sur le nez. Oh. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler maintenant. Plus t'arrives à l'énerver, évidemment, c'est le concept du jeu. Plus tu repartiras avec des cadeaux, le chéri je peux te faire cocu, tu l'appelles, tu lui demandes si, bah tu dis que t'as rencontré ce Michel justement, hein, chef de la DDE, etc. Et bah comme on te draguait, je t'ai proposé de boire un verre, t'as dit ok, et puis ben finalement on s'est vu ce soir et je t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir. Tu m'as dit ok, mais il faut quand même que je demande à mon mec s'il est d'accord, donc on l'appelle et tu lui demandes son avis. Ça marche. Allez bah c'est parti, on y va, on appelle, je te souhaite bonne chance Laura. Merci. Allez, on appelle François. Allô? Ouais, c'est moi. Ouais. Ouais. Ouais, ça va et toi? Ouais, mais pourquoi tu m'appelles en masqué, je comprends pas. Ah bah c'est parce que tu te souviens les gars là qui font les travaux dans la maison? Ouais, mais c'est quoi le rapport? Bah je t'avais dit qu'ils me draguaient tout ça il y a 2 semaines à peu près. Ouais. T'étais même aux toilettes quand j'en ai parlé. Ouais, et alors? La référence. Bah, en fait, il y en a un qui bah, il m'a proposé d'aller boire un verre chez lui. Et puis, bah du coup, bah j'y suis allée. Puis là, je suis avec lui, donc j'ai avec son téléphone. Non, mais attends. T'es sérieuse là ou quoi? Bah, oui. Putain, mais tu fais quoi là? C'est quoi ton plan là? Là, il m'a proposé de coucher avec lui. Bah, moi, je lui ai dit ok, mais bah je voulais ta permission t'es quand même. Sérieux quoi. Mais t'es sérieux là? T'es sérieux, hein? Bah, mais t'es vraiment oui. Un homme. Putain! Non, attends, j'hallucine, c'est un gag. Non, mais c'est rien de méchant, quoi. Il m'a invité à boire un verre, c'est tout. Cool, c'est rien de méchant, t'as envie de coucher avec un autre. Qu'est-ce qu'il dit? Mais t'es sérieux ou quoi, là? J'hallucine. Mais c'est bon, je te demande juste ta permission, hein. J'ai pas encore baissé le pantalon. Mais tu me demandes la permission, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est bon, tu vas pas lui demander 15 fois, là? Non, mais lui, je vais le défoncer, passe-le-moi. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Oh mais il veut te prendre au téléphone. Oh là là, bon bah passe-le-moi alors. Ouais bah vas-y passe-le-moi ce bouffon là. Tu peux aller me chercher un petit verre en même temps tant que t'es là. Mais vas-y. Okay. Hein, tu vas dans la cuisine, tu fais comme chez toi. Hein. Ok. Très bien, merci. Merci, bisous. Allô. Allô. Salut. Ouais, c'est qui toi? C'est Michel. Ouais Michel, je t'encule. Putain, mais t'es sérieux. Donc un peu de respect, je suis chef départemental de la DDE. Bah je m'en bats les couilles. Bah je comprends pas quel est le problème. Mais de quoi où est le problème? Je suis son mec, t'as cru que... Ah bah enchanté, moi c'est Michel. Bah enchanté, mais je vais te défoncer mec. Me défoncer de quoi? Je comprends pas. Bah je vais te défoncer, je cherche pas, t'es où là? Bah je suis à Amiens, enfin on est chez moi. Amiens, ok, vas-y, quelle rue? Bah pourquoi tu veux connaître l'adresse? Bah parce que je vais te défoncer mec. Non mais c'est à dire que là on a encore rien fait, on demandait simplement ton autorisation. Même si entre nous, je t'avoue. Passe-la moi, mais elle est sérieuse. Non mais attends, elle est à la cuisine, là, elle est partie chercher à boire. Mais je m'en bats les couilles, je vais la défoncer elle aussi, mais elle est sérieuse. Ah non, elle. Bah, moi je vais le faire, mais pas toi, enfin pas ce soir en tout cas. Mais putain ta gueule, mais c'est moi, j'ai défoncé ton cul, tu vas voir. Bah, je ne suis pas homosexuel, monsieur. Mais je m'en bats les couilles, tu vas voir, tu vas plus avoir de couilles, tu vas ça va te faire bizarre. Ah bon, bah, parce que tu dis-moi où t'habites. Vas-y, dis-moi. J'habite à Amiens. Est-ce que t'as de quoi noter? Bah ouais, vas-y, vas-y, t'inquiète. Bon, alors R. Je viens tout de suite, je suis en voiture là, vas-y. Ah bah c'est parfait. Alors R. Bah ouais, c'est nickel. Bah vas-y, non, ah, mais dis-moi la rue. Oui, bah bah R. Bouffon, quoi. U. Ouais, vas-y. E. Ouais. Espace. Ok, vas-y. Voilà. A. Ouais. Z. Ouais. M. Ouais. T R E B C D. C'est ta mère qui habite là-bas, c'est ça? Si je puis me permettre, parce qu'on a un peu parlé de toi, moi j'habite pas chez ma mère, hein, monsieur, hein. Moi je suis pas dans les jupes à maman, hein. Moi elle fait pas ma lessive. Joue le malin. Je fais pas le malin, mais bon, il y a un moment, tu me parles mal, je te donne mon adresse, tu viens pas, je te donne des conseils, tu me prends pour. Tu me prends de haut, etc. Bah, vas-y, dis-moi, t'es chez elle là, vous, c'est ça? Bah non, on est chez moi, pourquoi tu veux qu'on soit chez elle? Ouais, c'est ça, genre. Bah oui! Putain! Bon, attends, je te la repasse. Vas-y, passe-la moi, parce que toi tu m'énerves là. Bah, et dis donc, un petit peu de calme quand même! Avec ta voix de pédale là, vas-y, dégage. Ouais, avec une voix de pédale, en attendant, c'est qui va baiser une meuf ce soir? C'est pas toi, hein? Bah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, ah à la couche, là, putain! Bon, une seconde. Eh, Laura, tiens, je te la repasse. Merci pour le verre, hein. Ouais. Prochaine fois, tu peux mettre des glaçons parce que là, le coca est un peu chaud. Non, mais allez, réponds, là. Donc, fais pas chier, putain, moyen, quoi. Ça pourrait m'énerver, ça. Ça pourrait m'énerver, la prochaine fois. Donc, je préfère te prévenir, quoi. Tiens, je te le repasse. Vas-y, okay. Allô? Ouais. Pourquoi tu joues la bouffonne? Je joue pas la bouffonne. Bah pourquoi tu joues la traînée de merde? Bah pourquoi t'as mis du coca normal? C'est dégueulasse. Putain, bah c'est meilleur le coca normal. Il fallait mettre le zéro là, c'est le noir et le rouge là. Oh bah, allez, mais ferme sa gueule à lui là. Pourquoi oh quelle conne. Oh quelle conne. Bah je vais me resservir, hein. Non mais t'es vraiment une salope. Oh, je te jure, t'es la reine des salopes là. Mais j'ai rien fait. La meuf elle m'appelle juste pour coucher avec un autre mec quoi. Non mais n'importe quoi. Mais après si pas la chance, ça va pas. Oui. Ok, vas-y. Je vais essayer de venir. Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte cette merde là? Attends, mais passe-le moi. Mais non, mais tu me le passes pas. Allô. C'est encore lui. Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Non. Ah bah tu devrais, hein. Pourquoi tu dis ça? Bah, tu dis ouais, tu m'appelles en plus pour me demander, bah t'aurais préféré qu'on fasse ça dans ton dos? Bah oui, mais joue le malin toi aussi. Bah attends, on te demande, on est quand même plutôt honnête. Bah oui, c'est ça, et bah ta oui. Mère, elle est honnête aussi, putain. Bon attends, je te la repasse. Ouais, c'est ça, ouais, casse-toi. Non mais vas-y, cherche pas, je suis en voiture là. Je vais venir, je vais vous défoncer. Mais je suis pas chez moi là, je suis chez lui. Bah ouais, pourquoi tu joues ta salope toi, se traîner va. Mais je joue pas ma salope, on a rien fait, je te demande l'autorisation, j'ai pas besoin de ton jeu. Bah oui, bah tu joues ta salope quand même, t'as faim ou quoi là? Eh t'as vu le marteau pique que je vais te mettre? On a passé d'une bite, t'en faut deux quoi. Eh t'as vu le marteau? Non, mais c'est mon autorisation, j'ai pas faim. Salope, cherche-toi. T'as vu le marteau pique que je vais te mettre? Ouais. Il est pas mal hein. Ta mère aussi a fait le marteau piqué là, putain. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Attends, merde. Non, mais je demande l'autorisation, je peux ou pas? Mais oui, mais vas-y, fais-le avec 36 mecs, tu vas voir. Attends, mais c'est pas 36 mecs, c'est juste que lui et juste ce soir, oui, quoi. Mais ta gueule, putain, tu m'énerves déjà, là. Oh, oh là là, je suis en train d'halluciner, là. Je suis en train d'halluciner, c'est pas possible. Allô? Quoi? Ouais, c'est Michel, elle est partie aux toilettes. Dis-moi, je voulais te demander un truc, comme le courant passe bien, enfin, on a l'air en tout cas. Je voulais te demander un truc, comme c'est un one shot, si tu veux ce que je veux dire, est-ce qu'il y a des trucs qu'elle aime bien au lit ou pas? Ou qu'elle aime pas? Bah, ta mère, je pense qu'elle doit bien aimer, ouais. Vas-y, fais-le à ta mère au pire. Tu comprends pas? Je pense que ça. Bah ouais, bah, je sais pas, va taper ta mère et puis laisse ma copine tranquille, ok? Ah non, mais c'est parce que je veux pas rater. Tu vois, c'est parce qu'après, c'est normal, c'est ta copine, moi je veux pas non plus faire du mauvais travail. Ah, donc, est-ce que, tu vois, est-ce qu'elle aime bien la levrette ou mais tout ça? Mais je joue le malin, Mais je fais pas le malin, je te demande conseil. Si devant toi, tu parlerais même poche. Ah non, bah de toute façon, là, je vais pas tarder à ne plus parler. Hein. Bah oui, c'est ça, oui. Bah oui. C'est vrai que c'est facile de parler derrière un téléphone, t'inquiète. Bah je te confirme, hein, toi aussi, tu parles facilement derrière un téléphone là. Bah oui, mais quand je t'aurais mis un marteau pique dans le fion là. Hein, quand je t'aurais mis le marteau pique dans le fion. Ouais, c'est ça, ouais. Hein, tu feras mal malin là. C'est ça, ouais. Hein, il fera mal. Hein, il fera mal malin. Ouais, t'inquiète. Hein, tu feras mal malin. Passe-moi parce que ta gueule. Hein, tu feras le malin ou pas? Vas-y. Tu feras mal malin. passe. Ah, tu feras moi le malin. Tu feras moi le malin. Ta mère, la pute. Eh, tu feras moi le malin. Bah ouais, c'est ça, ouais. Hein, tu feras moi le malin. Gueule, bon, écoute, alors je vais te dire, tu sais quoi, on va arrêter là, hein. Je pense que la discussion est dans un cul-de-sac. Non, mais je m'en bats les couilles. Voilà, à défaut de, d'être dans un cul, on est dans un cul-de-sac. Ouais, c'est ça, ouais. Et écoute, je vais te donner une chance de. Je vais te donner une chance de. Bah attends, je suis quand même responsable régional de la DDE de la Somme. Tu veux, au pire, tu veux une médaille ou quoi? Comment ça se passe? Non, ça va, je suis content. Non, ça va aller, ok. Non, mais c'est pour ça, en fait. Parce que je vais bientôt être promu. Je vais à Paris. La capitale. Quoi, Paris? Tu me dis t'es Amiens, après mais tu non, je Paris, dis que je vais bientôt être promu. Oh, qu'il est con. Je peux pas parler avec lui, il est complètement con. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il il a deux tronches. Je m'en bats les couilles. Il est complètement con. Je m'en fous. Hein. Non, mais Laura, mais comment tu fais? C'est pas comment tu fais. Il est complètement con. Je peux pas parler avec lui, le mec ne comprend rien. Je lui donne le nom de la rue, il comprend rien. Je lui ai promis, il croit que j'habite à Paris, il ne comprend rien. Ce mec est con. Ta gueule. Eh, hey, dis-moi, est-ce que tu pourrais t'excuser pour toutes les méchancetés que tu m'as dites? Non. Si, si, bah si. Mec. Non, mais tu t'excuses et je t'annonce une bonne nouvelle. Non, mais c'est mort, tu rêves, là, mec. Bah, alors je la baise. Bah non, c'est mort, aucun des deux, là. Bah si, alors soit tu dis, voilà, bon, Michel, ok, on s'est emballé, je m'excuse, je t'annonce une bonne nouvelle, il se passe rien avec elle et tout va bien. Ou alors, bon, bah... C'est quoi ta bonne nouvelle, là? Bah, je vais te le dire, mais il faut d'abord que tu dises, bon, bah, Michel, je m'excuse, ok, non, je me suis emporté. Non, mais c'est moi, tu m'as pris pour un troufion, quoi, vas-y, accouche. Non, bah, vas-y, dis-moi, alors, bah, je m'excuse, pas grave. Mais c'est mort, t'as cru que j'allais m'excuser à un pauvre type qui veut baiser ma meuf? Mais justement couilles, donc alors simplement parce que t'es un but toi-même, tu préfères que je la baisse plutôt que de dire, bon, allez, c'est bon, je m'excuse, allez, on passe à autre chose. Vas-y, je m'excuse, comme ça, je serai content. Dis-moi, je m'excuse, Michel, je me suis emporté. Je m'excuse, Michel, je me suis emporté, voilà. Oh, le bouffon. Bon, t'es en direct sur Fun Radio, François, c'était le chéri, je peux te faire cocu. Oh, putain, sérieux. Oh, tu t'es excusé. Oh, le bouffon. Putain, vous êtes sérieux, là. Ah oui, on est sérieux, ouais. Ah, putain, les salauds. Mais oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Surtout tough, hein. Je vois que c'est tough, TOPH. Désolé pour les insultes. Ah, tu vois, maintenant, il s'excuse vraiment. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, merde, putain, avec ça, j'ai oublié de parler de ton pif. Avec plein de points. Mais attends, oh, mais attends, on recommence. Attends, on fait semblant. Hop, hop, hop, hop. Hé, Yon, t'as ton pif rempli de boutons noirs, là. Ouais, bah vas-y, viens me les éclater, s'il te plaît. Parfait. Au moins, comme ça, j'ai pas gaspillé le truc, quoi. Bon, alors, du coup, tu veux le casque DJ Focal ou tu veux le smartphone Arcos, Laura? Bah, le smartphone. Eh ben, très bien. Eh ben, on va te filer ça, sans problème, eh alors. Ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Salut, Laura. Ouais. Salut, François. À bientôt, tous les deux. Salut. Bon, et je vous rappelle que si vous voulez faire un petit chéri, je peux te faire cocu, on va le couvert demain, hein. Il suffit d'appeler Sandro maintenant. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Ou alors vous vous inscrivez simplement via soit l'application Mickaël No Limit que vous pouvez télécharger sur iTunes, soit directement sur le mail, sur mon mail mickaël@funradio.fr. Il y a Nadia qui dit du lourd, qui pèse sur la balance. J'adore le chéri, je peux te faire cocu. Il y a Bac la Crime aussi qui dit péter rire m'a tué, je vous écoute tous les jours. C'est gentil, merci beaucoup. Et là je suis dans ma douche. Te sens pas obligé de tout prévenir. Encore une meuf, tu vois, on aurait pu imaginer des trucs sympas. Ouais, on aurait pu sortir le drone, mais là... Un mec dans sa douche, là, moyen, quoi. Elmer aussi, super Michel, tu me fais mourir de rire. Bah, tant mieux, Nina aussi qui dit, je te ramène auditeur, ça c'est cool, Nina. Ça, c'est les bons auditeurs et auditrices. Ouais. Et Maxime aussi, toujours aussi bon, le chéri, je peux te faire cocu. Mika, trop fort comme d'habitude. Insiste un peu sur le mec sérieux. Et Lucas aussi, je suis mort de rire, le chéri, je peux te faire cocu. Il est trop bien, comme d'habitude. Et Phoenix qui dit, Michel, toujours aussi drôle avec son rock, elle est conne. Non, mais pour le coup, il y a quelques moments où j'ai eu raison, hein, quand je me dis, ah, mais tiens, je vais être promis à Paris. Bah, attends, tu as dit que t'habitais à Paris? Bah, il comprenait pas tout non plus. En même temps, mettez-vous à sa place. À sa place, pardon. Et Sarah Zvati, j'adore le nom de la rue de Michel. Et Jojo qui dit toujours cette grande question. Pourquoi t'appelles en masqué? Oui, c'est la question, la plus improbable des auditeurs, hein. Quand leur meuf les appelle, c'est pourquoi t'appelles en masqué? C'est la question. C'est à bon, croire qu'il y a que ça qui les importe. Mais oui, mais oui, mais oui. Il y aura Stadio Mix, comme promis, dans quelques minutes. Et avant ça, je rappelle qu'il y a toujours la GoPro à gagner sur Fun Radio. Pour ça, il faut répondre à la colle de Raphaël qui est avec nous ce soir dans les studios. Ça va toujours, Raph? Ça va. Très bien, parfait. T'as pas peur de toff? Tu mets une droite sinon. Non, mais n'hésite pas, vraiment, tu peux taper dessus, hein, si tu veux. Il est moche, hein. Ah ouais, ouais, tu peux y aller. Hein. Tu penses quoi physiquement de toff? En vrai, hein. Ouais, là, n'hésite pas. C'est lui là-bas. Ouais, en vrai. Bah, parle près du micro. Je sais pas. Tu sais pas, t'as pas d'avis sur toff? Tu peux dire, c'est moche, pas grave. Hein. Tu peux le dire. Bon, dis-le ou tu perds d'office. C'est moche. Ah, tu vois. Bon, bah voilà, au moins voilà. La vérité sort de la bouche des auditeurs en l'occurrence. Bon, Raphaël, moi, allez. Je suis rien. Vas-y, fais péter la colle pour gagner la GoPro ce soir. Il est léger comme le coton et peut-être de glace ou d'avoine ainsi que de céréales pour le petit déjeuner. Qui est-il? Très bien, je répète au cas où, il est léger comme le coton et peut-être de glace ou d'avoine ainsi que de céréales pour le petit déjeuner. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez pardon, M-I-K-L suivi de votre réponse. Envoyez ça par SMS au 64 900 ou alors depuis la Belgique au 63 22, et vous pouvez évidemment jouer aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, venez nous rejoindre également hein, si vous le voulez, sur le Twitter de l'émission. On est plus de 34 000, vous venez, vous balancez vos messages à tous vos potes hein, dites-leur de venir nous rejoindre sur le Twitter, tapez MIKL_, c'est le petit tir en bas, MIKL_officiel, et si vous me suivez, ben je vous suivrai également avec grand plaisir. Voilà, tout est dit, restez sur Fun Radio. On va se mettre quoi 10 secondes de pub là et on vient juste après avec, comme promis, le son de Stadium X sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 Samy. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Mickaël, No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, toujours en direct, 21h11 sur Fun Radio. Allez hop, plus de pub pendant 30 minutes maintenant. Avec toujours, je le rappelle, la vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait été au ski il y a un mois à Ourcière 1850 et on avait mis Tof dans une boule. Il avait fait une descente de montagne à la, en boule, genre pour faire un bowling quoi. Donc lui était la boule, ouais. Et les auditeurs et moi on était les quilles. Et donc du coup, si vous voulez, il y a la vidéo qui est disponible sur le YouTube de l'émission, sur la chaîne YouTube de l'émission. Tapez MIKL officiel et vous avez quand même déjà plus de 14 000 vidéos à aller voir la vidéo. Ah oui, combien? Plus là, on est presque à 20. Ah, presque 20 000, bah j'ai rien dit alors. Donc allez voir. Tout ça pour me voir, ça me fait plaisir. Ah, continuez, ouais, à aller génial. Me voir, likez la vidéo. Et surtout mon beau pantalon. Oui, c'est vrai. Mais qu'on voit bien d'ailleurs. Ah, vous pouvez pas me rater, hein. C'est le pantalon le plus coloré de la station. Jamais. Ah, c'était bon. Mais c'est pas grave, continuez à liker la vidéo. Et je présente les preuves. Oui, exactement, effectivement. Donc voilà, YouTube, tapez MIKL officiel pour vous abonner à la chaîne. Il y a aussi encore la vidéo, évidemment, à regarder où il y a plus de 100 000 personnes qui ont été la voir là en quelques semaines. Donc la vidéo où je vous apprends à draguer. Voilà. Hein. Enfin, je vous apprends à ce qu'il ne faut pas faire pour réussir à draguer grâce à Adèle l'auditeur. Il y a Lucas qui dit j'ai enregistré le chéri, je peux te faire cocu, il est trop drôle. Bah, il va être dispo hein, si vous voulez le réécouter sur l'application Mickaël No Limit par exemple ou sur funradio.fr. Et Phoenix qui dit je te ramène des profs auditeurs et fidèles. Ah mais nous on n'a pas de problème, vous pouvez ramener des profs, des élèves, des potes, des vieux, des grands, des jeunes, peu importe. On aime tout le monde. Nous, on aime tout le monde, là. Les amis de nos amis sont nos amis, il n'y a aucun problème. Allez, vous balancez vos messages et puis on va revenir avec vous toutes et vous tous en direct sur Fun Radio avec Sophie, avec Kylian, avec Renaud, avec Rémi, avec Kevin et avec la colle de Raphaël. Le temps d'écouter maintenant le son de Stadium X, All at the Moon sur Fun. Hello. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Tof est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, et puis toute la semaine aussi, hein, de 23h à 2h, il y a Bac la Crime qui dit je t'ai ramené plein d'auditeurs, Mickaël, dédicace à Joël qui vous écoute tous les jours. Bah merci beaucoup Bac la Crime et merci à tous les autres. Hein. Si vous avez bien aimé une émission, évidemment, bah faites passer le message. Ne laissez pas vos potes dans la merde à écouter les émissions de merde. Non mais c'est vrai, seriez quand même des enculés. Non mais c'est comme si vous trouvez un truc. Non mais c'est comme si vous trouvez un bon resto, ouais. Et que vous en faites pas la promo. C'est vrai. C'est con, si vous trouvez un bon resto, bah envoyez des potes en disant hey, putain, je trouve un bon resto, faut qu'on aille bouffer là, ou va manger tout seul là-bas, etc. Bah c'est pareil avec l'émission. C'est pareil, si vous trouvez un resto de merde, dites-le aux potes, dites ça, ouais. C'est de la merde, dis-va voilà. Surtout pas, c'est pas bon. Exactement, exactement. Il y a Nina qui dit Michel, je t'encule. Bah très bien, il sera ravi Nina. Et Phoenix qui dit venez dans le Jura, vous serez très très bien accueillis. On n'en doute pas un instant. Je rappelle que dimanche prochain, on fera l'émission en direct de Charleroi dans la friterie Alba. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à regarder l'adresse sur internet. On vous mettra l'adresse complète sur le Facebook et le Twitter de l'émission dans les jours à venir. Et puis bah venez nous voir hein, si vous êtes sur Mons, bah, sur Charleroi évidemment. Si vous êtes sur Tournai, si vous êtes même sur Dour, même à Bruxelles, vous pouvez passer nous voir, c'est pas très loin. Et même si vous êtes dans le nord de la France, Valenciennes, tout ça, Nord-Pas-de-Calais, bah venez nous voir aussi. On vous attend nombreux et nombreuses. En plus, Tov va faire la cuisine, Polo va faire le service avec son aigreur habituel, je pense que ça va être pas mal. Ça va être parfait, au moins tu vois je devrais pas refaire les places, il y a des trucs qui vont pas. Voilà, et surtout n'hésitez pas à lui faire une commande et puis quand il a tout noté lui dire Non mais non. On va prendre autre chose. Ou alors demandez-lui des trucs comme moi je fais souvent. Bon, on va prendre ça, mais alors sans oignons, sans non, ça, sans attends, ça. On va prendre ça, sans ça, sans ça, sans faut ça. Juste dire un truc, c'est pas mon resto, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Moi. Ah oui, mais ça va quand même te prendre la tête de chaque fois tout rayer, remettre, machin, etc. De toute façon, attends, moi j'annonce. Hein. Toute commande refusée doit être payée. Ah oui, ah bah ça évidemment. Attends. Évidemment. Donc voilà, on sera là-bas, Friterie Alba, dimanche prochain, 20h minuit, en direct de Charleroi. Alex aussi, je viens de vous écouter, je kiffe grave. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue, un coup de pelle pour Toff? Avec plaisir. Ça, c'est pour la gueule de Toff. Et alors, un petit message de bienvenue. En plus, on en a plein des nouveaux depuis la semaine dernière. Oh, ils ont été bons cette semaine. Ah, ils étaient très très bons. Si tu veux, face de sodomie, toi. Voilà, il y avait celui-là aussi. La merde, c'est une grosse salope. Hein? Et alors, il y a celui-là aussi. Eh, moi, j'étais mort, gros pédé. Je vais t'enculer, fils de putain de bâtard. T'es mort, va. Voilà, et je tiens à passer, tant que je suis là, j'en profite, passer un message des auditeurs qui, visiblement, n'ont pas d'humour. Parce qu'il y en a qui disent ouais, l'équipe du soir, ils sont homophobes. Mais non. On s'en bat les couilles, hein. C'est eux qui seront peut-être homophobes si tu veux, mais c'est, bah les, oui. Appels, c'est les gens qu'on appelle. Et nous on s'en fout, vous faites ce que vous voulez de votre cul, vous, ah ouais. J'ai aucun problème avec ça. Hein. On aime tout le monde. Bah regarde, il y a Toff qui est bien recto verso. C'est vrai. Il est pas viré pour autant, on s'en fout. Non. Bah voilà, ah bah, alors il n'y a pas de problème. Émilie aussi qui envoie son message. Mickaël, ce qui me fout la rage en incivilité, ce sont les gens qui n'attendent pas que les autres sortent du métro ou du RER. Ah ouais, bah métro, RER, train, n'importe quoi, mais effectivement les gens qui veulent absolument sortir, plutôt les gens qui veulent absolument monter. Avant que ceux qui sont dedans et qui veulent sortir puissent sortir. Ouais, alors que et la du coup, logique, ça bouche. Voilà, c'est qu'on laisse sortir les gens et ensuite on monte. Exactement, exactement. Et toi, quand on est dans l'incivilité, je balance également mon coup de gueule. Mais ça, c'est généralisé à l'Europe. Hein. C'est tous des abrutis en Europe, ils savent pas rouler. C'est quand les gens sont dans un carrefour, qui voient que de l'autre côté du carrefour, c'est bouché, mais qui, quand c'est vert, avance quand même. Résultat, ça bouche tout le bordel. Et c'est là que se créent les embouteillages. Alors que si on faisait comme aux États-Unis, celui qui bouche le carrefour, il prend 500 euros d'amende, tu verrais que la circulation passerait vachement plus fluide. Ah bah, hein. Ouais. Ça passerait crème. Ah bah hein, tout seul là. Ah bah complètement, oui. Ouais. Donc quand vous voyez que c'est bouché en face, ça n'a rien avancé comme des abrutis, et de bloquer tout le carrefour, ça n'a pas de sens. Voilà, je sais que le message passera. Comme ça, et que de toute façon ça ne changera pas demain. De toute façon, c'est les autres qui font de la merde, c'est jamais toi. Non mais ça m'arrive parfois de faire de la merde, je dis pas le contraire, mais quand je vois que le carrefour est bouché, j'avance. Attends. Pas, je laisse les autres passer. Et quand je vois les excités derrière qui sont en train de klaxonner comme des cons, tu avances, bah tu veux que j'aille où? 10 mètres plus loin pour bloquer tout le monde, ça n'a pas de sens. Mais il s'énerve. Juste un truc, il y a eu rébellion de Toff là, je pense qu'il mérite. Oui, ah bah oui, minute, oui, bah une minute, ouais. Non, je me suis rebellé. Ah ouais, genre ouais, il y a que les autres qui font des erreurs. C'est là, vrai. Tu insultes Mickaël comme ça, allez, allez, hop. C'est vrai, hop là, voilà, c'est ça. Sous-entendu qu'effectivement, c'est moi qui c'est toi la merde. Qui bouge tous les carrefours de toute l'Europe. Exactement, mais je suis la victime. Il prend ses aises. Il se prend ses. Bon, il y a Rémi, de toute façon, il est au coin là, pendant une minute, on est tranquille. Il y a Rémi qui est avec nous là, dans l'Isère. Salut Rémi. Rémi ? Oui, je suis là. Ah, ouh, t'es un doux, toi. Hein, Rémi ? Non. Ah, si, c'est un doux. Non, pas un doux, pas un doux d'Inde, un doux genre... douceur. Genre la douceur, tu vois, t'es un... Cajoline, quoi. En gros, c'est tous les auditeurs qui n'ont pas encore mué sont des doux, donc t'as pas mué. Ah, non, j'ai pas encore mué, non. Ah bah non, t'as quel âge ? J'ai 10 ans. Non, il est mignon, j'ai envie de lui tirer ses grosses joues comme ça. Il lui ébouriffait les cheveux. Bon, alors, bienvenue à toi, du coup, Rémi. Hein. Toi, tu voulais parler des prénoms, puisqu'on était tombé sur, sur cette info-là. Apparemment, en Belgique, il y a une liste de 20 prénoms. C'est sorti dans un journal. Des 20 prénoms les plus improbables du monde, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ah, oh, merde. Genre, pour ceux qui viennent de débarquer, donc t'as pour parler. Hein. Pour ceux qui viennent de débarquer, il y avait Torex O'West, il y avait... Blue, attends c'est quoi? Miami Blue, ce qui est quand même exceptionnel. Pas Miami, hein, c'est Miami Blue. Xiliana, il y avait Wadan, il y avait Sierra Nevenosa, n'importe quoi. Il y avait quoi aussi? Yom Bo tout blanc, Calici, Prodige. Oh là là, ça aurait été bien pour moi ça. Moi j'aime bien Prodige. Ah ouais, Prodige ça aurait été parfait. Et toi, t'es déjà tombé sur des potes ou des gens qui avaient un prénom un peu chelou? Oui. Comme quoi? C'est pas vraiment un pote, c'est un mec dans mon collège. Ouais. Et ben il s'appelle Cristal, mais c'est un mec quoi. Gustave ? Cristal. Ah Cristal, il s'appelle Cristal. Oh ah ouais, si c'est un mec, ouais, Cristal, oh, c'est chaud. Hein. Quel âge il a lui ? Il a 12 ans, un truc dans le genre. Ah ouais, évidemment, vous vous foutez de sa gueule. Non. Bah moi je veux Cristal, t'es pas un diamant, des trucs comme ça quoi. Ah ouais, putain, toi t'es non. Un rebelle toi. Par contre, hey, juste à préciser, Cristal c'est quand même le prénom d'une stripteaseuse, hein. C'est les stripteaseuses qui s'appellent comme ça. Ouais, et puis la meuf également de Jean-François. Oui. Il s'appelle Cristal, ah également. Bah oui, mais ça fait longtemps qu'on l'a plus, Jean-François. Oui, c'est vrai. Il pas dégorgé le poireau la semaine dernière, c'est bizarre. Bon, bah Jean-François, si t'es là à l'occasion, hein, n'hésite pas, tu nous il rappelles quand tu veux. Il a peut-être trouvé une nouvelle meuf. Hein. Ah oui, c'est possible aussi, ouais. Bah merci Rémi d'avoir appelé, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Hein. Non, je peux faire une dédicace. Eh ben vas-y, il y a une seule personne. Est-ce qu'il est tellement doux, est-ce que je peux l'autoriser à deux? Deux dédicaces. Deux dédicaces, parce que t'es doux. S'il en a, t'es pas obligé. Hein. Bah, une à Sof déjà. D'accord. Ah, merci, merci Rémi. Et une autre à toi. Ah bon, à moi ou à Polo? Ouais. Oh, c'est gentil. Eh ben Rémi va très bien. Oh, il est cool. Eh ben tu vois, il est bien. Il a pas gaspillé ses dédicaces à des gens qui écoutent peut-être pas forcément. C'est bien Rémi. Eh ben tu sais quoi, j'ai filé un pack fun. Tu vas rester au standard. C'est quoi? C'est un pack fun, c'est un truc avec plein de, avec des écouteurs, avec des bonbons, des autocollants, avec des trucs, plein de trucs. Voilà. Bon, on va te filer ça. Tu vas recevoir ça bientôt, d'accord? Ok. Salut Rémi. Et t'as prévenu tes potes que tu passes à la radio ce soir? Oui, j'avais prévenu un pote, mais il m'a pas répondu. Alors, ah bon, quoi. Bah tant pis, alors, il est combat, tiens, je lui mets une claque et un coup de pelle sur la tronche, tiens, c'est parfait. Bon, salut Rémi. Je raccroche. Non, si, on va prendre tes coordonnées, sinon on peut pas t'envoyer le pack. Ah. D'accord. Bouge pas de là. Salut Rémi. Salut. Ciao. Il est mignon. Mais oui, tout mignon, tout mignon. On a également Kevin là qui voulait parler d'incivilité et surtout d'un truc qui est arrivé avec un prof, c'est ça? Ouais, avec la CPE. Qu'est-ce qui s'est passé avec la CPE, Kevin? Bah en fait j'étais en troisième. Ouais. Et il y avait une nouvelle élève qui arrivait en janvier, je crois, qui s'appelait Teresa. Bon, je m'en fous comment ça fait, c'est une fille. Oui, bon. Et, violence gratuite. Attends, vous avez entendu ce qu'il a dit? Ouais, dit, je sais plus comment elle s'appelait cette pute. Oh là. Ouais, tu vas comprendre pourquoi. Vas-y, vas-y gros. En fait, j'étais. Bon moi j'étais bon élève, t'as vu, j'étais pas un télo, non, j'ai mais pas normal. Non, mais je vais me croire. Oui, enfin ouais, ouais. Et elle m'aimait pas, elle. Enfin, elle pouvait pas me voir apparemment. La CPE? Teresa, la nouvelle, la pute. Non, mais la pauvre. Bon, on va l'appeler Teresa. Non. Et elle m'a fait un coup de pute, justement. Allez, fais-lui un bisou. Ouais, bien sûr. Non, fais-lui un bisou sur la joue maintenant, Kevin, où je te rends. Allez, Teresa, je t'aime. Non, tu lui fais Teresa. Voilà, bah, tu vois quand tu veux. Pour... Allez, continue. Teresa, la pute. Vas-y, ouais, vas-y. Bon. Et donc, elle m'aimait pas, elle m'appréciait pas, donc elle m'a fait un coup de pute. Elle a été voir la CPE un jour. Ouais. Et elle lui a dit, il y a Kevin, il m'a insulté avec des propos racistes. Il a dit que j'étais une sale noire, une sale négresse. D'accord. Et tu l'as dit ou pas? Comment? Tu l'as vraiment fait ou pas? Bah non. Non mais lui il a traité juste de sale pute. Non mais attends, parce que quand tu dis ouais, si ce que le CPE est venu dire en disant ouais il la traite de sale noire, sale négresse, est-ce que t'as pas fait d'autres sous-entendus racistes? Non, justement c'est pour ça que j'étais choqué quand j'ai été convoqué. Bon, ok. Donc, ah, j'ai été pas. Alors, effectivement, je la traite de pute, mais jamais j'aurais dit sale noire. Je suis un gentleman. Un peu là, de respect. Je la traite de pute parce que c'est à cause d'elle qu'il s'est arrivé, qu'il y a eu tous ces problèmes là, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, par la suite, je me suis fait convoquer. Ouais. Et donc, ouais, monsieur Kevin, il paraît que vous avez dit sale négresse à Teresa. Elle était en face de ma gueule, elle pleurait tout, elle faisait genre et tout. Oh. Et là, ça, j'ai pas supporté déjà, je lui ai mis une claque. Elle me suit dans le bâton aussi, comment tu veux ouais, faire. Ouais, parce que le problème, c'est que je m'emporte trop, donc. Ah bah, après, ouais, ça me rappelle un mec qui est dans ce studio, je tairai son nom, mais ça commence par P. Ah, c'est Polo, ça. Ah, je ne sais pas, je n'ai rien dit. Ouais, bon, ça a pris des proportions énormes. Genre, donc, elle a dit, ouais, je vais appeler vos parents, je vais les convoquer, vous allez être viré. Et là, dès qu'elle a dit ça, moi, j'ai commencé à dire, ouais, bon, écoutez-moi, espèce de sale petite pute. Ah bah oui, devant le CPE, ça va arranger, je trouve aussi. Bon, maintenant, je regrette, t'as vu, mais bon, ah elle oui, avait 50 ans. J'ai pas vu, mais je vais le croire. Je me suis, ouais, j'arrête pas de le dire. Bon, je me suis levé, je l'ai poussé d'une son siège, elle est tombée. Là, elle s'est cassée une jambe. Et je suis devenu fou, j'ai tout cassé et tout. Mais j'ai vraiment tout cassé, j'ai insulté tout le monde, le proviseur et tout, et... Tu t'es pris pour l'incroyable Hulk. Ouais, sauf que maintenant c'est devenu l'incroyable merde, il a plus l'école. Oui, ça, il est couvert de merde. Et viré. Non, sans déconner. Bah oui, attends, évidemment, qu'est-ce que tu voulais qu'il t'arrive d'autre? Conseil de discipline et tout le bordel. Bah oui. Et tout ça à cause d'une chose qui n'est jamais arrivée. Mais non, ça, mais ça m'a saoulé, en fait. Alors attends, Kevin, je veux bien que la base, enfin le problème vienne, je viens de croire que t'aies jamais dit ça, voilà, etc. Ouais, t'as peut-être pris en grippe. Mais tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est ta faute, c'est pas la sienne. Bah non. C'est toi qui a fait de la merde et qui a tout cassé, tu vois. C'est du passé, mais bon, ouais, c'est ta faute. Voilà, même si effectivement l'histoire de base vient de chez elle, ok, mais. Tu vois, c'est toi qui n'as pas réfléchi. T'aurais dû trouver des gens qui témoignent pour toi. Tu vois, dire. Ouais, bah il y en avait. Il y avait des témoins de moralité. Ouais, t'aurais appelé Toff. Tu lui aurais filé 5 euros, il aurait témoigné. Hein. Bah bien sûr, moi j'aurais dit t'es un mec intègre. Pour 2 euros, moi je témoigne. Voilà. Il n'y a aucun problème. Quoi. Vous voulez des témoins? Bah, il n'y a pas de problème. Il y en a qui achètent des likes. Bah, nous, vous pouvez acheter des témoins. Voilà. Si vous avez eu un accident récemment, nous pouvons témoigner avec vos logos de supporters. Nous étions là, c'est les mecs qui mangent. Vous soyez dans le monde, ça marche dans tout le monde. Partout. Alors, mais dans le monde, on doit se déplacer. Il faut que vous payiez le transport, et c'est 1000 euros dans le monde. Voilà, c'est ça. Il y avait deux collègues à moi, c'était les délégués, t'as vu. Et enfin, non, j'ai pas vu, mais je vais croire. Et ils étaient dans le bureau à ce moment-là. Ouais. Et donc la CPE leur a demandé, oui, Robin et Damien, est-ce que vous êtes témoins de que Kevin n'a rien dit? Eux, ils ont dit oui. Mais le problème, c'est qu'au moment où je me suis énervé, eux, c'était mort de rire. Ah, donc, putain. Ils ont rigolé. Bah, c'est vrai que ça devait être marrant sur le moment. Et donc, ils ont tellement rigolé que... elle les a pas cru. Ah bah putain. Oui, forcément. Donc du coup, bon après au conseil de discipline, ils ont voté pour que je reste, c'est con. Et du voilà. Coup tu restes. Ouais, bah, t'as encore de la chance. J'étais resté, je suis pas en troisième, mais. Ouais, je veux dire, mais t'as encore eu de la chance. J'espère que ça t'a servi de leçon en tout cas, Kevin. Et comme par hasard, elle s'est barrée, elle, après. Donc, ah bah oui, mais. Avait des choses bah, à proposer, bah... Bon, bah, pas forcément, peut-être qu'elle s'est barrée pour autre chose, mais bon. Ouais, tu lui as juste fait peur, du coup, elle osait plus revenir. Bah oui, bon, ouais, bah, Kevin. Bah, j'espère bien, ouais. Bon, bah, merci d'avoir appelé, en tout cas, tu reviens sur Fun quand tu veux, Kevin. Enfin, y a pas habitude. De problème. Bon, pas de soucis. Salut, allez, Kevin. Ciao. Ciao, à bientôt. On va prendre Gadjik aussi dans quelques minutes pour parler des prénoms. Frédéric, pareil. On aura les appels de Toff où on va donc appeler pour la couleur des sous-vêtements. Oui. Puisque chaque couleur de sous-vêtements veut dire quelque chose. Si vous mettez du rose, les filles, bah ça veut dire un truc. Si vous mettez du noir, ça veut dire autre chose, etc., etc. Donc, on va en parler et on va... Eh bien, appeler. Mais oui, appelons. Auditeurs. Enfin, c'est pas des auditeurs, hein. C'est des gens, des numéros que vous nous avez donnés de gens très rock'n'roll comme lui. Ta mère, c'est une grosse salope, hein. Eh ouais. Ben, si vous avez d'autres des numéros comme ça, n'hésitez pas à faire tourner sur le mail de Toff, bien sûr. toph@funradio.fr. Amélia qui dit comme prénom chelou, il y a Fulbert. Ah ouais, oh, Fulbert, c'est quand même chaud. Très très lourd. Hein. Il y a Dilek aussi sur le Twitter, il y a un mec qui s'appelait Carambar en primaire. Oh Carambar. Dilek, déjà, c'est un peu louche, mais ouais, Carambar. Mais Carambar, c'est quand même violent. Et message aussi avec le hashtag Mickaël. Je découvre ton émission et c'est super, merci. C'est merci Nina pour m'avoir fait découvrir. Ah bah merci Nina de nous avoir fait découvrir à ta copine ou à ton copain, je sais pas parce qu'on n'a pas son prénom. Benjamin qui dit aussi bonsoir Métaré, je suis là, je peux avoir un message de bienvenue. Ciao Métaré. Eh bah écoute, avec grand plaisir. Ouais, vas-y, capot. Eh bah. Bah bienvenue Nico. Nico aussi, je vais demander à Toff et Polo pour témoigner si j'ai un accident responsable. Bah, oui, bien sûr, évidemment. On a une société témoin et associé. Voilà, témoin et associé. Associé, pardon, n'hésitez pas. Allez, c'est Mickaël No Limit, 21h30. Les canulars de Toff arrivent. On a également le drone à gagner sur le Facebook de l'émission. On tire au sort avant minuit. Si vous voulez le gagner, eh bien, une seule adresse facebook.com/MIKL officiel ou vous tapez MIKL officiel sur Facebook. Vous faites un like et un partage de la photo où je suis avec le drone et ce drone sera peut-être pour vous tout à l'heure un petit peu avant minuit. Je vous souhaite donc bonne chance. Je vous l'avais promis tout à l'heure, le son de Pharrell Williams. Tiens, on va se mettre en mode chill, ouais. Bien pépère, pendant que Toff va chier, évidemment. Et si vous voulez délirer avec nous, on est là jusqu'à minuit avec le canular qui arrive dans un quart d'heure. Et puis appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bonne soirée tout le monde. This one goes out. Pharrell Williams sur Fun Radio. On est bien ou pas là avec le son de Pharrell Williams? C'est Marilyn Monroe. Moi je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. Voilà, c'était Marilyn Monroe. Il y aura Route 94 à suivre. Mickaël No Limit. Le dimanche soir 20h minuit sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement. Il y a Sabrina qui dit je suis à la bourre ce soir, je viens de rentrer. Coucou à toute l'équipe. Eh bah coucou à toi Sabrina. Mais qui dit à la bourre dit coup de pelle évidemment, hein, ça, malheureusement Sabrina. Dilek également, putain vous m'aviez manqué un truc de fou, même Toff m'a manqué. Ah ouais, t'étais vraiment chien toi Dilek. Hein. Et Vladimir Poutine, évidemment, hein, nous sommes toujours premiers sur les dictateurs, ouais. Sur le Twitter qui dit pour info, la meuf de la dernière fois, elle m'a encore griffé aujourd'hui, ça craint. Ah oui, c'est toi le Vladimir Poutine là qui nous avait appelé d'Algérie, d'Oran si mes souvenirs sont bons, parce que t'avais une meuf dans ton bahut qui te sautait dessus et te griffait. Le lendemain, donc, enfin tu nous avais fait sous-entendre que. Tu sortirais quand même bien avec elle malgré tout. Et elle aussi elle aussi visiblement. Donc ça s'était plutôt bien passé. Et là elle t'a regriffé apparemment. Donc tendu quand même, tendu. Et sinon les Lyonnais viennent de marquer à Lyon. Donc à contre Paris 1-0. C'est Ferry qui a mis le but à la 31ème minute. Voilà, j'avais dit que je vous tiendrai au courant. Et bien c'est chose faite. Et je vous tiendrai au courant s'il se passe encore des trucs après. Frédéric il dit salut. Dis-moi, j'ai pas compris comment je gagne. Comment on gagne la GoPro 3 que faut-il faire? Et bien Fred, c'est très simple. Pour gagner la GoPro, il faut répondre à la colle de notre ami. Pourquoi ça n'allume pas son casque, son micro? Si c'est bon, c'est ah, bon. Ah voilà, c'est je l'ai pas vu. Sur le côté, ouais. Non, je l'avais pas vu. De la colle de Raphaël. Raphaël qui est avec nous, qui est donc une colle à poser. Si vous avez la bonne réponse, eh bien il faut y répondre. Vas-y. qui est léger comme le coton, il peut être de glace ou d'avoine. Non, parle plus fort, parle plus fort, dans, vraiment tout près du micro, dedans là, comme ça, tout, n'hésite pas là, surtout. Hein, voilà, hop là, comme ça. Polo va te le mettre, tu vas avoir pile poil dans la bouche. Parce qu'il est trop fort pour ça, Polo. Mais oui, très très fort, vas-y. Il est léger comme le coton, il peut être de glace ou d'avoine, ainsi que de céréales pour le petit déjeuner. Qui est-il ? Eh ben voilà, ça c'est parfait là. Si vous avez la bonne réponse, on proposait du lait, Raphaël, c'est ça ou pas ? Hein ? Non. Non, on proposait une biscotte ? Non. Un bol ? Non plus. Du son ? Non. Du sucre ? Non. Le jambon ? Ou la cuillère ? Non. Non, bon, très bien, vous avez été mauvais. Bon, si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort avant, d'ici une petite demi-heure en fait, hein, vous repartirez avec la GoPro Hero 3, évidemment, GoPro Hero 3 Plus. Qu'on vous offre ce soir et toute la semaine d'ailleurs, il faut répondre à la colle donc de Raphaël. Vous répondez en envoyant Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Vous pouvez aussi jouer gratuitement sur le Facebook de l'émission. facebook.com/Mickaël officiel tout simplement. Bon, avant de se faire le canular qui était énormissime jeudi dernier, nous allons faire les appels avec Toff. Et donc là, on avait appelé pour parler des sous-vêtements, puisque on s'est rendu compte, enfin pas nous, hein, c'est une étude qui disait que si vous portiez des sous-vêtements roses, par exemple, c'est que vous étiez sexy, coquine, machin. Ouais. Non, ça c'était noir. Noir, c'était parce que c'était amincissant et mystérieuse. Et mystérieuse, voilà. Bah, bref, toutes les couleurs avaient une signification. Bon, j'ai plus la liste. Rouge, les yeux, c'était mais bon. Coquine, c'était rouge. Coquine. Ouais, rouge coquine, ouais, c'est ça exactement. Et vert, c'est que vous attendiez le mec, mais bon, bah. Ouais, enfin, il venait jamais, ouais. Voilà, et enfin. c'était jaune ou orange. C'était c'est les gens qui aiment bien faire des trucs au lit, genre bouffer. Ouais, exactement. Ouais, petit déj, tout ça, etc. Et donc, on avait appelé des gens grâce au numéro que vous nous avez envoyé tous les soirs sur le mail de Toff, toph@fanradio.fr. Et c'est parti, 21h36, on remet le couvert et juste après, on récupérera Sophie, Kylian, Renaud, Gadjik et Frédéric. Oui. Oui, bonsoir madame. Oui, bon, bonsoir madame. Oui, bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir ce que vous aviez mis comme sous-vêtements aujourd'hui. Allô. Eh ben, au bon accueil, bonjour. Oh, trop sympa. Bah, du coup, on l'avait rappelé, évidemment, vous nous connaissez. Hein. Allez, c'est reparti. On rappelle maintenant. Oui, allô. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonjour. Oui, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Ouais, si. Oui, en fait, je voulais savoir ce qu'elle portait comme sous-vêtements aujourd'hui. Ma main dans ta gueule aussi, tu vas l'avoir, non? Pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, par contre, t'as qu'à venir devant, tu vois, moi, ce que je vais te faire, moi, mon coco. Mais vous voulez me faire quoi, monsieur? Vas-y, au mieux de te mettre là, ton truc invalide, là, comme mes couilles, là. Tu peux pas me donner ton numéro de téléphone? Si, bien sûr. Alors, 01 42. Ouais, t'es en train de traiter de ma gueule là, non? Mais pas du tout, monsieur, vous me demandez mon numéro, moi je vous le donne. Ah ouais, t'es de où? Mes couilles. Bah, je suis de Paris, monsieur. Ah bah ouais, c'est normal, Paris, c'est vrai que c'est loin, hein. Ah bah, c'est la capitale, monsieur. Ah ouais, c'est sûr. Bah voilà. C'est sûr. T'as pas le temps de faire chier tout le monde, non? Tu peux pas faire chier quelqu'un d'autre. Bah, je vous fais pas chier, monsieur, je vous posais juste une petite question. Je vois pas le savoir, d'où ma femme va porter des sous-vêtements? Ah, votre femme, est-ce que ça te regarde pour mes couilles? Est-ce que je te demande si ta femme apporte des sous-vêtements? Non mais j'en ai pas, monsieur, mais... Non. Bon bah alors, eh ben, donc t'es un sale pédé alors? C'est un gros cul, t'es mort. Mais pas du tout, monsieur. Ouais, allez, vas-y, casse-toi. Et puis retéléphone plus parce que je vais péter un câble, ok? Casse-toi, bouffon. Ouais, bon, et comme vous avez pu le remarquer, c'est pas nous, hein? Non. Voilà, oui. Encore une fois, je tiens à le rappeler. Bon, on rappelle encore une fois, du coup, hein? Oui, monsieur. Allô? Oui, monsieur, faut pas vous énerver comme ça. Je veux pas savoir, tu me réponds pas, point mère. Va te faire enculer, ok? Là, t'es en train de péter les couilles, tu me téléphones pas. Bah, si, la preuve, je vous appelle, monsieur. Je veux pas savoir, va te faire enculer, je t'ai dit, ok? Ne me téléphone pas parce que je vais péter un câble. Bah oui, mais répondez à ma question alors, monsieur. Vas-y, non, il faut pas savoir, va te faire enculer, ça, fils de pute, va. Mais enfin, monsieur, un peu de calme. Ah ouais, non, il avait raccroché. Hein. Comme quoi, on tombe souvent sur des gens très gentils, aimables, très agréables, ouais. d'une bonté sans pareil. Ouais. Ah oui, enfin bon. C'est beau. Ah oui, on en fera d'autres tout à l'heure, on ira faire un tour du côté de l'orgasme cette fois-ci au niveau des questions. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait une malheureuse qui avait 50 orgasmes par jour. Ouais, elle en pouvait plus. Et donc, du coup, j'ai essayé de voir s'il y a des gens qui arrivaient à sa cheville, mais. Bah, on verra tout à l'heure, ouais. On appellera dans moins d'une heure. Il y a Cindy qui dit, à la télé, la dernière fois, je ne sais plus dans quelle émission, il y avait un mec qui s'appelait Bonaventure, c'était un Québécois. Mais de rire. Ouais, mais il y a plein, Bonaventure. Dans les joueurs de foot, il y a plein de Dieu merci. Ouais, Dieu merci. Bah oui, il y a, c'est en Belgique, je suis encore là, Mbokani, mais... Dieu merci, Mbokani. Ouais, alors, je crois. C'est bien parce que tu sais, il met un but. Bon, bah, Dieu merci, hop là, voilà, tu sais, c'est non. La facilité des vannes. Ah oui, elle est bien, j'aime bien. Oui, merci. Mais c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Y a Yann qui dit, tu peux donner un message de bienvenue bien dégueulasse pour Dorian. Oui, Yann. Bien gras. Je peux. peux faire ça. Attends, laisse-moi en trouver un. Ah, oui, celui-là est pas mal en termes de dégueulasserie. Alors écoutez bien. Je viens, je te sperme moi au visage. Voilà, en termes de dégueulasserie, je pense qu'on est quand même pas mal. Voilà. Parce que là, on est... faire autre chose au lieu d'emmerder le monde. Voilà, c'est ce qu'on dit, règle générale, quand on appelle quelque part. Nico également sur le Twitter qui dit « Ce que j'aime faire avec le camion, c'est de ne pas laisser passer les automobilistes pressés. Ils tirent à chaque fois la gueule. » Oui, bah oui, normal, effectivement. Moi, ce qui m'énerve avec les camions, alors je sais qu'il y a une explication, on l'avait déjà expliqué, hein, mais c'est quand t'as un camion qui dépasse un autre camion et qui roule à 2 km/h plus vite que pour rien, ouais. Et donc, du coup, ça traîne, évidemment, parce que bah, forcément, faut dépasser. Et j'ai l'impression, alors je sais à mon avis, je dois faire une fixette parce que ça ne doit pas être le cas, mais j'ai l'impression que vous attendez toujours d'être dans une montée pour dépasser le camion. Non, résultat, ça va encore moins vite. Ils le font exprès. C'est je comme sais le pas. Coup, non, je crois pas. Mais si, t'as des fois, ils ont l'impression qu'ils sont en train de rouler. Ils ont l'impression d'être la Formule 1. Ah oui, mais ça dépend. Bah oui, mais ça dépend. C'est après, gogol. Après, il y en a des gogoles comme partout, mais bon, voilà, peut-être parce que je fais une fixette. Et Cindy qui dit à la télé, ah oui, je l'avais déjà lu, autant pour moi. Flingue qui dit, ma copine ne veut pas se raser, ça commence à faire v'là la touffe, elle n'aura pas droit au cuni tant qu'elle a pas fait le ménage. Non, mais voilà, après tu peux lui dire, hein, mais il faut pas non plus imposer les choses, hein, elle fait ce qu'elle veut, hein. C'est sa fouf, pas la sienne. Bah, oui, mais enfin bon, c'est quand même lui qui broute. C'est, oui, c'est vrai, on peut voir ça comme ça, effectivement. Tiens, est-ce que vous avez déjà trouvé des objets insolites dans des endroits improbables? Ouais, non, la question est un peu bizarre. Ah bah ouais, bon, je crois que je l'ai déjà raconté, c'est la première fois que je vais chez Toff. Ouais. C'était à l'époque où vous viviez dans la Hacienda, où vous viviez tous ensemble. Ouais. Toff, il me dit, oui. Ouais, je fais, mais il est où Toff? Je sais pas, sa chambre, elle est dans le fond du jardin. Donc, ouais. Moi, je sors. En fait, parce que j'habitais la cabane au fond du jardin. Non, voilà. C'est vrai, il habitait dans une petite baraque comme ça, dans un fond de jardin. Et d'ailleurs, je t'interromps, mais au tout début, quand on habitait là, il y avait des chambres et il y avait une espèce de baraque dans le fond du jardin. Et on lui dit, Toff, tu vas dormir là-bas. Et il était content. Oui. Et en fait, évidemment, il était content. C'était sa petite dépendance. Oui. Et il faisait son trafic de femmes. C'est ça qui était bon. C'est-à-dire que personne les voyait. Bien sûr. Personne les voyait rentrer et sortir, c'était parfait. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, j'ouvre et je vois, il n'y a pas de Toff. J'appelle Toff, hé Toff, et je vois pas Toff. Sauf qu'à un moment donné, je regarde comme ça sur son lit, et qu'est-ce qu'il y avait? Non, il y avait une perruque, des menottes et des talons. Et là, je me dis, mais je venais de le rencontrer, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Il n'y avait, pas la poupée gonflable? Non, c'était après. Ah, c'était après la poupée gonflable. Non, voilà, c'est après. Parce que ça, c'est un jour, on a eu la visite du propriétaire qui est passé pour voir un peu si la maison, ça allait, etc., etc. Et puis là, il va voir la chambre de Toff et là, que se passe-t-il? Il y avait la poupée gonflable avec une bouche énorme, ouverte, évidemment. Ah oui, puisque, la salle, là. Et alors, Accroché au plafond, donc le mec il se dit mais putain qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison. J'ai une autre anecdote, une copine me raconte un jour, en fait il y a des il y a sa fille qui s'amuse avec une autre fille, tu vois, dans, chez elle, et les parents viennent récupérer la fille. Ouais. D'accord. Donc elle s'amuse et la meuf que je connais, elle lui dit bah montez là-haut dans ma chambre, allez vous amuser, laissez-nous tranquille. Ouais, ça passe. Tout d'un coup la fille des parents, donc des amis, descend et elle leur dit « Hé maman, c'est quoi ça ?» Et devinez ce qu'elle avait dans les mains. Bah oui, évidemment. Le classique. Je suis née honteuse et confuse. Bah, je vous demandais ça parce qu'il y a un pêcheur norvégien qui a eu la chance de prendre une morue avec un petit bonus. À l'intérieur, il a retrouvé justement un sextoy. Bah, en même temps, c'est normal, hein, le sextoy dans la morue. Bah oui. Ah, donc, est-ce que vous avez déjà trouvé des objets insolites dans des endroits improbables? Eh bien, dites-le nous. 01 42 48 5000, vous nous appelez. Depuis la Belgique, ça marche aussi, évidemment. 02 851 4x0. Et dans les deux cas, l'appel n'est pas surtaxé. Hein. Rassurez-vous, c'est une communication normale et on vous rappelle en plus juste derrière. Donc, nos malaises, on va pas vous souffler d'oseille, il n'y a pas de souci. Et donc, balancez vos messages aussi sur le Facebook, tapez Mickaël officiel. Il y a Mathis qui dit aussi, il y a un joueur à Chelsea qui s'appelle Hazard. Oui, c'est Eden Hazard, le Diable Rouge. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Ouais, quand c'est son nom de famille, non, Hazard? Ouais, c'est son nom de famille, ouais. Quand tu joues au foot, c'est ça s'appelait Hazard, c'est bizarre, tu vois. Il y a Witzel aussi. Il y a Witzel. Witzel. On dit pas vie, on dit oui. Oui, il y a Ezekiel aussi qui joue, je sais plus où. Ouais. Il y a un mec qui s'appelle Ezekiel. La Vedzi? C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Non. Non, Ezekiel, je sais plus. Alors, je sais plus, comme vous remarquez, on est très, très bon en foot, mais bon. Mais ouais. Bah, dites-nous si vous savez avec le hashtag. Je le vois souvent dans le. Avec le hashtag Mickaël. Et alors, il y a Pierre aussi qui dit, je plongeais dans la mer à Nice et j'ai trouvé un Google Nexus 4. Ah, sympa ça! Ouais. Bah, bon, après, si t'es dans la mer, je pense qu'à mon avis, il marchera pas terrible, mais dans l'idée, c'est sympa. Ouais. À refaire. Bah, ça peut toujours servir. Bah, au pire, tu le mets un peu dans le riz et tu vois s'il redémarre. Totalement. Oui. Et il y a Gadjik aussi qui est avec nous là, de Seine-Maritime. Là. Salut Gadjik. Salut Mickaël. Comment vas-tu? En fait, c'est Gadjik. Ah, c'est Gadjik. Putain, ouais, c'est Gadjik, vrai. Gadjik. Gagik, ouais, c'est ça, ouais. Gagik. C'est vrai que tu l'avais dit la fois passée. Dans les prénoms pourris, t'es pas mal non plus. Bah, c'est pas mal, hein. Bon, bon, Gagik, alors t'es déjà tombé sur des mecs qui avaient des prénoms un peu bizarres? Bah, non, c'est moi qui ai un prénom bizarre. Ah, c'est toi qui... Mais c'est de quelle origine, Gagik? Arménien. Ah, c'est arménien, ouais. Tes parents, ils s'appellent comment? Bah, Arthur et Neira. Ah ouais, donc ils sont vraiment foutus de ta gueule, quoi. Ah ouais, donc ils ont vraiment... Eh ben, on va lui donner un prénom arménien. Allez hop, Gagik, c'est comme ça, c'est parfait. Et moche en plus. Et ça va, tu le vis bien ou ça te fait chier? Bah, non, je vis bien. Bah, au moins c'est original, tu vois, les gens se souviennent de toi. Non, mais ça c'est sûr, effectivement. De ton nom, c'est moins sûr, mais. Je me connais, hein. Non, mais c'est bien, oui, non, mais les gens au moins ils se souviennent, c'est bien. Attends, il y a Frédéric aussi qui est avec nous de Lyon, là. Salut Fred. Ouais, salut, ça va? Bon, oui, et ça va bien pour les Lyonnais, là. 1-0 pour l'instant bah, face à Paris. Moi j'ai parié pour Lyon ce soir à côté matin. Ah, t'as parié pour Lyon? Bah, pour l'instant tu gagnes. T'as mis combien? J'ai mis 2-1. Ah, 2-1, ah oui, donc il faut encore 2 buts. Hein. Donc après, de toute façon, on va gagner, c'est sûr. Bon, allez, on verra. Les Lyonnais qui rencontrent le Paris aussi la semaine prochaine de nouveau. Ouais, mais en même temps, on a bien joué contre la Juve quand même. Hein. Même si on a perdu, oui, on a quand même bien joué. C'est vrai, mais enfin, vous avez perdu. Hein. Oui, mais on a bien joué quand même. Ah oui, mais enfin, vous avez perdu. C'est la finalité qui compte, hein, ça, c'est le problème. Mais enfin, bon. Bon, alors, tu voulais donner ton avis par rapport au prénom bizarre, toi? Ouais, parce que du coup, moi, il y a un pélo dans mon bahut, en fait, il s'appelle Gantrek, mais en fait, il a le nom bizarre et il a le nom de famille avec. Ah bon, pourquoi? Donc, ça veut dire que ça fait Gantrek de Montjetou, en fait, il s'appelle. Ah oui, effectivement, il n'y a pas de chance, lui. Hein. Donc du coup, après, ça se fout de sa gueule à longueur de temps toute l'année, quoi. Ouais, mais en même temps, il n'a pas choisi, le pauvre. Non, ça aussi, mais bon, après, c'est tellement... Mais il ferait pareil, hein. On se marre tellement, donc voilà, c'est... Bah ouais. Bah oui, c'est donc, ça. En plus, c'est d'origine québécois. Donc du coup... Ah oui, il n'a pas été encore moins choisi, là, pour le coup, effectivement. Voilà, ouais. Il a l'action, ouais. C'est clair. Ah, il y a Didoudoudi sur le Twitter qui dit c'est Ezekiel l'avait dit, joue à Paris. Ah bah donc j'avais raison. Ah oui, t'avais raison. Alors. C'est le premier sur le foot. Ah bah, Mickaël, bien sûr. Évidemment, ouais. Bon, bah, Fred et Gagik, merci à vous en tout cas d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez, d'accord? Ok, y a pas de souci. Salut à vous, et vous restez au standard, on va vous filer un pack fun, vous inquiétez pas là, restez bien là, il y aura aussi le son de Route 94 à suivre dans quelques minutes sur Fun Radio, et c'est bientôt la mi-temps sur le match, hein, OL Paris, ça va débarquer dans quelques minutes, il y a le canular aussi, dans quelques minutes sur Fun Radio, vous restez là, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag M-I-K-L sur Twitter. Mickaël No Limit, de 20h à minuit sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. On est en direct sur Fun, 21h52, il y a Dilek qui dit j'étais censé faire mes devoirs mais j'ai laissé béton. Pour Mickaël, vous avez de la chance d'avoir des auditrices fidèles comme moi. C'est bien Dilek, mais en même temps, fais-les en même temps. Mais bah oui, dès que tu parle, tu peux le faire. De toute façon, il dit que de la merde, donc tu peux te concentrer un peu. Non, ou dans les transports demain matin. Ouais, pareil, oui. Bah ça, oui, je faisais moi. C'est donc qu'elle nous appelle, on va lui donner les réponses. T'emballes pas, parce que. On n'est pas la vraie que la première question c'est. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir là? Je vois pas de quoi tu me parles. Le canular avec Noémie dans quelques minutes. Il y a Yann qui dit salut Mickaël, mon frère et moi, on souhaiterait un message de bienvenue, on vous adore. Bien sûr, Yann. J'ai niqué ta mère, mon gros bâtard que tu es. Hein. Voilà. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec ta mère, je ne la connais même pas. Et Iloé également, en parlant de prénom bizarre, je m'appelle Iloé Fleur. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est. Ah ouais, ça c'est bizarre. Hein. Ça, c'est effectivement assez chelou. Toff, c'est aussi un drôle de nom là. Ou Polo, c'est Laura qui m'envoie le message. Mais Toff, c'est pas son prénom, il s'appelle Christophe à la base. Mm. Voilà. Ah bon, je m'appelle pas Robert? Non, pas Robert, non. Ah. Bon, et y a quoi aussi? Johan qui dit moi j'ai un pote, elle s'appelle Face, nom de merde. Face ou Face, c'est pas, je sais c'est pas. Face, mais je crois, parce que bah, face, ça dépend, F-A-C-E, ça dépend, ça peut être Face. Hein. Et alors, Hugo Réo qui dit ma mère m'a bloqué toutes mes applis internet à partir de 22h30, faut que je trouve une solution d'ici demain. Oh faut merde, les oh merde. Oh Hugo Réo, putain, la poisse. Comment elle a bloqué ça? Depuis quand les parents ils savent gérer ce bordel? Bah oui, c'est ça. Pour bloquer internet et tout à 22h30. Non, mais en plus, il y a Free là, ils sont en train de faire des trucs hein, assez bizarres aussi pour justement bloquer le code parental. C'est dingue quand même. Et Sarah Svati, génial le coup de la poupée gonflable. Ah bah oui, c'était épique hein, pour le coup. Et alors, message aussi. Ah oui, Sarah Svati qui dit au fait, la voyante qui avait dit que Toff serait papa en 2015, est-ce qu'il y a une maman qui se profile? Ah bah je sais pas, Toff. Bah, pour le moment, non. Il n'y a pas de mère. Non, pas de mère. Possible. Il y a de la merde. Ah, de la merde, ça oui. Nous voilà rassurés. Mais de la merde, non. Non, mais nous voilà rassurés, c'est le principal. Mais j'ai encore un peu le temps là. Oui. Ça devient juste quand même. Bah non, en 2015, dans l'absolu, tu peux me le faire en. D'accord, tu peux me le faire en jusqu'en mars 2015. Ah oui, ça va, on a le temps. Ah bah oui. Ah oui, on a encore un an. T'inquiète pas, chat. On est encore tranquille. Renaud, dans quelques minutes, on aura Sébastien pour parler des objets bizarres que vous avez déjà trouvés dans des endroits tout aussi bizarres. Sophie également, 16 ans de Paris, dans quelques minutes. Mais avant cela, vous le savez, il y a évidemment le canular. Et là, c'est Noémie qu'on accueille maintenant là. Comment ça va, Noémie? Oui, ça va. Bon, tant mieux. Alors, Noémie, on va donc appeler ton père. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui faire faire? Qu'est-ce que tu veux lui faire croire surtout? Moi, je pensais lui faire croire que j'avais rencontré quelqu'un d'autre et qu'il voulait m'emmener avec lui dans son pays, donc loin de mon père, tout ça avec mes enfants. D'accord. Ah, t'as des enfants? Oui. Et t'es mariée? Enfin, t'as un mec ou non? J'ai un mec, oui, mais bon, j'ai dit que je le quittais, c'est voilà. Ah oui, d'accord, ok. Mais ton père est pas cardiaque, rassure-moi. Non, on sait jamais. Non, bah attends, t'imagines, nous claquons entre les pattes. Nous allons le découvrir ce soir. Ouais. Ce soir, tu vas découvrir que ton père est cardiaque. Ouais, c'est ça, on va vérifier ça ce soir. Bon, ok, d'accord. Comment il s'appelle, papa, là? William. Quel âge il a? 50 ans. 50 ans. Ah oui, jeune papa, donc très bien. Alors, ce qu'on va faire, en fait, je crois que ça va être simple. Tu vas lui dire que tu pars en Inde. C'est parce que t'en as marre de la pression qu'il y a en France et tout, que c'est une horreur, t'en peux plus. Tu veux te ressourcer. Parce que t'as rencontré un mec qui, moi en l'occurrence, un Michel, un autre français qui en a marre aussi, et qui en gros est un peu un gourou et qui t'a convaincu de te barrer en Inde pour le suivre. Et bien entendu, j'essaierai de lui demander un petit peu d'argent pour payer le voyage. Pour payer le voyage, parce que je suis chômeur, donc. Faut financer tout ça, quoi. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on y va. Noémie, bah écoute, on l'appelle, et puis donc tu lui dis bien que t'as envie de te barrer avec ce mec qui s'appelle Michel, un français machin, donc que t'as rencontré peu importe où, tu t'inventes n'importe quoi, au centre commercial, au carrefour, bon, peu importe. Et si Guy Brouet t'appelle maintenant, tu lui dis parce qu'on va partir là demain matin à 7h. Voilà. Comme ça, il est content. D'accord. Ok. D'accord. Allez, okay. C'est parti, on y va. Sois bonne, Noémie. D'accord. Allô? Allô, papa? Ouais. Ouais, bonsoir, c'est Noémie. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu fais à ma place? T'enlèves, travail, toi, demain? En fait, je voulais te dire quelque chose. Attends, parce que là, il faut que je me réveille, je suis pas étanche, alors. Je suis pas étanche. Attends, c'est là. On l'a mis dans l'eau, hein. La vie est ta mère, toi. Là, il nous entend pas, évidemment. Il dit, t'es pas bien d'appeler ce soir-là, toi? Tu trimbales pour tout le même jour ou quoi, là? Oui, tu me connais. Hein? Je dis, tu me connais, c'est comment je suis. Bah oui, mais t'es pas bien, non? Ah oui, mais il fallait que je te le dise à tout prix, là, tout de suite. Ouais, mais dis, moi, quand t'appelles à ce temps-là, toi ou ton frère, à chaque fois, je crois qu'il y a toujours un truc grave. Déjà que je dors pas beaucoup, alors si vous me foutez la trouille comme ça, ça va pas le faire, doucement. Hein. Bon, c'est bon, quoi, là? Hein? Je dis, c'est bon, là, je peux parler. Ouais, vas-y, qu'est-ce que... Moi, elle l'agresse. Bon, en fait, je voulais te dire, avec Nicolas, là, ça va être terminé. Parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Hein? Je dis j'ai rencontré quelqu'un d'autre, donc avec Nico, ça va être fini. Ah bon? Et comme tu connais un peu mes avis politiques, tout ça, avec cette personne-là, on va partir. Et on va partir là avant dimanche, c'est prévu quand on aille, et on va en Inde. Tu vas... chez qui? En Inde. En Inde? Oui, en Inde. Donc je prends qui avec moi et puis... Tu prends qui? Noémie, n'oublie pas de lui demander ce dont on a parlé. Oui, je vais lui demander. C'est qui ce mec-là? Il s'appelle Michel. Et c'est un hindou? Non, c'est pas un hindou. Non, il est français. Je vais mettre un poids sur la tête. T'es où, là? Bah là, je suis avec lui. Mais n'oublie pas de lui demander ce dont on a parlé. Et en fait, faut pas qu'il me cause comme ça, lui, je le connais pas, je veux pas le... Noémie, ça va pas le faire, attends. Noémie, me mets pas en colère. Je vais lui demander ce dont on a parlé, c'est très important. Attends, l'autre, je vais lui en donner de l'importance. Pour le karma et pour le voyage. Il a lui, c'est qui ce mec-là? Attends, ça y est, je te demande quelque chose. Je voulais savoir, en fait, on voulait savoir si tu pouvais nous prêter de l'argent. Hein? Dis-lui que ce sera bien pour ses chakras. Oui, attends, l'autre, je viens en mettre un chakra, tu vas voir. Et il crèche où, lui? Où c'est que t'es, là? Bah, attends. Là, je suis chez lui. T'es à Rouen? Bah, c'est chez lui. Karma sera meilleur. Oui, ton loot. Oh, l'autre, attends, c'est pas possible, je suis en train de rêver ou quoi là. Je vais faire un Michel endormi là. Tu sais, tu peux y aller un peu. Je vais lui donner en main propre l'argent. Dis-y, j'y amène, je vais lui amener là. Faut que je me calme, parce que si je me calme pas, bah, je vais y en coller une, parce que là... Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit qu'il va te donner en main propre l'argent. Oui, c'est attends. Tu peux lui dire que c'est quelqu'un de très gentil. Attends, là, je viens de péter un carreau, je me suis fait mal, mais tu vas voir, attends. Est-ce que tu veux que je lui parle? Donne-le-moi, je vais le remercier. Oui, oui, vas-y, passe-le-moi. Lui, je le coule dans une dalle de béton, lui. Attends. Oui, passe-moi-le. Oui, allô? Allô? Oui, oui, bonjour. Bonsoir. Oui, oui, excusez-moi, mais... Je suis Michel. Oui, ben, Michel, écoute, Michel, ou qui tu veux. Comment allez-vous, mon frère? Oui, non, bah, écoute-moi bien, écoute déjà, tu vois, parce qu'on a sûrement pas le même âge, et puis si je te chope, bonhomme, tu vas mal finir. J'ai une dalle de béton à finir, je vais te couler dedans, toi, d'accord? Écoutez, je suis pas dans la violence, monsieur. Moi, je souhaite partir en Inde. Oui, afin... bah tu vas partir, tu vas voir, entre quoi tu vas partir? J'ai des planches en trop, là, tu vas partir entre quatre planches, si tu veux, avec, d'accord? Non, écoutez, je voulais quand même vous remercier de me laisser votre fille, et surtout de l'argent que vous allez nous prêter pour entreprendre ce beau voyage. Bon, où est-ce qu'on peut se voir tout de suite? Là, je viens te les donner, les sous. Écoutez, je ne vous ai pas encore donné le montant, mais vous êtes évidemment le bienvenu si vous souhaitez venir avec votre épouse, peut-être. Oh là là là là. Et repasse-moi ma fille, s'il te plaît, là, vite fait, parce que ça va pas le faire. Un petit instant. Oui, là, fais vite, arrête avec tes instants puis tes politesses, parce que moi, je vais pas l'être, là. Ce qui serait bien, c'est que vous veniez avec votre dame pour vous relaxer. Oui, attends, je vais t'en donner de la relaxation, toi, attends, bouge pas. Je vais t'en donner, je vais te faire danser, toi, tu vas voir, ça va te relaxer, tu vas rapidos. Je pourrais purifier votre corps. Oui, moi aussi, je vais te purifier le tien, tu vas voir. Faites tu comme vas moi. Tourner, tu vas, tu vas pas boire pour longtemps. Comment vous prénommez-vous? Moi, t'en fais pas comment je m'appelle. Je vais venir avec 2-3 Roumains qui ont envie aussi d'aller faire leur karma, tu vas voir. Ils vont, tu vois, bien. Ils vont te faire. Alors, si je ils vont me donner de la thune aussi. Permettez-moi de vous donner un petit conseil. Respirez maintenant. Oh, l'autre, il me donne des trucs. Attends, l'autre, je vais y en donner. Respirez. Moi, tu vois, je vais t'en donner de la terre promise, toi. Attends, respirez. Je vais t'en donner de la terre promise. Oui, oui, je respire, t'en fais pas. Ah bah ça, de toute façon, je peux pas faire autrement que respirer. T'es pas à côté de moi. Putain, tu seras à côté de moi, mon pote, mais dis donc. Oui, vas-y, continue. Tiens, passe-moi ma fille, parce que je vais te raccrocher au nez, puis tu vas voir, je déboule chez elle. Je suis sûr que t'es chez elle. Je vous la passe. Oui. Noémie. Oui. Votre papa veut vous parler. Oh, l'autre, puis en plus, il me vous voit, l'autre. Oh, l'autre branleur. Allô? Ouais, et t'as pas perdu quelque chose, toi? Non. Tu trimbales pas tout le même jour? T'en as oublié quelque part, non? Et dis-lui qu'il chante sa musique ailleurs, là. Mais il est pas normal, ce mec-là. Bah, qu'est-ce que tu fous avec un mec comme ça? Tu vas te remettre avec Nicolas ou c'est moi qui vais le chercher? Tu vois, avec Nicolas. J'ai même pas besoin de personne, oh, l'autre, je le nique, l'autre. Oh, puis l'autre avec sa musique de con. Non, mais ça détend, c'est bien. Moi, ça me fait du bien, cette musique. Mais t'es faux. Alors, tu m'as mis les... Alors, tu vois, tu m'avais énervé, là, tu me mets les abeilles. Et tu vas arrêter ça, tes conneries, d'accord? Parce que ça va pas le faire du tout. Tu me réveilles à minuit, moi, je gratte demain matin à 5h, je suis debout. Moi, je... Oh, puis l'autre, il joue de sa guitare de merde. Ah oui, vas-y, continue à jouer, oui, t'en fais pas. Attends, ton frère, il est pas au courant, Kevin, de ça? Allô? Oui. C'est Michel au téléphone, excusez-moi. Allô, bienvenue. J'ai repris le téléphone car Noémie a eu une envie pressante. Puis en plus, l'autre il m'arrête. Eh, j'en ai rien à foutre. Ma fille, je sais de comment elle est faite. Hein. T'as pas besoin de me dire qu'elle a envie de pisser ou qu'elle a envie de chier. Je sais très bien qu'elle a pas besoin de toi pour et tout vous ça. Vous aviez raison, mais nous avons longuement discuté. Et je l'ai convaincu que cette terre n'est pas la bonne, n'est pas la sienne. Oui, ben attends, ça va pas être la tienne non plus, dans peu de temps, tu vas pas y être sur Terre, tu vas voir. Attends, tu vas voir, je vais t'emmener au 4e ciel, ou au 7e, ou le 9e, ou si tu veux t'en donner du karma, des galandes. J'espère pouvoir partir au 7e ciel avec votre fille. Oui, ben tu vas partir avec moi. Tu vois, je vais t'en donner, moi, de la prière, puis des machins trucs à la con, tu vas voir, je vais t'en donner, moi. Respirez profondément. Ben attends, oh putain. Comment mais t'as un fion du tonnerre pour être à côté de moi, toi. Comment vous prénommez-vous, mon ami? Oui, oui, t'as rien du tout, je m'appelle Françoise, vas-y. Bonsoir, Françoise. Oui. Puis-je me permettre de vous appeler pour papa? Oui, attends, oh puis l'autre. déjà je vais te dire un truc, que déjà que tu partes avec ma fille, ça va pas le faire du tout. Bah alors tu touches même pas mes petits enfants parce que ça c'est un rêve. Ça c'est le rêve que j'ai. Tu te doutes même pas comment je vais. Ne vous inquiétez pas. Je vais te découper toi. Ils seront zen. Ouais, je vais faire du bon avec ta bronche. Attends, tu vas voir. Je vais te donner à bouffer ça au cochon, tu vas voir. Ils seront. Oui, ils seront. Tu vas voir, tu vas même pas y toucher mes gamins. Tu touches, tiens, tu vas voir. Ma fille, t'as pas prévenu. T'as pas dit qu'ils étaient. Ah, t'as pas dit qu'ils étaient de ce que j'étais avant, j'étais légionnaire mon pote. Attends, je vais te faire un sourire kabyle comme jamais t'as eu toi. Justement, il serait bon mon enfant de venir respirer avec l'autre, nous. L'autre il me parle, il me dit je suis son enfant, l'autre, attends l'autre. Oh là là, vite ta mère, tu vas voir, j'ai t'en donné du karma. Oh, je viens de péter mes lunettes à cause de tes conneries, attends ta gueule. Attends, dis-moi où est-ce que je peux venir, parce que là il faut que je vienne, je tiens plus debout là. Alors, avez-vous de quoi noter? Oui, vas-y, mange-toi. Je vous épelle le nom de la rue. Vas-y. R. U. E. Non mais rue, je sais l'écrire, hein, dis le mot entier, hein. Fais pas chier avec tes voyelles et tes consonnes, hein. Un petit instant. Oh, puis l'autre, puis sa musique, elle me gonfle pas, lui. Oh là, putain, l'Inde, tu vas voir, je la maudis, Et tu connais Kaboul? Attends, je vais t'en donner du Kaboul, moi. Ce n'est pas au même endroit. Oui, mais attends, si tu regardes pas la télé, je vais t'en faire du Kaboul, moi, où c'est que t'habites là-bas en Inde, là, tu vas voir. Bien. Et je vais te retrouver, de toute façon, retrouver. Est-ce que votre femme souhaiterait venir avec nous? Ouais, t'en fais pas, ma femme, dès qu'elle va être au courant, tu vas voir, attends. Je vais même pas... Oh là là. Respirez après moi. Oui, non, attends, tiens, tu sais quoi? Oui, écoute, mon pote, je vais te raccrocher à la gueule parce que là, tu m'énerves. Et puis, ma fille disait, j'arrive chez elle. Là, je suis déshabillé, je m'habille. Je vous la repasse, beau papa. Ouais, oh, fais vite. Allô? Ouais, t'es habité ou quoi, toi? Qu'il arrête sa musique de merde, là. Putain, oh, l'enculé. Bah t'énerve pas, je reviendrai. T'es pas bien, t'es habité toi ou quoi? Et je le coule dans une dalle de béton, oui. Je viens chez toi là, j'arrive, tu vois, je m'habille en même temps que je te coule. Ça sert à rien, je suis pas chez moi, je suis chez lui. Et puis les gosses, ils sont où? Bah ils sont restés avec Nicolas pour l'instant. Ah bah justement, ils sont chez toi. Noémie. Bah moi je vais les chercher les gamins. Je te garantis que tu les as plus les gamins. Noémie. Parce que oui. C'est les miens, au pilote là, il m'énerve pas lui. Je vais te mettre une petite boule entre les deux yeux. Oui, attends, moi je vais y en mettre des boules, moi, mais pas entre les deux yeux, je vais y foutre dans le cul ces boules, lui. Je vais faire de toi ma femme. Oui, attends. Oh, lui, il est mort. Beau papa. Dis-lui, Noémie, dis-lui, Noémie, hein. Dis-lui, hein. Beau papa. Je vais le saigner comme un cochon, lui, hein. Je vais faire du boudin, hein. Beau papa. Oh, puis l'autre, il m'appelle beau papa, le fumier. Il me connaît même pas. Mais tu sais même pas qui je suis. Arrête tes conneries, arrête de m'appeler comme ça, tu m'énerves. Excusez-moi, puis-je vous demander quelque chose? T'as rien à me demander. Passe-moi ma fille, je veux pas t'entendre, toi. Auriez-vous l'amabilité de vous excuser pour toutes les grossièretés que vous m'avez dites? Après ça, je vous annoncerai une bonne nouvelle. M'excuse de rien. Tu mérites rien. T'as pas de nom, t'as rien. Je vais te saigner. Tu vois, des gros mots, je vais t'en donner. Moi, j'en connais plein. J'étais à l'école. Mais juste derrière l'école, tu vois. Excusez-vous et je vous annonce une bonne nouvelle. Y a pas, de m'excuser, je m'excuse pas. Excusez-vous et je vous annonce une bonne nouvelle. Je m'excuse. Voilà. Bon papa, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ouais, et puis ta soeur, c'est qui? Il s'appelle Bénédicte, mais je pense pas que ça change grand chose dans l'histoire. Bon, Noémie, explique-lui que c'est une vanne. Oui papa, en fait c'est une vanne, on est sur Fun Radio avec Mickaël. Mais t'es con quoi? Attends, moi j'ai pété mes lunettes, j'ai cassé un carreau. Et puis comment je vais faire moi maintenant? Non, bah, je pense qu'il faut vous détendre. Bah ouais, puis respirez profondément. J'ai les jetons de partout, j'ai les jetons. Oui, excuse-moi auprès du monsieur, j'ai dit j'allais le saigner. J'espérais que c'était une vanne, bon papa. Hein. Non, il est devant la radio là. Hein, William. Ah, je suis désolé, excusez-moi. Non, mais... écoute, c'est rien. Et William. On va se faire pardonner plutôt, hein, et on va te pardonner aussi pour toutes les grossièretés au final, merde. Bon, Noémie avait appelé pour jouer, pour gagner un cadeau. Eh ben, ce que je propose, c'est qu'on donne pas le cadeau à Noémie, on va te le filer à toi. Eh ben, ça c'est gentil. Eh ben voilà, on va te filer un sextoy. Non, je plaisante. Un gros, hein. Non, je plaisantais. On va te filer un écran plat, William. Ah, c'est gentil. Bon, ben c'est bien en tout cas. Bon, ben bravo. Hey, William. Oui. Stay cool. Oui, cool. Et on va quand même te filer aussi un sextoy à Noémie offert par Passage du désir pour FR. Évidemment. Et Parfum Radio également, bien entendu. Oui, tout à fait. Ouais. Allez, bonne soirée à vous deux. En tout cas, merci d'avoir appelé Fun. Merci beaucoup. Et à bon bientôt. Soir. Excusez-moi encore. Non, mais je t'en prie, William. À bientôt. Hein. À bientôt. Merci. Au revoir. Bon, et si vous voulez aussi faire un petit canular, n'hésitez pas. Hein, vous nous appelez. On fait ça cette semaine. Il y a des cadeaux à gagner, notamment des GoPro. Et il y a des Nintendo Wii U également à choper la semaine prochaine. Enfin, dès demain, quoi. Donc, si vous voulez jouer, bah, appelez-nous 01 42 48 5000 ou sur mon mail mikael@funradio.fr. Julien aussi qui dit salut Mika. Vous êtes des oufs. Continuez comme ça. Vraiment plaisir. Ça me fait. Vraiment plaisir, pardon, tu me fais rêver, merci Julien. Nico également, il était dément ce canular, on a vraiment bien rigolé. Laetitia qui dit oh putain de con, j'adore, vous me faites trop rire, sérieux, je la coule dans une dalle de béton. Et putain, le mec il voulait me mettre dans une dalle de béton, l'enculé. Hein. C'est ça, violence quand même. Hein. Hugo Rio aussi qui dit ah j'adore Michel et sa zen attitude. Oui, ça n'arrive pas souvent, hein, comme vous avez pu le remarquer. Je vais te péter les lunettes pour Mathis. Il y a Seb qui dit putain énorme le canular, là on bat tous les records. J'avoue qu'il était quand même pas mal. Ah non, mais le daron est exceptionnel. Ouais, ouais, ouais. Sarasvati qui dit 7ème ciel avec votre fille, respirez profondément, je suis plié. Et Devers 45, ce canular était grave d'art, j'adore. Toi, tu te prends la grosse voix de daron, c'est grave mort de rire. J'ai bien aimé ce canular, sérieux, en plus il était posé. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Et puis Eric et Maxime, ils ont bien aimé aussi. Je vais te mettre un chakra dans ta gueule, c'est Sophie qui a envoyé. Non, il était rock'n'roll. Le mec était rock'n'roll, il faut quand même le dire. Romain aussi, l'un des meilleurs. Michel était énorme pour Hugo Réo. Qu'est-ce qu'il y avait aussi, Nico qui dit je me demande comment Mickaël a fait pour ne pas rire pendant le canular. Bah, nous on rigole, mais bon. Quand vous entendez qu'on rigole, en fait, eux nous entendent pas, évidemment. Sinon, ça foirerait tout le bordel, évidemment. Allez, restez sur Fun Radio. Il est 10h10. On va récupérer Sophie, on va récupérer Kylian. Il y aura Renaud, il y aura Sébastien et Mathieu pour parler des objets un peu particuliers que vous avez trouvés dans des endroits tout aussi particuliers. Et je vous l'avais promis, le son de Route 94 arrive aussi. Ce sera My Love. Oula, oula, oula, je suis en train de faire n'importe quoi. Ce sera My Love dans un instant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël Nolimit. Prévenez vos potes, car oui, il se passe enfin quelque chose le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Mickaël Nolimit, 20h, minuit le dimanche, 23h, 2h, toute la semaine. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël Nolimit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et restez là, on revient dans moins de 10 secondes. Pour bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël nos limites. De 20h à minuit, sur Fun Radio. Et on est toujours en direct à 22h12, il y a l'Oroxalienne qui dit en prénom bizarre, un de mes meilleurs amis s'appelle Linor. Ah oui, c'est effectivement, oui. Il y a Echo aussi, Amy, qui dit « Salut, c'est pour les prénoms chelous, je le dis en privé, car au cas où... » Lille est comme, je veux pas la vexer, lol, c'est mon ami, son prénom c'est Bilitis. Mais quand elle n'est pas là, je l'appelle Bitislip. Ah bah bravo Amy, c'est bien l'amitié là, bravo l'amitié. Bon, juste après le son de Route 94, on donnera la réponse à la colle de Raphaël qui est avec nous. Raph, toujours là? Ouais. Bon, répète la colle une dernière fois et puis on appelle quelqu'un pour savoir si oui ou non il aura ou pas la bonne réponse. Il est léger comme le coton, il peut être de glace ou d'avoine. Ainsi que de céréales pour le petit déjeuner. Qui est-il? Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Sans oublier que vous pouvez aussi jouer sur le Facebook. Et là, c'est gratuit. facebook.com/Mickaël officiel. Je vous l'avais promis. Route 94 maintenant. My Love. Juste après, on donne la réponse pour savoir lequel d'entre vous repartira avec la GoPro Hero 3 Plus. Bonne chance tout le monde. Il est 22h13. On est en direct sur Fun Radio comme tous les dimanches soirs de 20h à minuit et toute la semaine de 23h à 2h. Merci d'écouter Fun Radio. Et ben voilà le son de Route 94 à l'instant. C'était My Love sur Fun Radio. Venez foutre le bordel le dimanche soir. No limit. Fun Radio. Mickaël, no limit. On Fun Radio. On est en direct sur Fun, 22h15. Il y a Clément qui envoie son message. Je kiffe votre émission. Bonne soirée toute l'équipe. Merci Clément. Et Hugo Rio aussi. J'ai prévenu tous mes potes. Vous avez déjà 24 membres en plus pour Mickaël, no limit grâce à moi. Et ben Hugo Rio. Alors là, musique évidemment. Eh ben bravo Hugo Rio, ben continuez d'ailleurs, hein. Prévenez vos potes qu'il se passe enfin un truc à la radio le soir. Et comme je l'ai dit, comme je le répète, Eh ben, l'émission, c'est un peu comme un bon resto. Quand vous allez dans un bon resto, vous avez envie de prévenir vos potes. Bah évidemment. Quand vous allez dans un resto de merde, vous avez envie de lui dire oh, et surtout il ne va pas là, c'est dégueulasse. Et ben c'est pareil avec les émissions de radio. Quand vous écoutez l'émission de merde, vous vous dites oh, putain, j'ai écouté un truc hier, c'était d'une merde. Ah, y son y en a. Nom. Eh, parce qu'après il y en a et tu t'habitues parfois. Bah, parce oui. que parfois par habitude, bon à l'époque il y avait peut-être que ça, des trucs comme ça. Donc tu t'habitues à écouter ou à manger, tu sais, c'est comme si tu manges un truc qui a un c'est goût dégueulasse. Bon, bah ouais. À force tu t'habitues. Bah voilà, et c'est comme quand tu marches avec une chaussure qui est de travers, tu t'habitues au final, et après c'est ton pied qui se met de travers. Et après ça passe. Et ben c'est pareil pour la radio. Ouais. À force de d'écouter des trucs qui sont peut-être pas terribles, il y en a peut-être qui sont pas automatiques, qui ont peut-être pas le réflexe de zapper, donc s'ils ont pas l'idée d'un pote, bah voilà, il faut leur penser à vos amis, c'est ça l'amitié. C'est vrai. Il y a c'est Thomas beau, qui dit quoi? Non, je disais c'est beau ce que ouais, tu ouais. je sais, je devrais faire aimez des aimez-vous et aimez votre prochain. Tout à fait. Thomas qui dit merci à toute l'équipe, je suis dans un tracteur en train de labourer depuis ce matin. Heureusement que vous êtes là, sinon je pense que j'aurais pété un boulon. Bah oui. Écoute, dis-nous Thomas la prochaine fois, Toff il vient aussi s'il peut bourrer lui. Ah bah moi dès qu'il y a à bourrer, moi ah je viens. Bah, dès qu'il y a à labourer surtout. Ah bah surtout si je peux labourer. Ah bah évidemment. Là, et Amy qui dit salut, c'est pour les prénoms chelous. Ah oui, je l'avais déjà lu tout à l'heure celui-là d'Emily, autant pour moi. Bon alors Raphaël qui est avec nous là pour gagner la GoPro, on passe aux choses sérieuses. Ouais. Non, on parle dans le micro ouais. parce que sinon j'ai l'impression ouais. que tu vas décéder à tout moment là. Et plus fort. Voilà, plus allez, fort. N'aie pas peur, impose-toi. Voilà, prends le micro, lève-le un peu si tu veux ou laisse un petit peu. Voilà, faut vraiment l'avoir devant la bouche là, comme moi. Okay. Voilà, parfait. Bon, on va donc appeler maintenant le ou la gagnante, Raphaël. C'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la réponse à la colle, il gagne, tu perds. Ou elle gagne, tu perds. Si personne ne décroche ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui repars avec la GoPro. Voilà, okay. Et comme il y a papa à côté de toi, il se dit la bonne affaire, 400 euros à vendre, ça fera du bien à la fin du mois. Allez hop. Bonjour. Oh là là, oh c'est sur bon. Le répondeur attends. SFR du 06. Ah ouais, merde, attends, on peut pas laisser le message. Enfin, si, on peut laisser le message, mais on sait pas chez qui on appelle. On peut pas laisser le numéro. Ouais. Attends. Message après le bip. Oui, à la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, ah oui, tapez dièse. Allô, bonjour, c'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio. Pardon, tu t'étais inscrit ou inscrite, je ne sais pas si tu es un garçon ou une fille, pour gagner la GoPro en répondant à la colle de Raphaël. Bon, alors Raphaël, fait péter la colle, répète-la. Il est léger comme le coton, et peut-être de glace ou d'avoine, ainsi que de céréales pour le petit déjeuner. Qui est-ce? Je n'ai rien entendu parce que t'as parlé à ouais, attends, je vais lui mettre dans le vent la bouche. Voilà. Parle lent, on entend moins j'y vais. Vous parlez devant le micro. Voilà, répète encore un coup. Regarde, comme ça, voilà, voilà, voilà. Non, regarde. Mets-toi là. Voilà, et attention parce que Polo est d'un naturel assez calme, donc méfie-toi voilà, quand même. Vas-y. Ah non. Non, bah alors quoi, Polo tu lui fous de la merde en plus là. Donc il bouge son papier 15 fois là. Il est léger comme le coton et peut-être de céréales comme ou d'avoine, ainsi que de céréales pour le petit déjeuner. Qui est-il? Bon, alors, est-ce que le répondeur a la réponse? Peut-être qu'il a la réponse. Ah peut-être, je ne sais pas. Alors le répondeur, vas-y le répondeur. Eh ben visiblement non. Eh ben bravo Raphaël. Eh ben voilà, t'es pas venu pour rien Raphaël. Eh ben voilà, la GoPro il est pour toi. Il a gagné la GoPro. Eh ben bravo Raphaël hein. Bah t'es pas venu pour rien. Et c'est quoi la écoute, je t'en prie, dis donc, t'es sûr que ça te fait plaisir hein, parce que là, on n'a pas l'impression. Sinon, là, on la garde. Hein. C'est genre le merci, loin du micro, nouveau là, hein, putain. Hein, merci. Tu vas te terroriser, le pauvre à côté. Bon, ben voilà, GoPro pour toi. Tu peux remercier l'auditeur ou autrice qui sera ravi demain en écoutant le répondeur au réveil que, en fait, ben voilà, il ou elle a perdu parce que il ou elle n'a pas décroché. C'est bien dommage. Et on a toujours pas la réponse avec ça. Et on n'a pas la réponse, Raphaël. Du coup, c'était quoi la réponse? C'était le flocon. Le flocon, effectivement, tout à fait. Il est léger comme le coton, il peut être de glace ou d'avoine, ainsi que de céréales pour le petit déjeuner, effectivement. Eh ben bravo Raphaël, bravo. La GoPro est pour toi. Et puis bah pour les autres, si vous voulez tenter aussi de participer, n'hésitez pas. Si vous voulez poser une colle, hein, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le mail de Sandro, sandro@funradio.fr. Bon, tu restes encore avec nous ou tu te barres maintenant que t'as gagné? Ah bah là on va se casser, oh là là, oh là, là. Bah c'est fini hein. Et puis bah, là ils vont dire on vous aime pas, vous êtes des merdes. Voilà c'est ça. Bon écoute tu restes et puis tu pars quand tu veux Raphaël, y'a pas de problème. D'accord? Ok. Bon très bien. Petit peu timidité. Tu veux faire quoi plus tard Raphaël comme concessionnaire métier? Comment? Concessionnaire. Concessionnaire de quoi de voiture? Ouais. De quoi? Quelle marque? Je sais pas. Non parce que le Toff il voudrait bien une Porsche. Ouais. Bah Polo aussi d'ailleurs. Ouais, moi je voudrais une vieille Porsche et Polo voudrait une nouvelle. Voilà. Ah, mais bon moi, non lui est pas dans le détail. Hein, sur la photo que j'ai postée ce week-end quand j'ai fait une photo en mode Hank Moody dans Californication, la Porsche était à vendre. Oui. Voilà. Donc. Mais elle n'est pas dans mes moyens. Et, bon, il est blindé. Quel salopard celui-là. C'est une Porsche, elle a 30 ans, c'est la biturbo, je sais pas quoi, 3 litres 2, machin chouette là, 911. Elle est qu'à 80 000 euros. Bah oui. Tu sais qu'il y a un pote à Toff qui m'a confié une fois qu'il économise depuis qu'il a 10 ans. Oui, dans un petit cochon. Il a un petit cochon et il met et toutes les pièces. Et le cochon, il est gros. Hein. Il a... bah, c'est un gros porc. Bah, le problème, c'est qu'au début, je mettais des francs belges, alors forcément... Ah ouais, ça a pris la place. Ah bah, ça a pris de la place pour rien, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai. Surtout toutes les pièces qui ne servent plus à rien. Quentin qui dit « Je vous adore ». Bah merci Quentin. Et Ludovic qui dit « Merci d'être là ce soir, car je suis au taf. On se fait grave chier, vive fin radio ». Bah merci d'être là aussi, vous, hein, derrière votre radio. Tu fais quoi comme taf, Ludo, là, tu nous as pas dit. Bon, alors, terminons avec Sébastien de Montpellier qui va couper sa radio. Sébastien de Montpellier. Oui. Sébastien de Montpellier. Ah. Salut, Mickaël. Ça va? Oui, vous. Bon, ça va. Et bon, il y a eu un but de Paris qui a été annulé, donc pas de but de Paris. C'est scandaleux. Bah, ouais, on a bon, volé Paris. Hors jeu. Bon, Sébastien, on va te rappeler parce qu'il y a un sale écho là. À mon avis, ouais, ça doit être notre ligne qui merde. Attends, bouge pas, Sébastien. On va prendre Mathieu en attendant. Du 91 des Ulysses. Salut, Mathieu. Salut, Mika. Comment ça va? Ça va et toi? En forme? Bah tranquille, hein, tranquille. Bah tant mieux, bienvenue à toi, dis-moi Mathieu là. Alors, tu fais quoi dans la vie, Matt? Bah là, je suis à la recherche d'un taf. Ah bah vas-y, profite, tu cherches en quoi là? On va passer à l'annonce. Bah là, en fait, en ce moment, c'est compliqué. J'ai des tests à côté d'Agen. Ouais. Pour vendre des pruneaux. Pour un... Non, non, non, non. Pour un bac pro en mécanique. D'accord, ok, bah très bien, comme ça quand l'autolibre de taf tombera en panne, tu peux venir à l'appareil. Voilà. Bah voilà, voilà. Belle autolibre. Magnifique. Quoique dans l'autolibre, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mécanique. Vu que tout est électrique, bon il y a un moteur, tu me diras, c'est vrai, mais. Une question, t'es obligé d'aller jusqu'à Agen alors que tu viens des Ulysses? Ouais, mais bon, enfin. C'est un peu le seul truc que j'ai trouvé dans ma branche, parce qu'en fait, il y a aussi un truc dans le handball. Et comme moi, je suis passionné de handball. Bah voilà quoi. Ah c'est ouais. Quoi, c'est sport-études? Non, c'est jouer dans un club, puis pour entraîner et arbitrer tout ça. Bon c'est bah écoute, bah écoute, bonne chance en tout cas, hein. si c'est ce que t'aimes faire, vas-y, n'hésite pas surtout. Bon, sinon toi tu nous appelais par rapport aux objets trouvés, des objets bizarres trouvés dans des endroits tout aussi bizarres. Ouais. Alors, dis-nous. Une fois on était en CM2 et le prof était parti et en fait on avait regardé dans l'armoire et on avait trouvé un string. Oh c'est vrai. Mais c'était une prof ou un prof? Un prof. Ah donc il était venu avec le string de madame? Ou de sa maîtresse? Ah, je sais pas, ou d'une mais élève. Un string dans l'armoire. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Putain, sympa. Et vous lui avez fait la réflexion ou vous avez... Non, on n'a rien dit, mais on était morts de rire. Ah bah oui, c'est dommage, ça qui est drôle justement. Ouais, enfin bon, on voulait pas le mettre mal à l'aise non plus. Ouais, mais bon, t'inquiète pas que si le prof avait trouvé un string dans ton sac, il t'aurait affiché, hein, il aurait pas eu de pitié, hein, je pense. Je pense. Oui, c'est clair. Pas, bon, enfin bon, profs... en CM2... Non, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai que revu et correct. Alors CM2, parce que bon, moi j'ai jamais fait mes études en France, donc CM2, c'est quel âge? C'est avant la 6ème. Avant 10 ans, ouais. Il faut me parler en âge, moi, pas en classe. Mais j'étais en Belgique, moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis c'est fini. C'est un peu normal, mais bon. Voilà, ouais, c'est plus facile. Ouais, c'est ça. Voilà, que CM2, CE, CM, CP, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et pas de 1, et c'est la terminale, je comprends jamais rien. Tu vois la maternelle? Ouais. Bon, tu vois à peu près l'âge, c'est 5 ans? Non, 5, 6 ans? 16, jusqu'à 6. 6, ouais, 6. Bah voilà, la maternelle, après t'as le CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Non, moi c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, mais cours moyen, ça existe pas en fait. Bah oui, je sais bien, mais bon. Bon, donc du coup, ça fait 10 ans, c'est ça? Ouais, à peu près. Grosso modo, ouais, on est pas dans des détails, évidemment. D'accord. Bon, à part Toff, il aurait 15 ans, c'est dans CM2, mais bon. Ça, c'est un autre problème. Bon, attends, il y a Sébastien, on l'a récupéré avec un son qui est bon cette fois-ci. Là. Sébastien, t'es là? Oui. Comment va Montpellier? Très bien. Bon, le soleil brille. Ah oui, c'est même très chaud. Ah oui, bah j'imagine, hein, ça c'est maintenant qu'on aurait dû aller à Montpellier. Qu'est-ce qu'on était foutre à Montpellier en novembre? Ah bah je te pose la question. Bah je sais pas, moi on m'a pas demandé mon avis, puis du coup on a été à Montpellier en novembre. Alors qu'on aurait été là maintenant, avril-mai, on aurait été au top. Hein ouais, ouais, c'est vrai. On aurait été à la plage là où il y avait toutes les meufs à poil et tout, enfin tous les gens on aurait à poil, été bien au Cap d'Agde. Au Cap d'Agde, ce serait hyper bien. Quoi. J'aurais fait une petite soirée là-bas, moi. Bah ouais, en plus j'étais dans un bar là où ils font des mojitos, qui est sur le bord de la plage. Non, c'est dans le bar, tu t'as vu. Quelle horreur. Mais j'étais sur le bord, donc tu voyais tous les mecs qui étaient à Walpé, les meufs aussi. Mais... Et moi je buvais un petit verre. Oh, je supporte pas ça, c'est comme quand on était à San Francisco dans le truc à vin où le mec était à poil au bar. Ah oui, non mais on était dans le quartier gay, le mec c'est même pas le quartier gay, c'est le quartier où où ils sont extravertis, quoi. Tu vois, ils font n'importe quoi. Le mec, on est quand même dans un bar. Le mec arrive à Walpé, mais nu de chez nu, avec son journal. Hein, et il arrive, normal. Il se met au bar, assis sur le tabouret, et il se met là, et il lit son journal à poil. Et il avait son sac en plastique où il y avait ses vêtements. Et quand il est parti, en fait, ce con, il va dans les chiottes, et puis il sort habillé, s'en va. Et il était content, il a été boire son petit verre, il a lu son journal, il était à Walpé, il était content. Bah, ça lui a fait du bien, ça lui a permis de mettre les couilles à l'air. Mais écoute, pourquoi pas. Bon, alors, Sébastien, viens nous raconte-nous ta petite histoire, toi. Bah, on peut dire que j'étais avec des potes et tout, pour un anniv d'un collègue. Ouais. Et genre, notre collègue, là, qui fêtait son anniversaire, il est descendu en bas, donc nous, on voulait chercher des clubs dans sa chambre. Ouais. Et cette personne s'appelle Dorian. D'accord. Et nous on fouille avec un pote qui s'appelle Popon. Mm-hmm. C'est un petit sang qu'on lui a donné. Donc on fouille et tout, on cherche dans les placards. Et au bout d'un moment, j'ouvre un tiroir. Ouais. Et je vois un beau petit god avec du boulet excrément. Oh, c'est bon ça. Classe. Ça c'est bon. Ah oui, ça c'est sympa. Ouais. Ah oui, c'est... Eh bon appétit, hein. C'est Tofien comme c'est Tofien, ouais, exactement, ouais. Et c'est pas mal, très bonne histoire, Sébastien. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'on a été un peu choqué sur le coup, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Évidemment, il y a de quoi l'être, cela dit. Tiens, il y a l'Oroax. Oh merde, putain, pourquoi faire des noms si compliqués? L'Oroxalienne, voilà, qui dit Mickaël, trouver une boîte de capote dans le frigo de mon cousin. Comment être plus mal à l'aise? Bah, déjà, surtout, qu'est-ce qu'il faut avec une boîte de capote dans le frigo? Oui, c'est vrai. Parce que ça n'a c'est pas pour vraiment. Le dire en frais. Oui, mais ça sert pas à grand-chose, on fout ça dans le frigo, quoi. Il y a Jeanne Françoise qui dit, quand j'étais petite, j'ai trouvé un slip cache sexe en forme de perroquet dans la boîte à gants de la caisse de mon père. Oh, dédicace à lui. Ça. Ouais, c'est papa. Pas mal. Et Arnaud qui dit, quelle est la définition de tofien? Eh ben, c'est tout ce qui est sale, trait à la merde, l'ordure, la pourriture, voilà. Les excréments, ça c'est tofien. Voilà. Et David qui dit, moi j'ai trouvé un tampon usagé dans le bus et même une capote. Ah. Ouais, mais ça il y en a plein, faut se méfier. Hein. Est-ce que tu peux dire à Tof que je viendrai lui ratisser la gueule? C'est Noé. Mais avec plaisir, Noé. Le message est passé, et puis surtout tu fais quand tu veux. Merci Sébastien, merci Mathieu d'avoir appelé. Ce serait possible d'avoir un cadeau? Oui, tu vas gérer là, tu vas gérer au standard, on va te filer un pack fun, Seb, sans problème. Salut à vous, à bientôt. Ouais, salut. Ouais, Matt, ciao à toi, à bientôt. Et puis on aura Clem dans quelques minutes. On va prendre Renaud aussi, Kylian et Sophie. Vous toutes et vous tous en direct. Tout à l'heure, on fera également le grand jeu du dimanche soir, le match d'impro. Ouais. Si vous voulez participer au match d'impro, n'hésitez pas à vous inscrire maintenant. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous allez pouvoir participer. Le principe est simple, un auditeur. Garçon, une auditrice, fille. Et donc le but, être le meilleur des deux au niveau de l'improvisation. On vous donne un thème et à vous d'improviser. Voilà, la règle. Les deux dernières semaines n'étaient pas terribles. Hein, si oh là là, qu'est-ce qu'ils étaient mauvais. Donc faut lever un peu la barre. Hein. Je compte sur vous. Donc vous nous appelez, on joue à ça tout à l'heure sans problème. Et on écoute maintenant l'excellentissime son de Calvin Harris. C'est le nouveau que vous avez découvert sur Fun Radio, c'est Summer. When I met you in the summer. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avec Thibaut qui envoie son message sur le Facebook. Là, grâce à moi, il y a deux potes qui écoutent tous les soirs Mickaël No Limit. Cool. Ouais. Merci Thibaut. Il y a l'homme de Sandra qui dit une émission en direct d'un poste d'aiguillage SNCF à Rennes. Ça vous dit? Putain, c'est bon ça. Ça va être bon ça. Ça serait drôle ça. On va faire dérailler les trains. Et Hugo Réo qui dit, putain, je suis un tofien. Je suis le plus crade du monde. Trop cool. Je suis le frère de Tof. Bah dis donc Hugo Réo, tu pourrais avoir plus d'estime de toi-même. Et Sarah Svati aussi sur Twitter. Jamais trouvé d'objet insolite, mais ma meilleure amie, en m'aidant à ouvrir les cartons, elle est tombée sur mes sextoys, on a bien rigolé. Ouais, mais y a pas de mal à se faire du bien. Mais oui, y a pas de mal à se faire du bien. Bon, je vous rappelle qu'il y a toujours un magnifique drone, l'Air Drone de chez Parrot qui est à gagner ce soir. Air Drone donc que vous pouvez commander via un smartphone ou via une tablette, quelle que soit la marque, hein, s'il y a Android ou iOS, ça marche très bien. Et donc le principe, donc je sais pas si vous avez déjà vu cette espèce de gros insecte. Oui, un très gros insecte. 4 hélices. Et donc, fatalement, on le fait voler, évidemment. Et donc, le principe, c'est il y a une petite caméra dessus, Full HD. Vous allez pouvoir donc tout filmer en temps réel. et bah, tout s'enregistre sur votre, votre smartphone ou votre, votre tablette, hein, en fait, hein, tout simplement. Et ce qui est fort, c'est que vous voyez en temps réel. C'est-à-dire que si vous vous envoyez le drone à 50 mètres d'altitude et que vous êtes là, vous le laissez en stationnaire, donc il va rester là sans bouger, et bah, vous pouvez voir sur votre tablette en temps réel ce qu'il voit, ce qui est quand même assez, assez génial. Surtout si vous avez des voisins ou des voisines. Ah bah charmante. Charmante ou charmant ou charmante. Donc vous pouvez envoyer le drone à travers la vitre, hop là, il regarde, vous êtes pépère, hein, puis après il repart. C'est gros. Et vous pervers. Pouvez filmer. Non bah oui, mais bon, tant qu'à faire. Ah bah faut bien que ça serve. Hein. Bah évidemment, évidemment. Donc si jamais ça vous intéresse de le gagner, eh bien rencard sur le Facebook de l'émission maintenant. On tire au sort avant minuit et il suffit simplement de décrocher. Voilà. Donc, et de répondre également à la question. Enfin. De répondre à Toff, parce que Toff vous demande votre numéro de téléphone. Si vous ne donnez pas votre numéro de téléphone, on ne peut pas vous appeler, évidemment. C'est logique. Donc, méfiez-vous, faites attention. Si on vous envoie un petit message privé, allez voir également du côté des messages non désirés. Enfin, autre, ouais, c'est ça. Autre. Parce que comme Toff n'est pas forcément ami avec vous, ben, du coup, ça arrive dans la boîte autre. Donc, c'est méfiez-vous ça. Quand même. Voilà, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Jeanne-Françoise qui dit j'aurais pas dû balancer le coup du slip perroquet, je me suis fait engueuler par mon père. Bon, en même temps, c'est pas comment il s'appelle, on sait pas qui c'est. Donc, c'est pas très très grave dans l'absolu. Allez, on fait les appels maintenant là. Ah. Ah oui, bah c'est parti comme tous les soirs, hein, on va parler orgasme. Oui, bah parce qu'il y a une malheureuse qui a 50 orgasmes par jour, une anglaise. Ouais, qui est une maladie, hein. Oui, oui, oui, oui. Bah une maladie rare. Oui, maladie rare. Et bon, il y a pire, ouais. Hein. C'est-à-dire que là, en fait, elle prend son pied, elle a des orgasmes assez régulièrement. Donc il y a quand même vachement pire comme maladie, même si ça doit, à mon avis, quand même être super crevant. Bah c'est comme le hockey, au bout d'un moment c'est casse-couille quoi. Bah c'est ça, donc on y va, on l'appelle, on leur avait demandé si effectivement ils avaient déjà réussi à avoir autant d'orgasmes, ou en tout cas à procurer à leur, à leur copine autant d'orgasmes. Donc on y va, on appelle maintenant, on fera le top tuto juste après sur Fun Radio, donc ne bougez pas de là. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir combien d'orgasmes votre mari arrive à vous donner en une journée. Va te faire enculer toi. Mais enfin madame, pourquoi vous dites ça? Va au cul. Bah, enfin, t'as que ça à faire, t'as que ça. Bah. Espèce d'abruti. Mais enfin madame. Mais enfin madame, qu'est-ce qu'il y a? Bah pourquoi rien. C'est des choses à dire, c'est des choses. Bah, t'as fait quoi? T'as rien à faire. Moi j'ai un fils à élever, toi t'en as pas. Mais enfin c'est juste une question madame, c'est pas c'est la peine. C'est juste une question. Bah, je oui. Te pose la même question à toi. Mais oui mais moi j'ai pas mais de mais quoi, je m'en fous de ton mais. Bah oui mais alors. T'as que ça à faire, t'as rien à faire de toute façon. Bah non, je veux juste. Non, ben non, ben oui. Mais ça ah, va... tu raccroches et tu te la fermes. Mais non, de répondre à ma question. Oui, allez, dégage. Mais répondre à ma question d'abord, allô. Ah non, elle va pas répondre à la question, hein. Bon, qu'est-ce qu'il est relou. Bah oui, mais on j'aime rappelle bien sa voix. On rappelle encore un coup, allez, c'est parti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, écoute, espèce de fils de pute. Écoute, que tu... Bonsoir monsieur, bonsoir madame. C'est quoi? Tu fermes ta gueule, maintenant tu appelles plus. Bah oui, t'as mais compris. Ouais, ferme à... ta gueule, ferme-la, tu n'as même pas le droit de parler. Bah oui, mais réponds à ma question. Eh ben, ferme-la, répondez à ma question. Tu veux que je viens, je te sperme moi au visage. Je te fais un tas au visage. Tu veux que je vienne? Où tu habites? Vas-y, dis. Moi, à j'ai... Paris, je viens, je prends l'avion maintenant. Je te fais une belle tache dans ta face de merde. Tu veux? Mais tu as à dire maintenant? Bah non, mais monsieur, c'est un peu violent tout ça quand même. Ouais, alors ferme ta gueule, allez, raccroche et n'appelle plus, t'as compris? Mais oui, mais vous avez pas répondu oui, à la question. Bah, ferme-la, c'est toi qui appelles, qu'est-ce que t'appelles ce numéro? Bah pour... Tu l'oublies ce numéro. Bah répondez à ma question alors, bah, monsieur. Va te faire enculer, la question c'est va te faire enculer. Voilà, qu'est-ce que tu réponds? Va te faire enculer, t'es allé te faire enculer toi? Bah non, jamais monsieur. Tu es PD, non? Tu as pas le trou du cul, non? Bien. Mais pas du tout monsieur. Ah bah alors ferme ta gueule, allez, pas du tout, ne rappelle plus. Bah oui mais ma question monsieur, allô. Ah bah non mais bon alors bah, vous avez remarqué qu'encore une fois ce n'est pas nous hein, pour le coup. Bah hein, oui. Bon bah du coup on appellera d'autres tout à l'heure hein, avant de partir, avant de terminer l'émission. Il y a le Tanguy du web qui dit à cause des cours je pouvais plus vous écouter. Mais avec les vacances je vais vous saigner pendant 2 semaines. Trop bon, cool Tanguy du web. Bien. Re-bienvenue à toi. Et il y a un message, je viens de recevoir un mail. Qui est salut, je vous écoute depuis fin août je crois, je peux avoir un message de bienvenue PS, je vous ai ramené au moins 30 nouveaux auditeurs depuis janvier, je vous adore. Cool, eh ben, merci beaucoup, tu n'as malheureusement pas laissé ton prénom, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais tu voulais un message de bienvenue, mais je vais t'en mettre un avec grand plaisir. Attends, qu'est-ce que je vais chercher? Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus mis celui-là, tiens. Oh. Alors attends. Allez, mets celui-là. Je vais te prendre et je vais te baiser pendant 11 heures, mon gars. Voilà, et j'ai même celui-là. Je brise les os, mon gars, et je t'encule au passage. Voilà, et bienvenue à toi et merci aux 30 nouveaux auditeurs qui écoutent alors depuis janvier. Sarasvati qui dit pauvre papa tout à l'heure dans le canular et Chloé qui dit le pauvre Hugo Réo. Je le plains, moi je reste tout de même fidèle. Ouais, ouais, Hugo Réo qui peut plus écouter là à 22h30. Oh, scandaleux. Sa mère elle a mis un truc automatique pour couper internet. Vas-y, viens demain, je l'appelle sa mère. Je la scandalise. Vas-y, on peut, ouais. On peut essayer de l'appeler et puis surtout, on peut essayer de trouver un truc. Et alors, Hugo Rio, faudrait que tu nous donnes le ton opérateur et qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi le truc avec comment elle fait pour bloquer à 22h30. Est-ce que c'est un logiciel ou quoi? Donne-nous le nom et puis comme ça, on va essayer de le craquer. On va essayer de passer à travers le. Ben non, mais attends, ça se fait pas. C'est la liberté, hein. Ben oui. Et la liberté d'expression, on en fait quoi? Mais oui, il faut qu'il ait accès à la culture. Exactement, et la culture c'est tous les soirs de 20h à minuit, tous les dimanches de 20h à minuit, et tous les soirs de 23h à 2h du mat. Voilà, en toute simplicité. Bon, on est avec nous, Renaud. Salut Renaud d'Avignon. Oui, salut. Comment ça? Oh, t'es hindou toi? Ouais, mais c'est pour ça que j'appelle. C'est pour ça que t'appelles? Ouais. Pourquoi t'appelles pour ça? Je veux me faire introniser. Tu veux te faire introniser? Tu veux te faire introniser, petit Renaud. Eh c'est oui. Ça ouais. Est-ce qu'on peut avoir une musique d'intronisation? Oui, alors. Les trompettes. Une seconde. Musique. Bah alors, il est où mon musique? Renaud. Ah, voilà. Jeune Renaud. Oui. Réponds-moi, chien. Oui. Moi, Polo, grand maître des doux, je vais t'introniser dans quelques instants. Mets-toi à genoux, chien. Voilà. Tu es à genoux? Oui. Tape ton téléphone sur ta tête. Encore. Très bien. Veuillez vous déclarer. Quel âge avez-vous, Renaud? 14 ans. Quel âge avez-vous? 14 ans. Je viens de te le dire. Je sais. Quel âge avez-vous? 14 ans. Insulte-toi. Je suis con. Encore. Méchant. Encore. Con. Plus vulgaire encore. Moi Renaud je suis. Moi Renaud je suis. Allez. Insulte-toi. Un connard. Bravo. Eh bien Renaud, tu es doux, tu es intronisé doux et tu resteras doux. Voilà, tu es officiellement doux. Bienvenue, vive le nouveau doux. Et ben voilà, tu fais partie de l'élite maintenant, hein. De la confrérie des doux. Exactement. Ça rigole plus maintenant, Renaud. T'es devenu, tu pèses dans la société maintenant. Ouais. Bienvenue dans la communauté, Renaud. Ouais. Bon bah, et bonne nuit, Renaud. T'es en congé là ou pas? Non, pas encore. Dans 2 semaines. Oh là là, quelle galère. Courage, t'es dans quelle zone, courage. Toi t'es dans quelle zone, toi? Dans je sais pas, la dernière quoi. Je suis dans le Gard. T'es dans le Gard. C'est la zone la A. B. A. Oh, je sais plus, je sais jamais avec leur histoire de zone. Je sais qu'il y a tout le monde en même Paris, temps. Paris-Bordeaux. Versailles, Bordeaux, là, mais après pour le reste c'est compliqué. Bon, et eh ben écoute, bienvenue à toi Renaud, bon courage pour demain pour les merci. Cours, et puis à bientôt. Je peux passer une petite dédicace? Bah, bien sûr, en tant que nouveau doux. Bah, vu que je suis un doux, je peux en passer deux. Bon, allez, deux, allez, vas-y. Ouais, j'en fais une à Dorian et une à 4ème 3. Tu commences à abuser de tes privilèges. Ouais. Ah, bah oui, il faut attention, bien. Attention, attention. Oui, d'ailleurs, c'est une nouveauté, hein. Seuls les doux. Officiels peuvent passer deux dédicaces. Voilà, il faut. Ah bah oui. C'est comme les cartes de voyage, et t'as des levels, et donc plus t'es haut dans le level, plus t'as droit à des trucs, donc c'est cool. Ah bah oui, non. Voilà. Bon, salut Renaud. Salut, allez, à plus. Ciao à toi, à bientôt. On a également Kylian avec nous maintenant. Allô Kylian. Oui, allô. Ah oui, toi, on t'a eu tout à l'heure là, putain, j'ai oublié de te reprendre, Kylian. Bah ouais, j'ai attendu. Ah bah ouais, et t'as attendu, hein. Ouais. Ah ouais. Bon Kylian, toi tu nous avais appelé par rapport à un prof que t'avais insulté sur Facebook et du coup c'est revenu à ses oreilles et t'as pris cher. Oui. Alors explique. Eh ben en fait, je venais juste de me faire engueuler. Ouais. Et du coup ils m'ont collé jusqu'à la fin de l'année et ils m'ont puni de récré. Non, les enculés, t'as plus de récré? Jusqu'à la fin de l'année. Je dois copier. Il faut appeler l'association des droits de l'homme parce que là c'est pas sérieux. Non, mais attends. C'est un scandale. Mais attends. T'as dit quoi au prof? Bah du coup moi j'ai rien dit, voilà. Non mais si sur Facebook, il t'a pas puni gratuit. Après la meuf, elle a commencé à faire tomber de l'eau. Elle a marché dans une tarte au chocolat par terre. Elle a bien étalé tout son pied. Mais que foutait la tarte au chocolat par terre? La surveillante. Mais quoi? Là oui, la surveillante. Mais qu'est-ce que ça foutait là? Pourquoi il y avait du chocolat par terre? Mais non, en fait, elle avait fait renverser de l'eau par terre. Exprès? Oui. Pourquoi? Mais comme ça, elle me fout. Du coup, j'étais vénère, je suis rentré et j'ai créé une page où j'ai insulté. Ah bah c'est intelligent ça. Ah bah, bravo. Et tu lui as dit quoi, la prof? Bah, j'ai marqué que c'était une crétine, une connasse, etc. aimer pour la soutenir. Ah oui, d'accord. Et t'as eu beaucoup de likes? Bah, la moitié du bahut, donc... Ils ont surtout mis, ça se fait pas, on lève moins la page et tout ça. Ouais, bah oui, c'est vrai que ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait moi, pas. Moi, je l'avais fait, c'était, on devait faire une chanson, tu sais, genre la prof de français nous fait, ouais, vous allez écrire une chanson et tout. Oui, c'est lui qui l'a écrit, hein. Je tombe. Non, arrête, je peux plus. Non, arrêtez avec ça, parce que franchement. Plus je l'entends, plus je vois Toff, plus j'ai envie de pleurer. Oh, non mais sérieusement, cette salope, ça se fait pas, elle a brisé son cœur. C'est quand même la première meuf de Toff qui est. C'est à cause d'elle la première vraie meuf. Ouais, c'est. Parce bon, qu'avant c'était des hommes. Et donc depuis c'est devenu une sous-merde qu'on connaît aujourd'hui. Attends, non, vous avez pas entendu ce qu'il a dit. C'était la première vraie meuf et la dernière. C'est-à-dire qu'il plus jamais. C'est pour l'instant on pleurait. Mais il y aura la mère de ses enfants, je te rappelle, dans moins d'un an, d'après le voyant. Mais oui, la voyant. Bref. Et donc ouais, donc on devait écrire une chanson et donc j'avais écrit une première, tu vois, genre normale, voilà, une chanson un peu bateau. Et j'avais écrit une deuxième, mais vraiment hyper hardcore, quoi. Et avec que des insultes sur la prof de français parce que je la supportais pas. Et bien évidemment, elle vient à mon bureau et laquelle elle prend, celle avec toutes les insultes. Et évidemment. Elle a kiffé. Ah bah ouais, elle a kiffé, mon père a été convoqué. Il a dû venir faire oui, mais vous comprenez. Je ne comprends pas qu'à voir mon fils dans cette histoire. Il est venu avec une valise d'argent. non, mais là-dessus, mon daron était très très fort. Je rappelle que le père de Toff est banquier. Oui, pas dealer. Hein. Oui, enfin oui, il est retraité maintenant, je veux dire, il est dans la banque, quoi. Ouais, et donc il était très fort pour ça parce qu'il l'a retourné en deux secondes et donc pas. Ah, lui aussi, il comme toi alors. Non, pas d'accord. La mère de Toff. Ah oui. Alors, parce que, vu les 300 kilos qu'elle faisait, pour la retourner, elle aurait eu du mal. Ouais, enfin et, donc, du coup, il lui a raconté je sais pas quoi comme bobard. Et du coup, elle a fait bon, oui, je comprends et tout. Moi, je me suis fait défoncer. Ah oui, ça, c'est sûr. Bah, j'imagine ta mère. Mais j'ai pas été sanctionné à l'école. Ah ouais, mais bon. Bon, mais merci, Kylian, en tout cas, d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux. Hein. Je peux faire une dédicace ? Allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Je peux faire une dédicace à Daniel. D'accord. Mon meilleur pote. Eh ben, pas de problème, et on l'embrasse. Je pourrais avoir un pack comme celui qui avait 10 ans ? Bien sûr. Pas de problème, on va te passer ça. Tu restes au standard, il n'y a pas de souci. Okay. Salut Kylian, ciao à toi, à bientôt. Ciao. Allez, bye bye. Et puis restez sur Fun Radio également, puisque je vous cale le son de Major Lazer dans quelques minutes. Major Lazer, Aisha Napole, on l'avait demandé tout à l'heure, ce sera Come To Me sur Fun Radio, c'est ce qui va débarquer. C'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à minuit comme tous les dimanches. Et tous les soirs de la semaine de 23h à 2h. Merci d'écouter Fun Radio et merci de faire passer le message à vos potes. Il y a enfin un truc à écouter à la radio le soir. Et c'est Mickaël No Limit. Bienvenue les nouveaux. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Je nique ta mère, mon gros bâtard que tu es, hein. C'est un jingle que je devais envoyer. Autant pour moi. Hein. 20h minuit. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Ouais, bah ça peut arriver là. Bon, 22h52. Allez, on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. Il y aura le match d'impro à suivre dans quelques minutes. Si vous voulez participer au match d'impro, eh bien appelez-nous 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Principe est très très simple. Il suffit donc on a un auditeur, une auditrice à l'antenne. On vous donne un thème et il faut improviser sur ce thème pendant 1 à 2, 3 minutes. On va dire 3 minutes maximum. Et voilà, le meilleur sera élu par les auditeurs et c'est lui qui repartira avec le cadeau. Il y a Thomas également qui dit moi je connais quelqu'un. Il s'appelle Toff, trop moche comme prénom, ça pue. Ouais, j'avoue. Mais c'est vrai. La plume mauve sur le Twitter qui dit coller car j'ai balancé du gruyère dans la gueule d'un pion. Oui, mais c'était pas fait, ce n'est pas prévu à cet effet, la plume mauve. Et il y a de Richard qui dit je suis hindou et un geek et je suis fier de l'être. Et ben tant mieux, c'est ça, il faut être fier de tout ça, il faut être fier de tout. Et Laurent qui dit je me suis fait coller parce que j'avais collé des affiches de Fun Radio dans tout mon collège. Merci Mickaël. Bah dis donc Laurent, pas ma faute quand même, il fallait faire ça intelligemment, il fallait mettre ça sur la gueule de quelqu'un d'autre. De Toff, oui, exemple. Mais c'est Toff, bah c'est Toff qui a collé. Ouais. Mais c'est qui? Bah c'est l'autre là, il est là-bas, regarde, là plus loin là. Non mais t'accuses, rien à foutre. Vous êtes géniaux, je vous écoute tous les soirs, c'est Léo qui a envoyé le message et puis un message aussi qui dit. Léo qui dit je vous écoute depuis le début août et j'ai jamais eu mon message d'accueil. Ah bon? Ta mère c'est une grosse salope, hein. Voilà, et puis Jojo aussi, pour terminer, qui dit « Mets-toi à genoux et insulte-toi. C'est bon, tu es rentré dans la communauté des doux. » Bah oui, c'est normal, il faut bien une une petite règle quand même hein, pour rentrer. Ne rentre pas qui veut. Ah non, attends, c'est sérieux. Évidemment, c'est sérieux. Bon, je rappelle que vous pouvez nous, oui, c'est vrai, vous pouvez nous rejoindre également sur le Twitter de l'émission. On est plus de 34 000. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien c'est très très simple. Vous allez sur le Twitter, évidemment, taper le @mikl_. C'est le petit tiret en bas. Officiel, voilà, @mikl_officiel. Et vous m'ajoutez, je vous ajouterai également et on se suivra mutuellement. Donc, et ça y est, c'est terminé. Les Lyonnais ont gagné contre Paris. Deuxième défaite d'affilée pour les Parisiens. Ouais. Et donc 1-0 pour Lyon qui gagne à la maison. Est-ce qu'ils vont encore gagner samedi au Stade de France ou pas? Parce que c'est le même match hein, au Stade de France, sauf que c'est la finale de la Coupe là. Et donc ce sera Paris-Lyon. Donc on va voir comment ça va se passer. Rendez-vous le week-end prochain. Voilà, on accueille maintenant. Où est-ce qu'il est? C'est Anthony qui est avec nous de Nîmes. Salut Anthony. Salut Mika. Comment on va? Ça va et toi? Bah écoute, ma foi, plutôt pas mal, Anthony, tranquillement, tranquillement. Qu'est-ce qui t'amène, Anthony? T'as passé une bonne journée déjà, un bon week-end? Ouais, ouais, très bien. Très bien, qu'est-ce qui t'amène? Mais en fait, moi j'avais une petite question par rapport à l'équipe de Fun Radio, parce que bon, je suis assez souvent votre mur via Facebook. Ouais. Et j'aurais voulu savoir en fait pourquoi il n'y a jamais de sujet par rapport aux homosexuels. C'est-à-dire par rapport aux homosexuels? Eh bien, vous mettez toujours des affiches la plupart du temps, des femmes ou des hommes, mais jamais en fait des hommes pour des hommes. Ou des autres statues. Bah, je mets parfois des photos où il y a des mecs, ou parfois il y a des meufs, mais je on fait pas de ségrégation, nous, ouais, c'est pour tout le monde. Oui, peu importe. Après, si je mets un mec, même si le mec est pas hétéro, même si le mec est pas homo, ça t'empêche pas de regarder et de savourer. Oui, non, je comprends tout à fait, mais bon, la plupart du temps, en fait, tu réponds, enfin, tu marques toujours les hommes qui pensent vous des femmes ou des femmes qui pensent vous des hommes. Ouais, et parfois, je mets aussi, si tu écoutes bien l'émission, parfois je dis, ou alors, ou les mecs, ou les meufs qui aiment les meufs, ou les mecs qui aiment les mecs. Et mais si après, tout le monde répond. Non, mais tu vois, après, je fais dans la généralité, je rentre pas dans le détail. Parce que sinon, si je dois commencer à rentrer dans le détail, si j'écris un texte en disant, bon, les filles, vous pensez quoi du mec et les mecs et les mecs de la fille? Alors, si vous êtes homo, si vous êtes lesbienne, si vous êtes, j'en sais rien, moi. Je rappelle d'ailleurs que l'Australie vient de reconnaître les transgenres, donc nous devons aussi les ajouter. Voilà, les transsexuels, si vous êtes transsexuels. Enfin, tu imagines, et on part dans des trucs improbables. Moi, je m'en fous, tout le monde réagit, tu vois. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu peux être gay, pas gay, black, hétéro-curieux. Non, mais je m'en fous. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, je m'en fous, tout le monde est le bienvenu. Je suis pas dans le détail. Ok. Tu vois ce que je veux dire. C'est juste ça, en fait, que je veux savoir. Non, mais il y a aucun problème. Tout le monde est le bienvenu, il y a nos malaises. Et comme je te dis, hein, toi, fais recto verso, donc. Moi, je les aime musclés, le corps huilé. Voilà. Tu es musclé, le corps huilé, c'est toi. C'est pas pour moi, alors. Ah merde, non bah tant pis alors, c'est pas grave. Bon, eh ben salut Anthony, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Hein. Ouais, y'a pas de soucis, merci. Salut à toi, à bientôt à Nîmes. Salut. Ciao. Alors, il y a également Sophie avec nous maintenant de Paris, là, j'en avais parlé tout à l'heure. Coucou Sophie. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, t'as une voix douce aussi, mais t'es pas une douce. Quel âge t'as? 6 ans. Quel âge? 16. Ah oui, non, t'es plus 6 ans. Non, t'es plus une 12, voilà, c'est passé au-dessus, c'est très bien. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène, Sophie? Sois la bienvenue. Je voudrais des avis sur le métier de réceptionniste dans un hôtel. Comment ça, de réceptionniste dans un hôtel? Attends, je crois, c'est ton. Tu veux faire réceptionniste dans un hôtel? Oui. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi ce. Non, mais pourquoi ce métier-là? Non, mais pourquoi ce métier en particulier, il s'est passé? Parce que. On rencontre des étrangers. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais attends, parce qu'il y a réceptionniste dans des hôtels et réceptionniste dans des hôtels. Quel style d'hôtel? Ah, des luxueux. Voilà, ok. Parce que tu veux rencontrer des SK. Ouais, des non, mais. Des SK ou des Qataris qui arrivent blindés d'oseille, etc. Quoi. Qui laissent des gros pourboires. Ouais, c'est ça, exactement. T'as pas envie de te taper le Formule 1, quoi. Voilà. Ah, ouais. D'accord, ok. Ouais, je comprends, ouais. Bah, écoute, pourquoi pas? Non, mais il en faut après. Toff et Polo peuvent vous conseiller un très bel hôtel si vous êtes en villégiature à Metz. Vers Metz, hein, le Banzai. Le Banzai. S'il existe encore, s'il existe, je vais vérifier à son âme. Oh là là, mais quelle horreur. Mais voilà, très très bel hôtel. Et le gardien ou le réceptionniste de l'époque, il y a 5 ans. Très sympathique également, hein. C'est le mec rentre dans ta chambre pour te dire allez, il faut partir maintenant. Le mec, non mais. Eh, véridique, hein, on n'exagère pas. J'ai pas dormi, c'est top, hein, moi je me suis sauvé. Ouais, ouais, je sais, t'es venu dormir à la maison. T'as eu raison. Ouais, ouais, c'est clair. Il existe encore ou pas le Banza? Bah écoute, il a l'air. Attends, parce que là, c'est un site Jute qui répertorie les hôtels. Alors, ah oui, non, il existe toujours. Il existe toujours, bah tant mieux. Ouais, il a pas évolué, non? Bah écoute. Bon, le réceptionniste, on sait pas, mais peut-être esthétiquement. Ils ont écoute, je sais travaux, pas, je cherche des photos récentes. Bon, je... bah alors, cherche des photos récentes, alors c'est très bien. Bon, et donc, oui, bah pourquoi pas réceptionniste? Écoute, après, c'est un métier comme un autre, il en faut. Et puis, bah, oui. Et puis tant qu'à faire, autant faire un métier qu'on kiffe. Oui. Voilà. Oui. Mais c'est quoi ton but en étant réceptionniste? Tu veux faire quoi exactement dans un hôtel? Je voudrais partir à l'étranger. Ah oui, mais tu sais que quand t'es réceptionniste, c'est rare que tu partes à l'étranger. Ah, sauf bah oui. Si tu pars à l'étranger pour être réceptionniste dans un hôtel à l'étranger. Là, c'est différent. On m'a dit le contraire, qu'on pouvait beaucoup voyager. Bah, c'est faux, ça. Je vois pas comment tu voyagerais beaucoup, parce que encore t'es la secrétaire ou t'es l'assistante d'un grand patron ou je sais pas quoi. Là, à la limite, tu peux beaucoup voyager, mais quand t'es réceptionniste dans un hôtel, même si c'est un hôtel luxueux, je vois pas pour quel motif ils t'enverraient ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'ils en ont besoin. Non, mais en besoin de quoi? Bah, de réceptionniste. Non, oui, ça j'ai compris. Mais je veux dire, à part si toi t'as envie d'aller bosser, j'en sais rien, aux États-Unis, là t'y vas et t'y réceptionniste là-bas. Mais oui, tu vas pas faire le tour du monde. Tu vas pas faire le tour du monde comme ça. Non. Bah non, oui. Non. Bah voilà. Attends, il y a Mélissa qui est avec nous également, là, 22 ans de Lyon, là. Salut Mel. Salut Mickaël. Comment ça va? Et bravo Lyonnais, hein, encore une fois. 1-0 face au PSG, là. Allez. Alors Mélissa, bienvenue à toi. Tu voulais réagir toi par rapport à Sophie? Bah ça tombe bien, on est tous. Une fois que Lyon gagne un match. Ouais, c'est ça. C'est bien. Alors vas-y, dis-moi. Alors déjà, je vous appelais pour parler du métier de réceptionniste, parce que je vous ai dit que c'était un peu un métier entre guillemets moyen. Pas non, du tout faux. C'est absolument. Ouais, non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai simplement dit. Non, ben non, attends, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai simplement. Mm-hmm. Non, j'ai simplement dit que si elle voulait être réceptionniste, eh ben tant mieux, qu'elle fasse un truc qu'elle aime bien. Effectivement, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit je veux absolument être réceptionniste. Eh ben tant mieux, quel est le problème? Il y en a qui veulent être éboueurs, il y en a. C'est un vrai. Non, oui, mais vraiment. Il y en a qui prennent le métier d'éboueur comme le dernier des métiers avant d'être SDF. Et puis il y en a qui adorent, eh ben tant mieux, en faut, et puis voilà. Bah, non mais moi j'ai aucun problème avec ça. Les gens font le taf qu'ils veulent, et puis le principal c'est de faire un taf qu'on kiffe. Et c'est rare que des gens puissent le faire. C'était juste la nuance entre un réceptionniste de Formule 1 et de, par exemple, de Four Seasons, quoi. Oui, voilà. Bah, qui n'a rien à voir. D'accord. Voilà, c'est d'accord. Ça, c'est la nuance qu'on a mis, mais à aucun moment on a jugé son... Polo, il adore les réceptionnistes quand il arrive et qu'il se dit oh, bonjour, j'ai une chambre, s'il vous plaît. Si vous voulez, j'ai la 203. Allez, je travaille à Fun Radio, blabla. Enfin, il se la ramène, quoi. Bon, bref, et toi, t'es réceptionniste dans un hôtel aussi ou pas? Moi, je suis assistante de direction, mais j'ai fait des études pour ça. Ouais. Et en fait, quand je l'écoute dire que c'est pour voyager, etc., je le comprends, parce qu'il y a des grandes chaînes hôtelières en France dans lesquelles on rentre et où on peut être muté très facilement à l'étranger, en fait. Ah, muté, oui, d'accord, moi j'avais pas compris c'est ça pas comme... J'avais pas compris ça comme ça, moi. Pour moi, c'était genre, tu sais, elle part une semaine pour le travail à l'étranger, mais muté, c'est différent. Ah oui, d'accord. Bah, moi, dans mes études, en tout cas, j'ai pu partir 4 mois à l'étranger pour être réceptionniste dans un grand hôtel. Ouais. Et du coup, après, voilà, quand on rentre dans une chaîne en France, on peut être muté, mais après, voilà. Oui, ok, d'accord. Non, mais vu comme ça, ouais, bah alors évidemment, tu dois prendre une grosse chaîne d'hôtels qui, effectivement, a des hôtels un peu partout dans le monde, etc. Et tu te mets au Sofitel, t'es mis bien. Mais c'est ça, voilà. Mais de toute façon, c'est la chaîne la plus présente en France. Donc, ouais, et puis tu dois speaker English, hein. Je sais pas si c'est le cas. Ah, ouais, oui, Sophie, là. Ah oui, oui. Oui, mais j'adore l'anglais. D'accord. D'accord, ok. Et alors le mieux, c'est si tu peux parler russe ou des trucs ou chinois ouais, alors, non, parce que anglais c'est bien, mais bon, il y a beaucoup qui arrivent à le faire. Mais si t'as une langue un peu spéciale que t'arrives à parler, là tu gères. Hein. Le turkmen. Non mais les russes, parce que tu sais, il y a plein de russes blindés qui voyagent. Ouais. Si tu peux parler le russe, non mais franchement, c'est con, mais tu peux te faire. Bon après c'est difficile. Nazdrovia. Voilà, c'est un des seuls mots que je. Oui. Comment on dit encore Il y en avait d'autres quand on était en Dobrivien, c'est merci. Dobrivien, exactement. Dobrivien. Non, c'est bonjour, Dobrivien. Ouais. Da. Da. Spasiba. Spasiba, c'est merci. Voilà. Nazdrovia, c'est santé. Santé. C'est ça, je l'ai bien retenu. Hein. Ouais. Poutine, qui veut dire dictateur. Non, Vladimir Poutine, il veut dire oh grand Dieu. Ah, ça, c'est uniquement quand t'es sur place. Et sinon, pour le reste du temps, oui, voilà. Après, si vous en avez d'autres démos, n'hésitez pas. Hein. Bah écoute, merci Mélissa d'avoir appelé en tout cas. De rien. Je crois que Christophe, ça veut dire la merde. Oui, exactement. C'est grosse. Ouais. En fait, c'est quand t'as la chiasse, tu dis. Christophe. J'ai Christophe. Ya. Voilà. Et là, da. Dada. Exactement. Bon, ben gros bisous Mélissa en tout cas à Lyon. Gros bisous, allez. Je t'embrasse. Salut Mélissa. Ciao. Et puis bah Sophie, bah vas-y fonce hein, si c'est ton kiff, n'hésite pas vraiment quoi. D'accord. Et puis alors attention, un petit conseil que je donne aussi parce qu'il y a plein de d'animateurs radio en herbe ou des petits jeunes qui débutent, c'est que il faut démarrer en bas. C'est-à-dire que ne crois pas que tu vas te retrouver directement à la réception du plus gros hôtel du monde, etc. Il faut pouvoir démarrer par des petits hôtels. Et puis au début ça va être chiant parce que c'est des petits hôtels et t'as envie d'aller plus haut. Mais ça va venir au fur et à mesure. Faut pas directement avoir envie de se. Tu sais, c'est comme si un animateur qui n'a jamais fait de radio postule pour bosser à Fun ou sur une autre grosse radio, tu vois. Il y a un ordre logique. C'est comme chez les flics. Tu deviens pas lieutenant du jour au lendemain. Voilà, d'accord. Tout simplement. Donc, donc je veux même pas te dire courage à toi parce que si tu fais ça, c'est que tu vas kiffer. Mais en tout cas, amuse-toi bien. Bon courage. Je déteste les gens qui disent courage. Donc voilà, salut Sophie. Salut. Je te fais des bisous, je t'embrasse, à bientôt. Ciao à toi. Au revoir, merci. Bah, il y aura Sébastien également là de Rochefort-du-Gard, dans le Gard, justement. Ça va, Seb? Ça va. Yo. Bon, t'es en forme? Ouais, ça va, nickel. On n'a pas l'air comme ça à première écoute, hein. De quoi on va parler avec toi, dis-moi? Ma copine, elle veut pas coucher avec moi. Et puis sa meilleure amie, elle veut coucher avec moi. Bah baisse la. Non, ça ira taf. Bon, alors attends, on va en parler dans quelques minutes, d'accord? Tu restes là? Pas de problème. Parfait. Bon, je l'avais promis tout à l'heure, le son de Major Lazer et Sean Napole avec Come To Me. Et ben, c'est parti. On se le fait péter maintenant au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. Appelez-nous pour délirer avec nous. On est là en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bienvenue et bonne soirée avec Fun Radio. On est là jusqu'à minuit. Le son de Major Lazer, instant, sur Fun Radio, c'était Come To Me. Il y aura Rebel dans quelques minutes, avec Black Pearl, évidemment. Ah, merde, putain, je l'ai foiré, là. Alors, il est où, mon Black Pearl, là? Je l'ai perdu. Eh ben, voilà, c'est parfait. Je l'ai perdu. Ah, voilà, il est de retour. Voilà. Black Pearl, Rebel, donc, c'est ce qui va arriver dans un instant sur Fun Radio. Et on mettra également l'hymne de la Coupe du Monde 2014. We Are One, Pitbull et Jennifer Lopez. C'est ce qui va arriver sur Fun Radio, donc n'hésitez pas à nous appeler évidemment. Et puis on fera le match d'impro dans quelques minutes. Il y a Mika Lapierrot qui dit Mika, pour internet, faut aller dans les paramètres du modem, enlever la planification, tu télécharges l'application sur le téléphone. Ouais, alors effectivement, il y a un auditeur qui avait proposé ça aussi. C'est Faustin qui dit pour l'auditeur qui n'a plus internet, donc c'est Hugo Réo. En gros, ses parents ont mis un timer, donc à 22h30, il n'y a plus internet. S'il a la Livebox Orange, il a juste à télécharger l'application Ma Livebox sur son phone ou sur la tablette. Puis il entre le mot de passe. Si les parents sont cons, c'est admin, car c'est le mot de passe par défaut. Et puis il change les horaires de connexion de son PC. Et après, idéalement, tu changes le mot de passe. Comme ça, ils peuvent s'entendre dessus. Voilà, et tu bloques internet la journée pour les emmerder, eux. Ouais, mais ils vont aller voir les opérateurs, ils vont tout changer. Ouais, raison, garde tout le dossier. Tu laisses ton mot de passe, mais en revanche, tu t'enlèves l'horaire. Et puis normalement ils vont pas les vérifier tout de suite. Hein. D'ailleurs en parlant de ça, il y a Raphaël qui est avec nous là des Côtes d'Armor. Salut Raphaël. Ouais. Comment ça va? Bien. Bon bah bienvenue à toi Raphaël. Alors toi aussi. J'ai appelé pour dire exactement la même chose. C'est un peu con. Ah merde. Ah bah je savais pas. Donc mais ça marche que sur Ça marche aussi chez SFR. Ça marche aussi chez SFR, mais c'est pas du tout la même manip en fait. Ah d'accord, ok. Ouais, donc en fait il faut avoir le numéro, enfin le login. Bah, faut savoir chez qui il est en fait. De quoi? Il faut savoir chez qui il est en internet. Bah oui, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que là, il est bloqué. À 22h30, ouais. Il a plus internet, donc il peut pas communiquer l'information malheureusement. Et demain, il pourra pas non même plus. Même pas par SMS. Bah non, même pas par SMS, malheureusement. Un peu nul. Bah je confirme. Bon, écoute, à la limite. Non mais à la limite, on en reparlera demain, puisque d'ici à demain, il va nous renvoyer le message et puis comme ça, on pourra l'aider indirectement. Bon bah écoute, bah merci quand même, Raphaël. Hein. Faire une petite dédicace quand même. Bah vas-y, ouais, comme ça tu seras pas venu pour rien. Allez, à une personne, choisis la bonne. Ouais, donc c'est une dédicace à Coco, à Mélanie, sa copine, et à Flo. D'accord, et bah, le message est passé. Tu dis. Salut. Ah bah je crois que tu voulais dire un truc en plus. Très bien, bah, le message non, est passé. Non, c'était tout le temps. D'accord, ok, très bien. Eh ben, sans problème. Y a pas moyen de gratter un airdrone au passage, non? Ah non, l'airdrone, non, il y a, bah, y a une acassole, mais on va tirer au sort dans 50 minutes là. Mais si t'as fait un like et un partage sur le Facebook de l'émission, ouais, ouais, y a pas de soucis, je l'ai bah, fait, ouais. Eh ben voilà, peut-être qu'on va te rappeler. En tout cas, je te le souhaite. Si jamais, vérifie bien tes mots de passe. Vérifie bien tes messages privés. Ouais, et même dans autres, parce que parfois le message, quand on vous demande le numéro de téléphone, bah, le message n'arrive pas forcément dans la boîte, il arrive parfois dans autres, donc méfiez-vous, il faut bien les vérifier là-bas, sinon c'est con de voir le message demain ou un autre jour en disant mais, ouais. Bah il serait con, donc voilà, le drone, l'air drone de chez Parrot a gagné, ça vaut 250€ et c'est la folie totale. Bah ouais, c'est bien pour ça, en plus ça a l'air bien. Ah mais franchement ça déchire, hein. On a déjà essayé avec Toff, bon alors évidemment Toff là, c'est toi, non c'est abruti, il avait fait atterrir sur Amérir. Oui, je l'ai testé dans la piscine. Ouais, ça marche moins bien. Donc ça marche pas au-dessus de l'eau avec. Ouais, en fait, il faut expliquer un truc, c'est qu'en à l'intérieur, il y a des sonars, des trucs bizarres qui calculent la distance entre le sol et le drone. Et donc quand tu passes au-dessus de la piscine, il ne détecte pas l'eau. Donc en fait, c'est le fond de la piscine qu'il va prendre comme base. Donc du coup, il va descendre parce qu'il peut pas aller non plus à 100 mètres de haut, je crois qu'il va à 50 mètres maximum. Et donc du coup, il va descendre et puis bah il va mérir et donc forcément, il marchera beaucoup moins bien. Complètement. Avec le téléphone, il faut le mettre dans du riz. Oui bah écoute on a essayé, ça a pas bien marché non plus donc bon bah, il a pas trop aimé. Ouais, bah il a même pas aimé du tout, je confirme. Donc voilà, si vous le gagnez, ne passez pas au-dessus de l'eau, c'est encore mieux. Bon bah tout à l'heure peut-être Raphaël. Ok, merci. Salut, à bientôt. Salut. Raphaël, ciao à toi. Bon, on va récupérer. Oh, on a Joachim avec nous maintenant de Montpellier là. Salut Joachim. Salut. T'es un doux toi? Ouais. Ah ouais toi t'es un bon doux toi, hein. T'appelles bon de Montpellier toi Joachim? Ah ouais. Ah bah très bien, bon t'as quel âge? 10 ans. Oh non, encore un 10 ans. C'est énorme. C'est dingue ça, dis donc Joachim. Ah bah bienvenue hein, tu veux dire quoi toi Joachim? Ben me faire dégainer dans l'armée des doux. Ah, dégainer dans l'armée des doux. Toi aussi tu veux devenir un doux officiel. Puis après je passerai le titre d'élite. Ah oui, bah oui, forcément il y a droit à deux. Quand il sera validé officiel. Bon. C'est quoi? Quel est ton prénom jeune doux? Joachim, es-tu doux? Oui. Ah, réponds. Oui. Tu veux rejoindre l'armée des doux? Oui. Frappe-toi la tête avec ton téléphone. Encore. Encore. Encore. Stop. Ouais, après il va tomber dans les... Joachim. Oui. Insulte-toi. Je suis un gros télé. Faut pas que mon père me chope. Pourquoi il est gay? Faut pas que mon père me chope. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Joachim, tu es officiellement un doux, tu es validé, tu es un doux officiel. Ouais ouais. Les auditeurs qui écoutent Fun pour la première fois et qui viennent de débarquer, mais qu'est-ce que c'est que la série des doux. C'est la sec là, ils sont en train de faire quoi ces mongols là? Bon, eh ben bienvenue à toi en tout cas dans la communauté des doux. Alors les doux, ce sont les auditeurs qui n'ont pas mué. Hein. Voilà. Eh ben bravo Joachim hein. Et on les aime aussi. Voilà, tu voulais faire une dédicace. Alors comme tout doux qui se respecte et tout doux officiel, tu as droit à deux personnes. Alors vas-y, on t'écoute. Dédicace à Lucas qui m'écoute sûrement. Ouais. Il va être content que je passe. D'accord. Il aimerait bien passer un jour. Eh ben peut-être. Bon. Hein. Quel âge il a, le même âge que toi? Quoi? Il a le même âge que toi? Ouais. D'accord, bah il sera peut-être doux officiel mais aussi. Et puis dédicace à Laura. C'est ta meuf? Non. Pas encore, mais ça va venir. Ouais, ça va venir. T'inquiète, t'es un beau gosse, toi t'es un doux normalement maintenant, c'est normal. Bon, salut Joachim. Salut. Allez, ciao à toi. Bon, allez hop, on va se faire un petit top tweetos maintenant, là on est à la bourre depuis tout à l'heure. Je rappelle qu'à minuit, on ne tire pas au sort, parce que c'est pas un tirage au sort. Hein. C'est celui qui aura envoyé le plus de messages avec le hashtag et Mickaël qui sera donc le gagnant d'un magnifique sextoy offert par... passagedudésir.fr. On en a reçu tout un stock. Oui, j'ai vu qu'il y avait un nouveau carton. Deux cartons. Mais on a deux cartons, c'est moi qui l'ai porté, l'autre carton non, de God. Ah bah oui. Deux cartons, il a porté un carton de God. Ouais. Eh bah ta mère très fière. J'avais des... Ah regardez mon fils, il porte des cartons de God non, maintenant. Non, je pense qu'elle se dirait, mais de toute façon il est tellement con celui-là que ça m'étonne pas. Ça l'étonnerait pas. C'est ça, alors que tous ses frères et sœurs ont réussi leur vie. Ouais, hein. Ouais, il est là, il fait de la merde la nuit là. Ouais. Enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez? Bon du coup alors quel est le numéro 5 actuellement? Si on arrêtait tout là maintenant, eh bien qui gagnerait à 23h15? Donc c'est Jojo. Numéro 4. Hugo Réo, enfin Réo Hugo. Ouais, bon, de toute façon, lui, on sait qu'il évoluera plus puisqu'il n'a plus internet depuis 29 ans. Donc, il n'ira que peut-être en 5e, voire pire. Numéro 3, Nico. Numéro 2, Sarasvati. Et numéro 1, Nadia Le Prince. Très bien. Bon, bah, il vous reste un quart d'heure, trois quarts d'heure, pardon, pour tenter de monter dans le classement. Si vous n'êtes pas bien classé, par exemple, hein, eh bien, vous allez sur le Twitter, vous envoyez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Et Sarasvati qui dit l'émission de Mickaël rassemble tous les âges. C'est génial. Oui, effectivement, on aime tout le monde, nous. Demain, j'entame le bac blanc, 8h dans la journée. On commence par Philo, un message d'encouragement. Oh putain, Philo, oh là là là là là là, c'est bien un truc qui est relou, c'est ça. La vie est-elle ce qu'elle pense être? Bon, alors, allez, pour la Philo. Tu vas voir, je vais mettre du Nutella sur ma bite et je vais te la mettre bien profond dans ta bouche. Hein. Voilà, allez hop, et vive la Philo. Qu'est-ce qu'il y a, Dilek également, qui dit si ça vous intéresse, je fais des manucures, un maximum 5€, histoire de me faire un peu d'argent de poche. Eh ben, passe à la radio, Dilek. Hein, comme ça, je me referai les ongles. Voilà, et Florian qui dit le nom de mon pote, c'est Jean Gabin. C'est drôle ça. Et Célia qui dit moi aussi j'ai collé les autocollants Mickaël, discret, bien fait, dans les toilettes et dans les cours, posé, cool. Célia, c'est bien ça. Faites des photos quand vous faites ça, vous les envoyez, hein, évidemment. Et puis Chloé qui dit tous les gens de mon collège parlent de vous. J'ai même entendu la secrétaire en train de faire un jeu avec Bruno. Ah, c'est bien Chloé. Et t'as qu'à le dire à ta secrétaire, à la secrétaire. Et donc madame, vous n'avez pas autre chose à foutre que faire des jeux à la radio? Hein? Juste pour voir ce qu'elle va dire. Et Crystal qui dit, eh ben il y avait longtemps la famille, bonsoir à vous les amours. Eh ben oui Crystal, hein, il était temps de revenir là quand même, on a cru que t'étais décédé à un moment. C'est vrai? C'est comme la meuf de Toff, on l'a plus Let's Be Freak. Bah ouais, elle a disparu, plus, là. C'est vrai, je suis déçu. Bah ouais, mais Goumi aussi là. Oh là là, oh là là là là là là. Bon, on va prendre Hugo qui est avec nous là maintenant, là, 14 ans. Salut Hugo. Salut, c'est Toi Goré, t'es plus un Hugo. T'es plus un doux, toi. Ah non, non, je l'ai passé depuis un an, là. Ah ouais, terminé. T'es devenu un homme. Tu ne peux pas rentrer dans l'armée des doux. Non. Et nickel. Tu es éjecté directement. Tu dis Hugo? Quoi? C'est Réo Hugo. C'est moi. Ah, ça y est. Ah, il est là. J'ai décidé de vous appeler parce que je vais faire un petit témoignage de ce que je vis actuellement. Non, mais attends, parce que t'as plus internet, là, depuis 10h30. Et bah, justement, c'est ce que j'allais te dire. Ah bah quoi? Parce que nous, on est en train d'essayer de monter une armée, oui, là, pour venir te libérer. On va t'envoyer un technicien. Bah, j'ai bien réfléchi, j'ai pensé à vous, j'ai dit non, je peux pas laisser tomber la team No Limit, c'est pas possible. Bah non. Et donc du coup en fait il y a un fluide qui est remonté en moi, j'ai eu un second souffle et j'ai ça s'appelle la pisse. Ah, oui. Ouais, voilà, c'est ce que je me dis aussi. Et donc du coup j'ai essayé plein de codes et un coup là je viens de trouver le code. Non, donc, non fait, c'était quoi le code? C'était la date de naissance de ma mère. Les codes d'identité. Ça, c'est bien les darons. Ça, franchement, je suis trop content. Et si vous voulez, et bah, ça, en fait, ça s'appelle truc code pit ou je sais pas quoi. Et en gros, du coup, et bah, je vais le désactiver le soir pour vous écouter et le réactiver le matin pour pas que ma mère le voie. Voilà. Le plus longtemps possible pour vous écouter. Ça, c'est parfait. Bah, j'espère que tes parents écoutent pas la radio, sinon dans la merde. C'est parfait. Et là, vu que je suis quatrième, et ça me surprend d'ailleurs. Ouais. Bah, je vais compter dès que j'ai raccroché, je vais continuer. Bah très bien, attends, on revérifie là maintenant pour voir si t'es toujours quatrième ou si t'es peut-être éjecté du classement. Alors, également. Hop. Attends, on vérifie, hein. Il faut le temps que ça rafraîchisse. Oui, bon, enfin rafraîchisse. Ah non, toujours quatrième. Toujours quatrième. Bon bah très bien, Hugo, c'est bien. Je vais tweeter. Bon bah tweet alors, parfait. Te fais pas gauler, hein. Non. T'es chez quel opérateur en fait? Chez Virgin Radio. Virgin Mobile, merde. Un opérateur? Non mais pas pour internet. Ah non. Ah mais c'est pour internet. Bah. Pour internet, t'es chez qui? De la Virgin, je crois. Mais non, c'est pas possible, il y a personne qui a Virgin. Non, c'est pareil pour la radio, mais. Et c'est faire? Enfin, ouais, je crois, mais je sais plus du tout. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Essaye de te renseigner comme ça, discrètement, comme ça. Si jamais t'as encore une galère, on peut demander à des spécialistes de filer un coup de main, d'accord? Ouais, bon. Franchement. Bon, très bien. Allez, Hugo, bah, je suis content que tu sois de retour, là, jusqu'à minuit ce soir. Hein. Très bien. Jusqu'à minuit, demain et toute la semaine, là, je suis au taquet. Là. C'est bon, ça. Parfait. Bon, ben, ça marche. Ben, content, très bien. Salut, Hugo. Je peux passer une dédicace? Bon, bah ben, vas-y, maintenant que t'es là. Bah, alors, je passe une dédicace à toute la team No Limit, parce que grâce à vous, je me couche moins con tous les soirs. Ou plus con, ça reste à voir encore. On sait pas très bien. Ouais, on a des experts qui doivent venir des États-Unis pour voir si effectivement vous vous couchez comme nous, moins con ou plus con. Parce qu'on sait pas très bien. Donc ils vont inspecter le cerveau de Toff et je peux dire ça va chier ça. Il y a des experts américains qui vont arriver, donc on vous viendra au courant évidemment. Et juste, je voulais juste dire que franchement, je ressemble un peu à Toff, hein, parce que dans tout ce qu'il fait, j'ai l'impression. T'es peine perdue quoi. Hugo, c'est juste sa vie, c'est un accident de parcours. Ouais. Ah oui. Et parce qu'il n'était pas voué à faire ça, Tof. Hein. Ah oui, Tof, il devait être banquier, normalement. Banquier, père de famille, heureux, mais il y a eu un... Il y a un moment, j'ai glissé, j'ai dérapé. Exactement. Une faille spatio-temporelle, et puis bon, bah voilà, quoi. Un accident. Franchement, je pense qu'on retiendra cette phrase d'Hugo Rayo. C'est franchement la meilleure phrase. Ouais. Très bien, on va rester là-dessus, alors. Salut, Hugo. Salut, merci. Allez, beaucoup, ciao à toi. De rien, Hugo, bye. Il y a Mathieu qu'on va prendre dans un instant. On aura Leïla. Salut, Leïla. Leïla. Oui, allô. Ça va, Leïla? Oui, ça va, et vous? Encore une Lyonnaise, Leïla. Et depuis qu'ils ont gagné ce soir, là, ils se la ramènent. Ah, bah, ils se la racontent, ils viennent en parler. Hein. Ça va, Leïla? Ouais, ça va. Bon, on va parler de quoi dans un instant avec toi? T'as 5 ans? Bah, en fait. Non, t'as quel âge, Leïla? J'ai 17 ans. Ah, ouais, putain, t'as une voix de. T'as une voix de petite fille. Ah, c'est parce que je suis timide. Non, mais c'est pas grave, c'est mignon, non, on critique pas, loin de là, hein, c'est juste c'est bizarre. Bon, et du coup, on parle de quoi dans un instant? Ben, en fait, je voudrais des conseils, en fait, c'est pour embrasser des garçons parce que je sais pas embrasser. T'es dans quelle année, Leïla? 97. 97? Ouais. Et t'as jamais embrassé de garçon? Si, mais en fait, je crois que je sais pas embrasser parce qu'il s'était foutu de ma gueule. D'accord, mais t'es sûr que t'as 17 ans, hein? Et c'est pas grave, hein, si t'as pas 17 ans, tu peux le dire, je m'en fous, hein, c'est pas grave, hein. Non, je vous jure que j'ai 17 ans. Bon. Il y a pas longtemps en plus. Non, mais ok, d'accord, ok, très bien, pas de problème. Bon, Leïla, reste avec nous. Si vous avez des conseils pour embrasser, hein, surtout les filles et les mecs aussi d'ailleurs, hein, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On cherche également encore une fille, on a un garçon là pour jouer au match d'impro. Si vous voulez jouer, les filles, bah appelez-nous maintenant 01 42 48 5000. Vous nous appelez, on va jouer ensemble au match d'impro. C'est dans quelques minutes sur Fun Radio. Donc je compte sur vous évidemment, hein. Faites passer le message. Et puis on aura les appels de Tof aussi dans quelques minutes. Et là, on va s'écouter le son de Rebel sur Fun Radio. Rebel et Sydney House, c'est Black Pearl. Il est 23h22 sur Fun Radio. Si vous débarquez sur Fun Radio pour la première fois, eh bien sachez que vous avez certainement fait le bon choix. Et s'il a été fait par hasard, eh bien c'est ce qu'on appelle le destin. Allez, Mickaël No Limit, on est là 20h minuit tous les dimanches sur Fun. Rebel à l'instant sur Fun Radio, c'était Black Pearl. Bienvenue si vous arrivez, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à minuit. Yo. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et alors, Polo, il s'est prêt pour un rapport. Hein. Yo. Non, c'est parce que je pensais que le micro était fermé. Bah voilà, il y a Kali qui dit bonsoir toute l'équipe. J'arrive juste, et bah mieux vaut tard que jamais, Kali, je te fais des bisous. Et Beauté d'Orient qui dit coucou Mickaël, ça va, tu peux me remercier mon chéri qui s'appelle Jonathan et qui me fait la vaisselle. Gros bisous. Oh, et bah, oui, bah, pourquoi je dois te remercier? Ah, tu peux remercier mon chéri, d'accord, okay. Oui, c'est son chéri. Oh, le... Oui, oui. Bon, dis-moi, oh, il fait la vaisselle. Il est sérieux, lui, hein, pour une fois. Non, ça mais il a raison, bouffe, c'est bien. Eh, moi aussi, je la fais. Je mets tout dans le lave-vaisselle et je ressors. Ah, bah oui. Ah, non, bah, attends. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, mais attends, après, il y en a qui pourraient très bien dire. Il y en a qui le font pour le coup, tu sais, qui mettent pas. Qui mettent dans l'évier. Je connais des mecs comme ça qui sont en couple. Les mecs, je discute parfois avec leur meuf et. Elles sont dépitées, quoi. C'est-à-dire que le lave-vaisselle est là. Et les mecs mettent dans l'évier. Ouais, dedans, putain. Ouais, mais à un moment donné, ils ont raison, quoi. Mais ils ont raison de quoi? Mais oui, parce que si t'es trop serviable, elle te prend pour un con. Oh là là. Mais c'est vrai. Bon, j'arrête de discuter avec toi, ça sert à rien. Non, mais en même temps, t'as une meuf, autant qu'elle serve à quelque chose. Mais oui, mais non, mais arrête. Le lave-vaisselle, c'est pourquoi t'es pas là. Ça sert à rien, ça sert à rien. Peut-être qu'il mérite une punition pour avoir dit un truc comme ça. Non, je suis pas d'accord. Oui, si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, lui. Voilà, il y a Mr Bieber qui dit Garance c'est commun et Italia sur Twitter qui dit je connais une fille qui s'appelle Serap. Ah oui, c'est original aussi ça, Serap pour le coup. Bon bah appelez-nous hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va parler ensemble ce soir évidemment. Et puis on va également se faire les derniers appels de Tof dans quelques minutes. Avant ça, on récupère Leïla. Leïla ? Oui ? Est-ce que tu trouves pas que depuis que Tof a été banni de l'antenne pendant une minute, l'odeur est meilleure ? Et c'est Feng Shui. Ouais, c'est Feng Shui. Ouais, je trouve, ouais. Hein, tu vois, c'est vachement sympa. On est en paix. Hein. Moi, je suis en paix avec l'humanité, voilà. Là. Plus calme. Ouais. Plus. Ouais. Tu vois, tu respires, quoi. Ouais. Tu vois. Mais en fait, je sais pas s'il est moche pour de vrai. Ah, écoute, après, c'est une question de goût. c'est une question de choix. En tout cas, tout est 100% pur porc ici. Hein. Ouais. On ne modifie rien. Non. Voilà, donc. Non, tout est vrai. Il n'y a pas de modification. On s'arrange pas, etc. etc. Tout est la merde. Attends, Tof, reviens là, c'est bon. Oui. Donc, y a Leïla qui veut savoir si t'étais moche en vrai. Pas du tout. Je suis un Apollon. D'ailleurs, moi-même, si j'avais pu être un dieu grec, je l'aurais été. Oui, si tu avais pu. Oui. Bah, c'est parce que la période est passée, mais sinon j'aurais été un très beau dieu grec, genre ouais. Apollon. Et avec Dessy, dédicace aux Marseillais qui seront ravis de cette vanne. Et avec Dessy, on mettrait Paris en Champions League. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Ils peuvent la ressortir maintenant, puisque comme ils ont été éliminés, comme ça au moins, hop, c'est fait. Bon, alors Leïla, donc toi tu voulais savoir comment bien embrasser des garçons. On va en parler dans quelques minutes. Si vous avez des conseils à filer, bah, allez-y, n'hésitez pas. Vous nous appelez donc. Il y a Sébastien également qui, lui, nous avait appelé parce que sa copine ne veut pas coucher. 16 ans, Sébastien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu lui as demandé? Eh bien, en fait, c'est elle qui m'a proposé au début, et j'ai dit non, parce qu'on était trop jeunes. Je me suis dit, j'ai pas de capote, en fait, j'ai pas de préservatif. Ah, là, t'as bien fait, par contre. Ouais, ouais, t'as été bon. Et puis après, elle m'a demandé, et j'ai dit non, et sa meilleure amie, elle m'a dit, oh, je voudrais bien coucher avec elle, avec lui, tout ça, et j'ai dit pas de problème. Avec elle ou avec lui? J'ai rien compris. Non, parce qu'en fait, il y a ma copine qui veut, ma copine, elle veut pas, mais sa meilleure amie, elle veut coucher avec moi. Ouais. Voilà. Quelle salope, là. Mets des capotes et des monstres. Non, mais attends, mais non. Attends, il y a juste un truc, ta copine actuelle t'a demandé de coucher avec toi, t'as dit non parce que t'étais trop jeune, et maintenant t'hésites à taper la copine, enfin sa copine à elle, parce qu'elle t'a proposé de coucher avec toi. Mais pourquoi tu te tapes pas ta propre meuf si elle a proposé? Non, oui, mais... En fait, parce qu'après il y a eu une longue histoire, parce que au début elle avait cassé. Bon là je sais pas, parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait encore casser, et je sais pas ce qui se passe. Et... C'est cassé l'hymen, c'est ça? De quoi? Non, je dis cassé l'hymen, c'est ça? Ouais, bon. Ouais. Mais sinon, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait un an. Un an, et vous avez déjà cassé deux fois? Ouais. D'accord, pendant combien de temps? 2-3 mois, c'est un truc. Ah oui, quand même, ouais. Ah oui, mais enfin bon, sur un an, 2-3 mois, ça fait quand même. C'est un quart d'année, quoi. Hein. Et c'est en plus, c'est elle qui a cassé ce moment. J'ai pas cassé, c'est elle. D'accord. Et elle voulait plus de moi, tout ça, et puis voilà. Ah ouais. Bon. Mais moi, je crois que je vais casser là, parce que j'en peux plus. Ah là, maintenant, toi aussi, tu vas casser. Bah, comme ça, tout le monde casse. Comme ça, tout le monde aura tout cassé. Et puis voilà, je casse, tu casses, il casse, nous cassons, etc. etc. Bon, attends, il y a Valentin qui est avec nous dans G, là. Salut Valentin. Salut Mika. Comment ça va? Ça va bien, écoute, ma foi. Ma foi, tant mieux, Valentin, ouais. Sois bienvenu. Alors, soit tu voulais réagir à Sébastien, est-ce que t'es déjà tombé aussi sur une meuf qui voulait coucher avec toi et toi non? Ou inversement, évidemment. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Alors, explique. Bah, en fait, c'était un peu compliqué dans le sens où moi, j'étais déjà maqué. Et puis voilà, ça voulait, elle voulait plus quoi. D'accord. Donc voilà, mais ouais, c'est vrai que c'est toujours compliqué quoi. Bah elle voulait plus, c'est-à-dire? Bah elle voulait autre chose quoi, elle voulait toujours plus. Mais plus par rapport à quoi? Bah plus grosse bite, plus gros doigts, plus de doigts. Ben ouais, voilà, ouais. Ça, non, ça je peux. Ça, on s'en sort. Ouais, cette heure-ci, ça va. Ah, ok. Donc ouais. Donc, elle voulait quoi en plus? Parce que tu dis, elle voulait plus, toujours plus, mais plus de quoi? Ben, elle en voulait toujours plus, c'est-à-dire dans le sens de notre relation aussi. Mais on comprend pas quoi. Elle voulait plus de sexe, ouais, ça voulait je quoi comprends pas, je comprends pas ce qu'elle veut de plus. Elle voulait que ça aille plus loin quoi, que je largue ma meuf et tout. D'accord, et toi tu voulais pas, donc c'était ta maîtresse. Ouais, voilà. D'accord, bah voilà, et il faut expliquer les choses, très bien. Pourquoi t'as pris une maîtresse? Bah parce que ça devenait de plus en plus compliqué. Non, ce qui devient de plus en plus compliqué, c'est quand tu prends une autre meuf, voire deux, ou trois. Là ça devient compliqué, mais avant ça. Enfin si, ça peut l'être aussi, mais ça l'est moins. Après, non, à partir de... Une fois que t'as réussi avec deux, après les autres, c'est juste de la gestion. Ouais, bah oui, bah justement, ouais, mais c'est ça. Donc. C'est de la gestion d'agenda, en fait. Oh là, mais quelle prise de tête. Oh. Ouais, c'est parce qu'ils aiment ça. Oui, mais moi, je pourrais pas. C'est trop, c'est tellement de la gestion d'agenda. Tellement de la complication. Enfin bon. Bon, et qu'est-ce que t'as comme conseil à donner à Sébastien, alors? Qu'est-ce qu'il devrait faire, à ton sens, à ton avis? Dans mon sens, il devrait... Je dirais qu'il devrait... partir sur une relation plus saine, dans le sens où ça sera moins prise de tête pour lui et ça ira, je pense. De toute façon, c'est pas compliqué. Seb, ouais. Si t'as envie de te taper la meilleure amie, bah, fais-le, mais vire la l'autre d'abord, quoi, tu vois. Ouais, voilà, je comprends. Non, mais ouais, après, ouais. T'as le droit de plus avoir envie de ta meuf et d'avoir envie de quelqu'un d'autre, ça, on remet pas ça en question. Ouais, parce que c'est juste que, voilà, C'est juste que sois un minimum honnête et vire-la avant et après tu fais ta vie quoi. Mais baise-la quand même avant, sinon ça sert à rien. Mais non, il a pas envie justement. Elle a pas envie. Tu lui mets une cartouche quand même pour bon, plaisir. Bon, top, ferme ta gueule, hein, tu m'as saoulé là maintenant. Voilà. Hop, et il est en train de battre son record de bannissement. Ouais, ouais, c'est pas mal. Mais il y a 4 heures le dimanche, hein, c'est plus facile. Ah oui, c'est bon, vrai. Bon, bah merci Valentin d'avoir appelé. De toute façon, quand tu veux. Salut Valentin. Salut Sébastien également, tiens-nous au courant. Ouais, ouais. Ah, ouais, et puis je vous rappellerai demain soir. Voilà. Pour Bah ouais, pour parler aussi, ouais, non, bah j'ai pu faire aussi une dédicace à mon frère, à tout ça, ouais, et puis voilà. D'accord, enfin dans l'absolu, et tu nous rappelles quand tu veux Sébastien, y'a pas de problème. Ouais, et puis aussi je vous adore, j'adore Fun Radio, c'est... Oh, c'est gentil, merci beaucoup voilà. Sébastien, et tu détestes Toff, non? De quoi? Et tu détestes Toff. Ouais. Mais tu as bien raison. Eh ben, c'est très bien. Comme ça, au moins, tu as le parcours sans faute. Bravo, Sébastien. Bon, reste au standard. Ouais, je te repasse Sandro. Je vais y arriver. Ça marche. Salut à toi, Sébastien. Et puis, on va se faire. Eh ben, les appels de Toff. Hein, ah. Les appels de Toff. Bah oui, on avait donc appelé les connards, puisqu'on s'était rendu compte que 3 mecs sur 4 étaient des connards. C'est vrai. Justement. Et Toff, il peut revenir. Ah. Hop là, voilà. Et donc on l'avait appelé pour ça, hein, pour oui, 75% des mecs sont des connards. Exactement. Donc et on avait appelé des connards. Voilà, on t'avait appelé pour savoir si le mari de la meuf sur laquelle on tombait était un connard ou si on tombait sur un mec, savoir si lui-même était un connard. Et c'est ça, et s'il l'assumait surtout. Évidemment. Et on fera juste après le match d'impro avec Yoann et avec Amandine. Allez, c'est parti, on y va. On appelle maintenant le premier. C'est parti. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous étiez un connard, monsieur. Espèce de fille de pute, va. Je nique ta mère, mon gros bâtard que tu es, hein. Mais pourquoi de sodomie, toi, va. Oh, mais enfin, monsieur. Ta gueule. Mais monsieur. Ferme ta grande gueule, toi. Qu'est-ce que tu me veux, là? Mais juste savoir si vous êtes un connard, monsieur. Eh, moi, je t'ai mort, gros pédé. Je vais t'enculer, fils de putain de bâtard. T'es mort, va. Oh non, monsieur, c'est pas gentil, tout ça. Ah, non, mais je pense pas qu'il était là pour être gentil, cela dit, hein, mais bon. On rappelle. Allez, c'est parti. Je vais t'enculer, hein. Quelle violence. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux, fils de bâtard, va? Bah, rien, monsieur. Hein, vous m'avez l'air Moi, je suis un connard, gros PD, hein. Vous m'avez l'air un peu énervé, monsieur. Je vais t'enculer, gros PD. Pourquoi tu me parles comme ça, toi? Bah, non, je vous appelle juste pour vous poser une question. Après, c'est vous qui vous excitez, monsieur. Ouais. C'est toi, le gros connard, va. Oh non, monsieur. Non. Fils de pute, va. Oh non, monsieur, ça fait... T'aimes ça, hein? Fils de bâtard, va. Mais pas du tout, t'as monsieur. T'as envie de te faire insulter, c'est ça? Mais non, mais non, monsieur, moi, je voulais juste savoir si vous étiez un connard. Va niquer ta mère. Ta mère, c'est une grosse salope, hein? Mais... Une grosse hyène, hein? Pourquoi vous dites ça, monsieur? C'est pas gentil. Va te faire enculer, gros bâtard. Appelle-le pas, je vais t'enculer, moi. Fils de pute. Non, monsieur, non. Non. Bon, du coup, on l'avait rappelé encore une fois parce qu'on est un peu dingue, hein, faut comme le savoir. Surtout moi. Ouais, surtout toi, ouais. Si tu veux, face de sodomie, toi. Bah non, monsieur, mais je voulais que vous vous excusiez parce que vous avez été quand même un peu violent. M'excuser de quoi? Tu me demandes si je suis un connard, moi? Bah oui, c'est juste une question, monsieur. Qui, tu sais qui t'a donné mon numéro, là? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Ah, Toff, hein. Enculé. Oh non. Qui c'est qui t'a donné mon numéro? Bah, l'annuaire, monsieur. Ouais, tu vas voir, j'ai un 06 l'annuaire. Bah je oui. Je vais faire péter une à travers les deux yeux, moi, tu vas voir. Je vais te demander que c'est qu'elle éteint la lumière, connard, va. Un coup d'annuaire dans la gueule, je vais te mettre, moi, gros pédé, là. Hein? Mais il n'y a plus d'annuaire papier. Toi, tu dois avoir une sale face de rat, va. Mais monsieur, il n'y a plus d'annuaire papier, hein. Maintenant, l'annuaire, il est sur Internet, hein. Ouais, tu vas voir, je vais t'en mettre un coup, moi, tu vas voir. Hein? Gros pédé, là. Ça va être dur, quand même, de mettre un coup d'annuaire Internet. Ouais. Allez, va niquer ta mère, d'accord? Va niquer ta grand-mère aussi, hein. Ah, elle aussi, monsieur. Fils d'enculé, va. Allez, dégage. Ah, tout ça. Écoute, je ne connaissais pas tes parents sous cet angle-là. Mais moi non plus, mais je les découvre petit à petit grâce à nos amis. Oui, à nos amis. Oh, violence. Ah, il était lui, je pense qu'en termes de podium, il a quand même la deuxième ou première place. Hein. Oh, oui, non, lui, il est très très en bon. Termes de violence, hein, je parle. Hein. Bah, il y avait quand même celui qui voulait m'éjaculer à ma face. Oui, oui, oui, c'est vrai, mais c'est pour ça, c'est difficile de voir lequel... être devant, enfin c'est compliqué. Je pleure de rire devant espèce de fils de pute, ça, connard, bâtard, De tes morts, enculé, le mec, il a dit tous les gros mots du monde. Ah oui, oui, oui, là, complètement. Yaroms aussi, je suis plié de rire avec lui. Nico qui dit, Toff a déjà été 5 fois suspendu d'antenne depuis le début de l'émission. Va-t-il battre son record? Eh bien, on verra bien, on verra bien. Va-t-il encore aller une fois au coin? Il y a de fortes chances. Et Yas qui dit, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais moi, je le trouve franchement pas mal, Toff. Oh, mais merci. Ah, merci. On salue également la Ligue Braille qui est nombreuse à nous écouter moi aussi, ce soir. Je t'aime. Et Laurent qui dit, c'est quoi la meilleure marque de capote? Le meilleur, bah, j'en sais rien. Je pense que bah, toutes celles qui ont le logo CE normalement sont bonnes, mais NF. NF, oui, pas en passé. NF. Française, ouais. Exact. Ouais. Parce que CE, c'est pas. Enfin, c'est juste les normes, mais elles sont pas testées, alors qu'NF, elles sont testées. D'accord, ok. Donc, oui, bah, après, t'as les plus connues, Durex, machin. Voilà. Ça dépend ce que tu veux. Voilà. Ça dépend ce que tu veux, et après, là-dedans, il faut que tu choisisses. Mais ils veulent baiser, c'est tout. Oui, mais tu vois, si tu veux baiser plus longtemps, c'est mieux les Durex, parce que les. Que les Performa, oui. Bah, les Performa Durex sont mieux que les. Je sais plus comment elles s'appellent, les Extenda. Manix. De Manix, ouais. De Manix, ouais. Parce qu'en fait, les Manix, elles sont juste plus épaisses, alors que les Performa chez Durex, elles sont c'est des capotes normales, sauf qu'il y a de la bazocaïne dedans. C'est une espèce de petit produit, un petit gel qui est un anesthésiant en fait, qui va vous anesthésier un peu le gland, et donc du coup vous serez moins sensible, donc du coup vous tiendrez plus longtemps. Attention, car si vous n'êtes pas précoce, si vous le mettez, ça va durer longtemps. Vous allez de peine à jouir. Ah ouais, parce que là vous allez peiner, hein. C'est-à-dire que ça va être long, quoi. Enfin bon. Ouais, c'est endurance ça. Chez. C'est endurance, voilà, c'est ça. Donc non, mais après il y en a plein. Il y a tellement de marques, il y a tellement de modèles. Il y a ceux avec les petites rainures, il y a ceux avec les machins, avec les boules. Enfin bon, bref. Et pour les fins, par contre, c'est Skinny de chez Manix qui est mieux. D'accord. Que les secondes peaux, je crois, de chez Durex. D'accord. Bon bah voilà, comme ça. Il y a un peu mieux à gauche, un peu mieux à droite. Bah, ça dépend. C'est pour ça. Il ça faut dépend, choisir. Ça dépend ce que tu veux. Faut tester. Après, ça dépend si tu veux aussi des trucs avec coloré, avec des. Ouais, goûts, voilà. Ouais. Non, c'est vrai. Bon allez, on va prendre Johan et Amandine qui sont là maintenant. Là, salut Johan. Salut Amandine. Salut. Comment allez-vous? Bien, vous? Très bien. Alors Amandine, est-ce que t'as le kit main libre? Non. Ou le haut-parleur? Non plus. Où est-ce que tu parles t'es dans ton lit là? Oui. Ah oui, ça m'étonne pas. Est-ce que la couette est tout près de ton visage? Parce que du coup, le son est hyper étouffé, on t'entend très mal, Amandine. Ouais. Ouais. Non, mais je suis pas sous ma tête, hein, vous inquiétez pas. T'es pas sous ta couette, bon, on dirait. Tu peux pas éventuellement te mettre peut-être juste assise à la limite, peut-être que ça passera mieux, je sais pas. Assise? Ouais. Vous m'entendez là? Ouais, je ne sais pas si ça va beaucoup mieux. Réessaye un coup pour voir? Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir Amandine. Jean-François. Combien mesures-tu? Oula, je suis pas bien grande. Ce n'est pas grave. Mais bon, comme on dit, tout ce qui est petit est mignon. Mais effectivement, mais ça fait combien en centimètres? Il peut y avoir des exceptions partout, hein, mais... Pardon? J'ai connu des gros tons d'1m20, mais combien mesures-tu? Non mais merci, t'as dit que t'as vu ta gueule, pauvre con. 65. Hein. Voilà, quel est ton poids? Ça va, 1m65, je suis pas très grand, ça va 1m65. Et pour information, je mesure 1m85 aussi. Ah bon, on est ravis d'apprendre, on t'a rien demandé. Qu'elle enlève les talons, elle pourra tuer. Alors, quel est ton poids? Mon poids? Non, ton poids. Mon poids. Ton poids, le poids, kilogramme, gramme, je fais top, c'est top, il aime bien faire ça. 50 kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine? Poitrine, ni barre, ni chon. Mais ça se dit pas, ça. Mais si, ça se dit... Dans 30 secondes, tu vas te faire démonter le cul par Johan, alors. Toi, tu fais du 95C, voilà. Voilà, c'est ça. Oui, c'est les grands mots, ouais. Bon, alors, donc. Et en même temps, les filles, je passe un message à tout le monde. Vous pouvez inventer n'importe quoi, on s'en branle. Hein, parce que Toff, il est persuadé que ce sera vrai, mais au final, tout le monde s'en fout. Bah, il dirige un bureau d'études, hein. Ouais, mais il dirige ça, un bureau d'études. 95B. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? De quoi? Le dernier pantalon que tu as acheté, il faisait quelle taille? 36. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Est-ce que tu vas être bien Johan? Ouais, tu vas te mettre bien Johan. Bon alors bah très bien, tu disais quoi Johan? C'est-tu mignon cela? Moi personnellement je fais 1m85 pour 76 kilos. Mais en fait on t'attend, je tiens à rien demander. Ah oui non mais. Non mais je vous le dis quand même hein, si. Non mais t'as raison. Et des fois que ça puisse intéresser Amandine, c'est vrai qu'après tout tu vas quand même avoir une petite relation d'une, deux, trois minutes avec elle. En plus je suis célibataire. Et en plus, tu vois, là finalement, là. Ça ne gâche rien. T'es à Grenoble, Amandine, toi t'es... Dans l'Orne, c'est à côté, l'Orne, vous allez 61. Pouvoir vous rencontrer ce soir. Eh ouais. Bon, alors, Johan et Amandine, le principe du jeu est très simple. Amandine, va vraiment falloir que tu parles un peu plus fort, hein, parce que c'est vrai qu'on comprend pas toujours ce que tu dis. Je dis ça parce que si les auditeurs comprennent rien, ils vont forcément pas voter pour toi, normal, donc ce serait con de perdre. On y va. Donc, le principe est simple. On a fait un canular tout à l'heure en mode zénatitude. Il va falloir improviser comme si vous étiez dans un monde zen. Eh ben, on va être zen. Mais attention, il faut quand même que la finalité, c'est-à-dire après 1 minute 30, faut que ça fourre. Il faut que ça baise. Eh ben, ça va baisser au bout d'une minute, même après. Vous faites comme vous voulez. Après le temps que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y a le moine Tof qui sera là, moi aussi. Bon, Polo sera là. Faut que ça enfourne, faut que ça enfourne. Voilà. Vous avez compris le principe ? J'ai compris le principe. Amandine. Oui. Très bien. Alors attention, je mets la musique, on y va. Bienvenue dans la Zen Attitude. Bienvenue Zen Amandine, comment vous allez ? Ça va très bien, et toi ? Bien, et vous ? Vous voulez du Bouddha, là, faire du Bouddha Shift, c'est ça ? Et du Bouddha. De quoi ? Vous voulez faire du Bouddha, c'est ça ? Tu viens faire du Bouddha. Attendez, s'il vous plaît, petite interlude. En fait, tu ne peux pas faire le Bouddha. Le Bouddha est un personnage. Voilà. C'est quelqu'un qui a existé. Voilà. Éventuellement une religion, voilà. Sur le bouddhisme, mais bon, le Bouddha, c'est la méditation. C'est comme si tu veux un morceau de Bouddha. Voilà. Donc, du Bouddha. Dites-moi, Amandine, vous voulez faire de la méditation là ou pas ? La médiation, la méditation. Tu veux faire de la méditation ou pas ? Méditation, c'est quand vous êtes en embrouille. Tu veux que je te fasse une séance de relaxation ? Non, je vais te faire des choses. Je vais te faire un massage. Je vais partir sur le cou. Ensuite, je vais finir sur ton dos, sur tes fesses. Et ensuite, je vais venir toucher ton petit menu aussi. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Le moine Toff entre en scène. Oui. Et vas-y. Bonsoir. Bien, je t'attends. Bonsoir, comment vous allez, monsieur ? Mais je vais bien, je suis venu pour ouvrir les chakras de la demoiselle. Eh ben, les chakras, là, pour rien de vous, il y a les chakras du plexus, il y a plein de chakras. Attends, temps mort, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous expliquer juste un truc ? On est là pour baiser, on n'est pas là pour faire de la religion, du bouddhisme, je sais pas quoi. Donc vas-y, ça défouraille, là, ça jouit, on y retourne, allez, action. Et tu m'entends, Amandine ? Oui, je t'entends. Je suis en train de te malaxer ton cœur avec ma bite qui est en train de venir entre les niveaux de tes fesses. Oui. Aussi. Non. Si. Voilà. Ensuite, je te fais un beau petit massage. Oui. Je pense qu'il est temps de partager les fluides. Et ensuite, on partage les fluides tous les deux, c'est-à-dire qu'on baisse totalement. C'est-à-dire que tu vas lui enfourner ton gros stick dans sa petite chatte. Voilà. Ça dépend, faudrait qu'il en ait une grosse déjà. Mais faites-le ! Mais une grosse, j'en ai une de 21 cm pour information. On s'en fout ! Baisse ! Veuillez arrêter de parler. On va baisser. Et commence par insérer ton rouleau de printemps. Je vais te rouler mon rouleau de printemps contre toi. Ça sent ça, un petit coquine, va. Là, on est avec des bougies autour de nous-mêmes aussi. On est avec de l'encens aussi. Allez, on baisse comme des fous. Avec des bougies. Oh là là, mon Dieu. C'est magnifique. Avec des bougies, de l'encens et tout, la totalité aussi. Baisse. Je pense qu'il est temps d'arrêter de regarder le décor et que tu lui fasses voir 1000 étoiles. Eh ben, les 1000 étoiles, je vais te faire découvrir. Là, sens-tu ma grosse bite entre toi, mon Dieu, côté sein. Entre, Alléluia entre, ça y est. Entre, Bouddha est entré parmi nous. Je suis en train de te pénétrer sur ta chatte, là. Je suis en train de bander aussi, pour information. La médiation, c'est le match d'un pro. Voilà, je bande contre toi, je te malaxe aussi. Je te fais un bon petit massage sur tes nichons aussi. En même temps que je te pénètre aussi, je te fais un bon petit massage sur tes nichons. En plus, c'est bien ferme et tout. Bien ferme aussi, bien pulpeuse aussi. Je te baise énormément. Ça fait 2 minutes là, 2030 même. Bon, alors Amandine et Johan, vous les auditeurs de voter pendant la pub là maintenant avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Vous votez pour Johan ou vous votez pour Amandine, pareil par SMS, envoyez et Mickaël et puis vous mettez Johan ou Amandine. Envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. On va revenir dans quelques minutes sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous, avec Party Fun qui arrivera également, dernière ligne droite de l'émission, également avec le drone, l'air drone de chez Parrot à gagner. C'est sur Facebook que ça se passe, tapez et Mickaël officiel. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Si Michael et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Michael nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Michael. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, en direct sur Fun Radio, 23h52. Polo contre le reste du monde arrive dans quelques minutes. Hein, si ouais. Vous voulez participer dans cette grande, à cette grande émission, n'hésitez pas, vous vous inscrivez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Paul PC28 qui dit Johan, largement, même sans solidarité. Il y a Capitaine Wasabi qui dit moi je vote pour le moine Toff, à notre grand malheur, c'était le seul qui était crédible. Ah non, mais merci, merci. Sarah Svati, Johan se débrouille pas mal, mais c'est pas le meilleur impro. Mick aussi qui dit à chier l'impro, je vote pour Polo. Bah oui, il a tellement travaillé dessus. Ah bah oui. Et Christelle qui dit faut que ça défouraille, baise, j'avoue, mon Polo c'est naze. Et Hugo Réo qui dit la meuf est trop coincée. Ah ah, Hugo Réo, alors qu'il est censé être interdit d'internet, est quand même là. Bon, Johan et Amandine. Oui. Nous avons les résultats. Et alors Nous savons. Oui. Amandine. Oui. Ce n'est pas toi qui gagne. Non. Amandine. Oui, tu as été mauvaise. Bouh. Ah, c'est Johan. Ouais. Bravo, Johan. Prochaine fois. Bon bah la prochaine fois c'est pas grave Amandine. Hein, hein non, en fait j'avais rien compris au jeu à la base. Ah bah c'est voilà ça. Mais pourquoi quand je t'ai dit t'as tout compris tu m'as dit oui alors il fallait me dire que t'avais pas compris. On t'en a réexpliqué. J'ai pas entendu. Mais parce que je t'ai dit t'as tout compris, vous avez compris oui. Les règles du jeu, Johan m'a dit oui, je t'ai dit toi Amandine. Oui. Ah là là Amandine. Bon bah c'est pas grave, maintenant tu connais les règles, la prochaine fois tu vas réussir. Hein Amandine. Ah oui, alors là vous inquiétez bon, pas pour moi. Ça mais. Marche. Bon, je te fais des bisous Amandine. Oui, moi aussi. Allez, ciao à toi Amandine, je t'embrasse. Johan, bravo à toi, tu retournes au standard et puis passe une bonne fin de soirée Johan. J'aimerais passer une dédicace, c'est possible ou pas? Bah vas-y, il y a une personne, alors choisis la bonne. J'aimerais passer à deux personnes. Non, une. Non, une. Tu n'es pas doux, tu n'as pas le droit. Oui, il y a que les doux qui ont le droit. Donc la première personne c'est à Emily Blue aussi. Très bien, eh ben, le message est passé, Johan. Et la deuxième? Non, ils ont une seule personne, hein, Johan. Ce n'est pas la peine d'insister. Hein. Bon, salut, Johan. Salut. Ah, ben la règle est la même pour tout le monde, même si on gagne. Ah, non, mais attends, sinon après, c'est la fête à la saucisse, et puis c'est tout et n'importe quoi, et ça ne peut pas se passer comme ça, c'est clair. Bon, on va faire Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. On va également se faire le top tweetos également. Hein, top tweetos. Bien sûr. Quel est le nom du gagnant du top tweetos numéro 5? Ah, déjà là maintenant, tout de suite. Bah oui, 55, parce qu'après, il y a Polo. Bon, on va d'abord faire Polo contre le reste du monde alors. D'accord, comme tu veux, moi je suis prêt. Non, non, on va d'abord faire Polo contre le reste du monde. Et puis on va terminer également avec Mathieu là qui est là. Mathieu, 15 ans de Clermont-Ferrand. Mathieu. Mathieu. Ouais. Ça va hein? Ouais, ouais, toi. Ça va Mathieu, qu'est-ce qui t'amène? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène? Bah rien. Ah. Parce que si t'es dans le standard, c'est que t'as appelé à un moment où tu voulais passer pour quelque chose. Non, je rigole. C'est ouais pour faire l'armée du Doubs. Ah oui, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Non. Ouais. Là, t'as mué. Hein? T'as mué déjà. T'as mué, toi, t'es pas doux, là. Ah ouais. Ah, l'armée des doux, c'est que ceux qui n'ont pas encore mué. Ah non, ah, là, je suis désolé, on peut pas t'accepter. Hein. C'est comme à l'armée quand il y avait les pieds trop grands. Bah non, là, c'est pas possible. D'accord, je peux là, passer une dédicace. Là, t'as mué. Ouais, à une seule personne, et choisis la bonne. Hein. Ah merde, bah, mon frère. Eh ben, très bien. Bon, on embrasse le frère, il s'appelle comment? Kevin. Kevin, très bien. Eh ben, le frère, on l'embrasse, y a pas de problème. Salut Mathieu. Salut. Ciao. Et ce qu'on peut faire en attendant l'arrivée de Polo contre le reste du monde dans une petite minute, le gagnant du drone, l'air drone de chez Parrot qu'on vous offre depuis tout à l'heure. Il fallait faire un like et un partage sur le Facebook de l'émission. On va donc sélectionner maintenant le gagnant. Laissez un message, merci. Ah merde. Ouais bravo. Allô, salut, c'est Mickaël. Bah écoute, on t'appelait pour te filer le drone. Bon bah écoute, voilà, c'est fallait déroger quoi, fallait laisser ton numéro, ton téléphone allumé. Tu l'as laissé éteint, c'est bien dommage. Tu passes donc à côté du drone et j'en suis vraiment désolé. On va donc sélectionner quelqu'un d'autre du coup, hein. C'est pas grave. Salut à toi, à bientôt. Et puis bah tant pis, hein. Voilà, bah on va sélectionner quelqu'un d'autre du coup. Bah oui. Ah bah c'est parti. Et puis Polo against the rest of the world. Ah bah on va y aller alors, ouais. Hein. Alors Polo qui est en train de bailler là, je vous dis pas, l'émission elle va être bonne. Oh là là. Oh les 5 minutes là, elles vont être au taquet, hein, vous allez voir. Là. La folie de la folie, la folie de la folie de la folie. Vous allez voir, ça va être la folie totale. Allez, 23h56 sur Fun Radio, Polo against the rest of the world. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous le savez, je vous aime tous, qui que vous soyez, quelle que soit votre taille, votre poids, je vous aime. J'aime parce que vous êtes là. Et parce que vous m'aimez un peu et donc on s'échange un peu d'amour. Marvin, bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Oui, salut Polo, ça va? Ouais Marvin, t'attends deux secondes? Oui, t'es pressé là, t'es pressé? Non, pas forcément. Allez, ok. Le con dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute, le con. Oui, bonjour. Je voudrais pour savoir pourquoi je suis con. Oh là là, il était pas drôle en plus. Bah quoi? Tu sais que t'es pas drôle ou pas? Mais 2 plus 2, ça fait bien 5. Et on t'a dit que t'étais pas drôle? Oh là, qu'est-ce qu'il est bête. Samuel, bienvenue. Oui, bonjour président Avipolo, c'est Samuel, le chef des armées des Dômes. Président Avi, oh là là. Oui, je vous écoute Samuel, pardon? Oui, je suis le chef de l'armée des Doux. Où est-ce qu'on attaque? Attends, calme-toi, tu ne peux pas être chef. Tu n'es pas chef de l'armée des Doux, je suis le chef de l'armée des Doux. Non, vous êtes le roi des Doux. Ouais, tu es un petit caporal. Oui, ben voilà, on attaque quel pays? Bon, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux Je voudrais savoir on attaque quel pays. Et calme-toi, on va réfléchir 2 secondes. Layla. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Bataf, il est trop beau en fait et je voulais l'épouser. Oh là, mais quelle horreur. Tu sais que c'est une horreur ce mec. Il sent mauvais, il se fait caca dessus et tout. Hein. Moi, je le trouve super beau. Bon, bah c'est bien. Le teubé. Allô? Ouais. Ouais, c'est qui? C'est Polo. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Bah rien, c'est toi qui as appelé. Ah non. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Bah oui, mais si j'ai appelé, pourquoi j'ai appelé? Bah j'en sais rien et tu sais pas pourquoi t'as appelé? Bah non, parce que moi je croyais que c'était toi qui m'avais appelé. Bah non. Marvin. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Alors j'ai 2 blagues. Ouais bah tu les gardes. Le con dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Attends, je cherche 2 x 2. Bon, le con, tu sais quoi, je t'aime beaucoup, on va rester bons amis, tu vas te raccrocher au nez, puis on en parle plus, tu reviens un autre jour, ok? Allez, raccroche-toi au nez. Allez, m'oblige pas à le faire. On reste bons amis, allez, casse-toi, hop, je te raccroche à la gueule. Samuel. Oui, on a préparé les lance-pierres, on attaque qui? C'est quoi? Il y a quoi dans le matériel là pour l'attaquer là? Alors, on a des lance-pierres et des Mombao. Parfait, c'est au top. Layla. Oui, je voulais savoir si t'as filmé ça les chips. Ouais, il adore ça, allez, dégage Layla, j'en ai rien à foutre. Abou Bâtard. Oui, mes parents m'ont appelé Abou Bâtard, alors qu'ils devraient m'appeler Abou Bâtard. Il y a une erreur. Ah bah oui, mais je suis pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis pas ton père, je suis pas. Abou Bâtard. On est en train de dire gros bâtard. Gros bâtard. Je suis pas. Je fais pas partie de la société de. Enfin, de non... Mais laisse-moi Mamadou. Parler. Bon, allez, vas-y. Le teubé. Ouais, allô? Ouais. Ouais, c'est qui? Bah, c'est. Mais t'es con ou quoi? Je te l'ai déjà dit, c'est Polo, tu l'as appelé, qu'est-ce que tu veux? Bah, pourquoi tu m'appelles? Bah, je ne t'ai pas appelé, tu as appelé. Allez, hop, allez, dégage. Yann. Polo, ouais. Tof, c'est une salope. Ouais. Pourquoi Tof, c'est une salope? Ouais, c'est vrai, ça, t'as raison, Yann. C'est tout? Non, c'est cool, ça fait plaisir, c'est la première fois que j'ai à la radio. Ouais, bah, merci, bah, c'est cool. Marvin. Oui. Ouais, t'avais dit que si j'ai pas une bonne blague, j'étais banni définitivement de l'antenne. C'est ça, si tu fais une mauvaise blague, tu es banni définitivement de l'antenne. Je pense qu'il y a une qui peut vraiment. D'accord, on verra tout à l'heure. Samuel, le retour. Oui, donc on attaque qui au final? Bah pour l'instant, tu sais ce que tu vas aller faire, le doux. Tu vas aller coucher, tu vas prendre des forces, on attaquera demain. Oui, monsieur. Ok. Ok. Oui, mon roi. Je vous en prie, au revoir Samuel. Abou Bâtard. Oui, je te disais que c'est pas normal, Abou Bâtard. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Abou Bâtard? Ma mère s'appelle Fatoumata, ouais. Et mon père s'appelle Mamadou. Et bah c'est bien. Moi, Abou Bâtard. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, tu dois faire avec ce que t'as. Allez, casse-toi, E-T-B. Ouais, allô? Ouais. Ouais, c'est qui? Mec, ça fait 4 fois que tu me demandes. C'est Polo. Ouais, mais je comprends pas, parce que tu me dis ça fait 4 fois, mais... Mais je sais pas, c'est toi qui appelles, le teubé. Je ne veux rien, moi, je ne veux rien. Yann. Dégage. Yann. Ouais. Yann, on conclut, Yann. Conclusion, là, on va y aller, nous. Ça presse, là. Bon, il s'est raccroché lui-même à la gueule. Samuel. Oui, donc j'envoie la Somalie. Parfait, allez, au revoir, Samuel. Vas-y tout seul. La Somalie. Abou Bâtard. Je vais aller voir mon père, je vais lui dire. Écoute-moi, Jampé, de que tu es. Bartrang, que tu es. Je vais venir, je vais t'en couler. D'accord. Merci Abou Bâtard pour cette invitation ridicule. Bon, allez, casse-toi d'ici. Marvin, tu reviens demain? Ah mais non. Ah bah si. Ah mais non. Ah mais si, Marvin. J'en sors une ce soir, une non, demain. Non, après, Marvin, fais pas le malin ou t'es banni à vie? Une ce soir et une. Allez, demain, casse-toi Marvin. Le teubé. Ouais, allô. Allez, on conclut ma gueule. Ouais, c'est qui? C'est Polo. mais pourquoi tu m'appelles Polo? Je ne sais pas, c'est toi qui as appelé le teubé. Mais pourquoi je t'aurais appelé? Parce que moi j'avais rien à dire. Raccroche-toi au nez, on n'en parle plus, on reste bons amis. On est amis alors? Bah, ouais, voilà, c'est ça, on est des meilleurs amis du monde. Ah ben voilà, c'est pour ça que tu m'as appelé. Voilà. C'est pour me dire qu'on était amis. Voilà, allez, casse-toi. Ainsi se termine ce polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui ont écouté, merci à ceux qui n'ont pas écouté. Et vous êtes toujours sur Fun Radio. Oui, on aura pu s'imaginer aux choses, hein. Bah oui. Bah quoi? Non, non, rien, c'est pour ça, c'est bien que tu précises. Moi, je trouve ça pas mal, je trouve ça pas mal. Bon, allez, du coup, on va appeler le gagnant maintenant, là, le gagnant Facebook, c'est parti. On fera le top tuto juste après, et on va donc voir maintenant lequel va repartir avec ce drone. Alors qu'il a failli partir, là, et puis ça n'a pas décroché. Ah, il y a la vie. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Pamela. Pamela, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. T'es dans quelle ville, Pam? Strasbourg. Et t'as quel âge? J'ai 31 ans. 31 ans, et eh ben Pamela, tu as fait un like et un partage sur la photo où je suis avec ce beau drone, enfin la boîte en l'occurrence. Et eh ben Pamela, on va te filer le drone de chez Parrot. Oh, et eh ben voilà. Bravo Pamela. Allez, Pamela, merci. Tu vas pouvoir te filmer nu en train de faire l'amour. Ouais, exactement. Grave. Et nous envoyer. Et parce qu'évidemment on a mis un virus dans le drone et ça nous connecte dessus. Ah, donc bah, on reçoit les photos, les images en temps réel. Ah super. Évidemment. Bon bah bravo à toi en tout cas Pamela là. Gros merci. Bisous. Merci. Je t'embrasse. À bientôt Pamela. Mes copines de Paris. Et tu embrasses. Nous aussi on les embrasse. Bien sûr, avec plaisir. C'est quoi ton nom? Parce que du coup comme ça je te tague sur le Facebook. Est-ce que t'as un pseudo ou c'est ton nom de famille? Non, c'est Pamela Bruna. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, je te mettrai un message sur le Facebook comme ça au moins. Super, merci. Bah avec plaisir. Je te fais des bisous. Bisous. Merci bisous, beaucoup. Salut Pamela. Allez, ciao à toi. Et ça y est, donc le drone est parti. On va donc maintenant faire le top tweetos. Donc quel est le numéro 5? On t'entend mal, Toff. Alors, le numéro 5. Le numéro 5, pourquoi ça s'affiche plus? Ah voilà, alors c'est Extra Gornax. Ah voilà, numéro 4. Nico. Non, il a perdu sa place, Hugo Réo. Ah. Numéro 3. Hugo Réo. Ah, bon, il a pas fini premier, mais. Enfin, c'est Réo Hugo. Hein. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, il avait perdu à un moment c'est son mot de passe de Hugo Réo. Ah. Alors du coup, il a inversé, mais je trouvais ça plus sympa de Hugo Réo par rapport à la vanne de Réo. Oui. Alors que Réo Hugo, c'est moins drôle. Ouais, c'est pas drôle. Ouais, c'est bon, vrai. Donc Hugo Réo. Donc, numéro 2. Le prince Nadia, alors parce qu'elle a inversé aussi, mais du coup c'était mieux quand c'était le prince Nadia. Prince, ouais, c'est ça. Et alors numéro 1, Sarah Svati. Très bien, qui a déjà gagné, me semble-t-il. Sarah Svati. Je ne sais plus, faudrait vérifier. Je pense qu'elle en veut un pour le cul là. Ah, peut-être aussi, ben, un sextoy offert par Passage du désir.fr. Évidemment, et avant de se quitter pour laisser place à Party Fun, il y a le générique. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton nom toute la journée. Tu viens, je te spire, maman, au visage. Donc t'es un sale pédé alors, t'es un gros cul, t'es mort. Vous foutez pas ta gueule du monde, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Va te faire foutre, enculé! Oh. Quel cochon! Que veux-tu? Ils sont canadiens! Non, ben arrêtez de prendre pour une conne, non, maintenant! Va t'enculer, ça fait deux putes, moi! Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé! Allez! Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé! Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé! T'es tellement ça te fait enculer, toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Et ben voilà, on a eu le duo, tiens, comme ça pour une fois. Bon ben voilà, ben merci beaucoup, l'émission est terminée. On se retrouve demain en pleine forme à partir de 23h. Ouais. Exactement. On se retrouve demain à partir de 23h en pleine forme. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir à écouter l'émission. Et puis bah bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis bah pour les autres, bah bon courage. Hein. Ça va bien se passer, ouais. Vous allez voir. Mais oui, on est là en plus. Mais oui, en plus on va être là, on va être au taquet, vous allez voir, ça va être cool. Allez, bonne nuit tout le monde, merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Il y avait Gigi, il y avait Laurent, il y avait Basile, il y avait Valou également, je vais en citer encore quelques-uns qui étaient là de passage. Il y avait Mika Lapéro, il y avait Matata, il y avait Capitaine Wasabi, Sam, Reader, Charles-Edouard et Sania pardon, qui ont débarqué, Stratch Beach également, MIG10350, Ophée, etc. Merci à vous, continuez à faire passer le message avec vos potes. Hein, qu'il faut écouter le soir évidemment l'émission 23h 2h. C'est sur Fun Radio que ça se passe et uniquement sur Fun et tous les dimanches de 20h à minuit. On se quitte maintenant et on revient demain 23h. Salut tout le monde. Dans une autre dimension. Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais